Merci pour cette soirée. Merci. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On sera là à 20h, dès 20h. Tout le monde est en vacances, enfin, tout le monde si écoute la Ligue Fun. Je rappelle que tu as un discrédit sur toi. C'est vrai, c'est vrai. Avec le professeur Caribou. J'ai peur. Je pense qu'il t'aime, Caribou. Non, mais moi aussi. Je pense qu'il se passe un truc quand même. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Ça va bien, et toi? J'ai entendu que... Oui, aussi. Apparemment. Ouais, pas mal, ouais. Est-ce que t'as déjà dit je t'emmerde à un voyant? Un voyant, je t'emmerde, non? Oui. Mais non. Là, j'ai un candidat pour toi. Il l'a très bien dit, hein, plusieurs fois. Ah, d'accord, suite. Ok, très il bien. Il a fait je t'emmerde. Non, j'ai pas dit je t'emmerde. Oh, la même chose, la même chose. J'ai dit à un marabout. C'est pas pareil. Tu sais que les marabouts, ils ont des poupées vaudou, etc. Il m'a dit qu'il allait jeter son discrédit. Et ben écoute, très bien, on verra. On a peur de perdre Karel. Ça me fait un peu peur. Et ben écoute, on verra bien. De toute façon, t'inquiète pas, j'en place, hein, pas de problème. Hein. Bon, pas tous les soirs. Les soirs non plus. Hein. Ça tombe bien, peut-être pour demain. Et ben écoute, tu me diras, pas de problème. Ça roule. Bon, ben bonne soirée, bonne chance, bonne nuit. Hein. Et si ça gratte à la tête, c'est normal. Ça y est, pas de problème. Ciao tout le monde. Ciao. Ouais. Allez, c'est parti, on est parti justement jusqu'à 2h. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que c'est bon de vous retrouver chaque soir pour faire de la radio avec vous, du lundi au jeudi de 23h à 2h, et comme hier le dimanche, de 20h à minuit. Vous le savez maintenant, il y a enfin quelque chose à la radio le soir, et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Alors continuez à le dire autour de vous pour que tout le monde le sache, que c'est la meilleure émission du monde, etc., etc., et que si quelqu'un prétend le contraire, qu'il parle maintenant, ou qu'il ne se taise à jamais. Enfin, ou qu'il se taise à jamais, plutôt. Je pense que le message est passé. Hein? Tout le monde est d'accord? Oui. Et ben voilà, ben c'est parfait. Ah bah c'est bien ce que je pensais. Bon, alors, est-ce que t'es d'accord avec moi, Kalissa, qui est avec nous, de Besançon, dans le Doubs? Ça va bien, oui, Kalissa? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, mais voilà, rassuré. Kalissa, que nous avons eu hier soir au téléphone, qui est tout donc voyante, c'est ça, hein? Tout à fait, voyante, oui. Ah. Voilà, et qui a annoncé donc que Toff allait être papa. Oui. Voilà, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est sur l'année prochaine. Hein. Oui, mais enfin, il va être créé cette année, quoi, normalement. Faut qu'il tombe, quoi. Faut qu'il tombe, oui, la petite graine va être mise cette année, normalement. A priori, oui. D'accord, bon, bah très bien, parfait. A priori, donc tu n'en es pas sûr. Non, mais on verra. Alors, du coup, on a demandé à. On n'est jamais sûr à 100% en voyant. Non, c'est vrai. Ça. Mais écoute, on t'a eu hier soir, et donc hier soir, t'as dit que t'allais préparer le thème de manière un petit peu plus détaillée. Alors, préparer un thème, ça c'est plutôt dans l'astrologie. Là, j'ai plutôt travaillé sur la numérologie par rapport à Mickaël et à Toff. D'accord, voilà. Bon, après, on n'est pas dans le détail. Hein, les thèmes, moi je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on se comprend. C'est important, le détail. Bon, bah d'accord, ok, très bien. Et on a assez de numéros pour un loto ou pas? Non, ça je ne sais pas. Ah, dommage. Bon, reste avec nous, Kalissa. Vous en saurez plus dans quelques minutes également. Il y a Nassim également qui est avec nous. Salut Nassim. Ouais, salut Mickaël. Comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi, ça va, beau gosse? Eh ben, tranquille, Nassim, et toi, ma gueule? Oh, bah, moi, ça va, ma gueule, et toi? Bon, tant mieux, t'as passé une bonne journée? Ouais, tranquille. Bon, parfait. Bon, Nassim, reste avec nous. Ce serait bien que Toff soit papa, non? Ouais, bah, c'est mon père, et ce bâtard, il m'a laissé à l'hôpital. Ouais, grave. Ça ne m'étonne même pas, figure-toi, ça ne m'étonne vraiment pas. En plus, maintenant j'ai une sale gueule, il m'a fait tomber en plus. Oui, mais ça non plus, ouais, ça non plus, en revanche, ça ne m'étonne pas. La demain gauche. Mais elle s'appelait comment, ta mère? Ma mère, elle s'appelait, je sais plus, Gertrude, je crois. Ah Gertrude, ouais, c'est le même, c'est le genre de meuf. Il manque une partie du cerveau. Non, c'est le genre de meuf de Toff, t'inquiète pas. Bon, Nassim, reste avec nous. Donc, si vous aussi, vous voulez passer dans la meilleure émission du monde, en toute simplicité et toute modestie, eh bien, vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et vous viendrez parler de ce que vous voulez avec nous. Sandro, passez une bonne journée. A passé une bonne très journée. Bien, très oui, nouveau. Elle décroche. Mais je suis de nouveau complètement débordé. Je ne sais même plus où je suis. C'est la rançon du succès. Il y a trop de monde. Voilà, je ne sais même plus où je suis. Toff qui a également attend des nouveaux appels, des nouveaux amis. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance sur toi. Voilà, des nouveaux amis que nous aurons l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Hein. Ah, j'espère. Ah bah moi j'espère aussi. On aura des très bons. Tu m'étonnes. Et puis Polo qui finit de se remettre lentement mais sûrement de ses multiples douleurs et blessures. PJO de la semaine dernière. Ça va mieux, j'ai perdu tous les bleus que j'avais sur le bras gauche. C'est déjà ça de prix. J'ai plus mal aux fesses. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a la vidéo des Jeux Olympiques avec le bobsleigh qui devrait arriver. En tout cas, elle est faite, mais il y a un bug avec YouTube. Oui, donc, dès que ça fonctionne. Ça ne s'exporte plus. Ouais, dès que ça fonctionne, dès que c'est mis en ligne, on vous le tiendra au courant, bien entendu. On va accueillir également Arnaud qui est avec nous dans le Loiret. Salut Arnaud. Salut Mickaël, ça va? Ça va très bien, et toi Arnaud? Ça va nickel. Bon. Eh ben, bienvenue à toi. Alors, on va se faire la colle. Il y a les casques Beats by Dre qui sont à gagner ce soir avec la colle. Le principe est très simple. Donc, tu vas poser une colle. Les auditeurs vont devoir découvrir la réponse à la colle. Celui qui trouve gagne le casque Beats by Dre. Si personne ne trouve ou que la personne qui a été sélectionnée ne décroche pas tout à l'heure vers minuit 30, eh bien, à ce moment-là, c'est toi qui gagne. Vas-y, on t'écoute, Arnaud. Alors, on rentre par un trou et on ressort par deux. Qui suis-je? Alors, répète-la parce qu'on a mal entendu à cause de moi. On rentre par un trou et on ressort par deux. Qui suis-je? Voilà, on rentre par un trou et on ressort par deux. Qui suis-je? Bah non, tu rentres pas par un trou, tu ressors pas par deux. Si, ça m'est arrivé une fois. N'importe quoi. Bon, si vous avez la bonne réponse à la colle de ce soir, la colle d'Arnaud, eh bien, à vous de jouer. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pourrez jouer aussi dans 2-3 minutes sur le Facebook de l'émission. Je vais vous mettre le post en direct. Donc, dans 2-3 minutes, vous allez pouvoir lire la colle et y répondre, ce qui est quand même vachement pratique pour ceux qui ont peut-être pas forcément, comme moi, tendance à arriver à réfléchir juste en écoutant. C'est plus facile d'avoir le texte, l'énoncé sous les yeux. Ah ouais. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Arnaud, tu restes avec nous? Ouais, il n'y a pas de souci. Parfait. T'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas, toi? Wizard. Martin Garrix, c'est ça? Voilà. T'as eu de la chance, il était calé sur la page où j'ai tous les sons. Parce que pour le même prix, tu sortais un vieux son que j'avais pas sous la main. Eh bon, on se le mettra tout à l'heure, le Martin Garrix avec Wizard, sans problème. Et toi, Kalissa, t'as envie d'écouter un son ou pas? Ah, moi j'adore les sons fun, donc tu mets ce que tu veux, y'a pas de problème. Alors, si je mets David Guetta. J'adore. Shut Me Down. Bon, Klingan aussi avec Jubel. Histoire de chiller pendant que t'en vas. Chier, bien sûr. Bien entendu. Et puis je vous cale aussi, ça suit que j'aime bien là. Daft Punk, Instant Crush. Bon bah parfait, si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, n'hésitez pas à hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. N'hésitez pas, vous mettez le petit hashtag, c'est le petit carré, le dièse, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis vous viendrez discuter avec nous comme ça toute la soirée. Je rappelle aussi qu'on fera un top tweetos avec les t-shirts comme un air de rock ou les... Sextoy offert par passagedudésir.fr et les t-shirts offert par comme un air de rock. Voilà, donc les t-shirts sur Facebook. Ouais, sur Facebook, ouais. Donc vous pouvez voir la gueule des t-shirts sur le Facebook de l'émission également. Ils déchirent. T'as déjà été voir ou pas, toi, Kalissa? Comment? Tu m'as dit quoi? T'as été voir les... T'as pas vu que j'allais te poser une question? Ah non, je suis désolé, j'ai pas. Bah bravo, pour une voyante, c'est moyen. Ah non, ouais, c'est moyen, ouais. Je disais, est-ce que t'as vu les t-shirts comme air de rock qu'on offre depuis la semaine dernière là? Non, j'ai pas vu, mais j'aimerais bien en avoir un en tout cas. Bah si t'as pas vu, tu peux pas en avoir un, parce que ça se trouve, ah, ils sont moches. Cool. Ouais, ça se trouve, ils sont très laids, hein. Bon, les autres, allez voir là sur le Facebook de l'émission, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous voulez. Mais pour ça, il faut évidemment être le numéro 2 ce soir. Numéro 2 dans le top tweetos, c'est-à-dire la deuxième personne la plus influente sur le Twitter de l'émission. Donc, postez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Et puis si vous êtes deuxième, vous repartirez donc avec le t-shirt comme air de rock ou alors le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Message qui est arrivé aussi. Bonsoir, c'est pour poser une colle. Alors pour poser des colles, si vous voulez aussi poser des colles, n'hésitez pas, parce que là il n'y a pas de numéro. Il faut simplement écrire à sandro@funradio.fr. Vous lui faites un mail, vous lui envoyez la colle que vous voulez poser demain soir en l'occurrence, puisque ce soir on a déjà Arnaud. Eh bien vous pouvez y aller. Donc voilà, sandro@funradio.fr. Il y a Romain qui dit, vous êtes les meilleurs, je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît, avec plaisir. Eh bien allez vous faire foutre, cher ami. Voilà Romain. Mickaël, tu déchires, c'est Christophe. Merci beaucoup, Mika. Merci beaucoup, Christophe. Pardon, je me remercie moi-même. Nathan qui envoie son message. Allez, c'est parti pour Mickaël. On va bien se marrer, je pense. Un petit message de bienvenue pour moi dès le début. Bah oui. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde. Je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête. Je vais te couper ta croissance, toi. Bah voilà, Paul PC28. Bonsoir tout le monde. Et puis Priscilla qui dit petite dédicace à Hannes. Bon rapport de stage. Voilà, le message est passé sans problème. Et Camille avec un K qui dit, j'ai besoin d'un taf. Vous voulez pas faire une annonce pour moi? Je suis désespéré. Bah dis-moi, Camille avec un K, oui. Qu'est-ce que tu cherches dans quoi aussi? C'est surtout ça. Donc tu m'envoies ton message et puis après on essaiera de t'aider sans aucun problème. Bon, on est aussi au cœur d'une heure sans pub. Ça c'est la bonne nouvelle. Et puis Kalissa, comme t'es avec nous, tiens, t'étais bon en vacances là, non? non, je suis pas en vacances, non. Ah, dommage, dommage. Bah écoute, je voulais quand même une petite pensée pour tous les malheureux de la zona là qui ont dû retourner au bahut. Bien fait pour eux. Ah bah attends, ils étaient déjà en retard. Attends, tu rigoles ou quoi? Voilà. Voilà, bien fait. Hop. Et puis bah la baie là qui démarre. Hein. Ah. Eh ben voilà, bonnes vacances tout le monde. Pour ceux courage, qui sont pas encore en vacances, ça va aller, hein, ça va venir, rassurez-vous. Pour les autres, rassurez-vous, il y en a d'autres qui arrivent bientôt. Hein. Bah oui, de toute façon, il y a toujours des vacances. Il y a toujours un moment ou un autre des vacances. Alors pour ceux qui auront envie de prolonger un peu les vacances, je voulais savoir quelles étaient vos pires excuses pour pas aller au taf ou au bahut. Et toi, par exemple, t'as pire excuse, Kalissa? Ah, moi, ma pure excuse, c'est je suis malade, je peux pas y aller, quoi. Ouais, d'accord, ok, basique, quoi. Le truc classique. Mais, ouais, mais malade style quoi? T'as déjà dit quoi comme connerie? Malade style à vomir, sur les toilettes, je peux pas bouger, quoi, ça sort partout. Ouais, donc genre la grosse maladie, voilà, la gastro. On peut pas y aller, quoi. La gastro, d'accord, ok, très bien. Et la gastro, d'ailleurs, si vous l'avez, normalement, votre boss ou votre prof ou n'importe quoi devrait vous renvoyer chez vous. Parce qu'après, il y en a qui ont la gastro, qui vont travailler, et en fait, c'est pire, parce qu'ils contaminent tout le monde. Et du coup après tout le monde est malade. Et du coup c'est la merde totale et ça pète de partout. Enfin bref, c'est une angoisse totale. Donc si vous avez la gastro, restez chez vous surtout, c'est important pour pas contaminer tous les autres. Bon, Kalissa. Oui. On va donc parler avec toi de voyance dans quelques minutes et ça c'est beau. Puisque tu as fait. Comment on appelle ça donc? C'est pas un thème, c'est quoi? Alors là c'est la numérologie. La numérologie. Sur toi et même sur moi. Donc c'est parfait, hein. On va en parler dans quelques minutes. Parfait. Et donc hier tu avais dit à Tof qu'il allait être papa. Voilà. Oh, c'est beau. Oh, il y a la notion familiale qui ressort beaucoup pour Christophe. Oh, pour Christophe. Je te remercie. Parfait. Et alors, qui sera le parrain? C'est Polo? Comment? Polo sera le parrain? Ah, ça, je sais pas, ça. Ah non, bon. Polo va décéder dans l'année. Non, Polo, il pourra pas. T'imagines la violence, t'imagines. Bon, allez, balancez vos messages, là. Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé comme excuse pour pas aller au taf ou pour pas aller au bahut? Venez nous en parler. Je vais vous mettre le post sur le Facebook et le Twitter dans quelques minutes. Et puis, on va lire tous vos messages en direct, évidemment. Il est 23h12 sur Fun Radio. Bienvenue si vous débarquez. C'est Mickaël No Limite. On est là jusqu'à 2h. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et nous, on est toujours en direct au cœur de la nuit. De la nuit sans pub, ça va arriver, mais surtout d'une heure sans pub maintenant avec le retour de Kalissa. Comme promis dans quelques minutes, le casque Beats by Dre a gagné sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et je vous l'avais promis, le son de David Guetta, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Mickaël No Limite. Tous les soirs, 23h-2h sur Fun Radio. Fun Radio. Yes, toujours en direct sur Fun Radio, 23h15 avec le top tuto, je vous le rappelle, hein, ce soir si vous voulez gagner un t-shirt comme un air de rock, ça vaut quand même 95€ hein, le t-shirt. Si vous voulez d'ailleurs en avoir un, si vous n'avez pas la chance de le gagner, vous pouvez aller sur le Facebook de comme un air de rock, je vais y arriver, tapez le code Mickaël No Limite et vous aurez un petit rabais de prix. Donc voilà, vous aurez le t-shirt à 70 ou 95. Et puis sinon il est gratos tous les soirs en écoutant évidemment Mickaël No Limite. Et puis peut-être ce soir pour vous, si vous êtes deuxième du top tweetos, le principe du top tweetos c'est simple. Vous mettez un maximum de hashtag Mickaël dans vos messages, ouais. Hein, à vos potes, vous réagissez à l'émission tout simplement. Vous mettez hashtag Mickaël, donc le petit carré, le petit dièse, vous appelez ça comme vous voulez, dans vos messages Twitter. Et puis le deuxième plus influent, hein, celui qui aurait été le deuxième à avoir mis le plus de hashtag Mickaël dans ses messages, eh bien repartira soit avec un sextoy, soit avec un t-shirt comme un air de rock au choix. Voilà, vous allez pouvoir choisir comme ça. C'est plutôt cool. Comme ça, c'est fait. On fera ça évidemment le résultat final avant 2h du mat. Et puis on a encore cette grande question que je viens de poser sur le Facebook de l'émission. Vous avez déjà trouvé quoi comme excuse pour ne pas aller au taf ou au bahut? De la plus simple à la plus très fucking ouf, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous balancez vos messages sur le Facebook et sur le Twitter. Alors je suis déjà tombé sur j'ai nagé trop vite et je me suis cogné la tête contre le rebord de la piscine. Ouais. Un peu perché, un peu quand bizarre, même. Ouais. Un peu perché. Hein. Alors que Kalissa, elle avait juste dit que c'était. C'était quoi? Juste malade, quoi, c'est ça? Oui, juste malade, oui. Ouais, juste malade. C'est ouais. Bah oui, c'est ça. Sinon, il y avait aussi j'ai été mordu par un insecte. Ouais, ça n'a pas fonctionné, pourquoi pas. Le frein à main de ma voiture s'est cassé et elle s'est éclatée contre un réverbère. Ah! Ouais, mais alors faites attention à ne pas tomber dans les trucs un peu improbables quand même. Ouais. Alors, ou alors vous faites rire votre prof ou votre boss et après ça passe ou pas? Ou mais bon, il y a des trucs comme ça. Genre mon chien a eu une grosse frayeur. Je ne veux pas le laisser tout seul, le pauvre. Ah bah oui, le malheureux. Évidemment, le pauvre. Alors c'est un peu bizarre. Ouais, mon hamster est mort. Je me suis blessé en faisant l'amour. Ma mère est morte pour la deuxième fois, bien entendu. Hein, parce okay. que pour la première, ça marche pas. Hein. Et ça c'est horrible. Je déteste les gens qui jouent avec ça ou leur grand-mère est morte 5-6 fois. Ouais, j'en connais un mec comme ça. À la limite, vous pouvez taper sur l'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père qui est déjà décédé, le pauvre. Alors, non, voilà. Mais encore, ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Mais plus qu'une personne vivante. De 1, parce que quand on fait des mythos, à un moment on oublie ses propres mythos. Mais ouais. N'est-ce pas tof? C'est pour ça que je m'entraîne et que je prends des notes. Bah voilà, c'est ça, donc méfiez-vous quand même. Il y a Nathan sur le Twitter qui dit ma pire excuse, je me sentais pas bien, du coup j'ai pas pris le risque de prendre mon scoot, sécurité avant tout. Évidemment. Il y a Thomas qui dit je suis en retard, la coup de pelle. Ah bah mec, évidemment. Comment ça se fait que t'es en retard? Il y a Christian aussi, moi je dirais à ma prof, je me suis tordu la bite en faisant ma meuf la veille. Bah pas mal. Dès 1h45, moi c'était en hiver, je devais aller prendre le bus et j'ai fait croire à mes parents qu'il y avait pas de bus pour ne pas aller en cours. Et moi franchement, le jour où je serai daron, moi je peux te dire que je vais tout vérifier. Hein. Alors, ouais, là, mais alors là, il y a pas de bus? D'accord, je vais vérifier de suite. Il y a pas de bus, je te dépose. Ouais, bien sûr, évidemment, ouais. Ah bah oui, attends, mais c'est normal, faut les laisser mentir un peu. Mais non, mais tu rates pas pour rater, ça veut rien dire ça. Bon, alors que c'était le premier à tout faire pour ne pas y aller, hein, Mickaël. Non, parce que j'ai habité seul à partir de 16 ans, j'ai jamais. Oh là là. Bah tu vois, j'aurais dû y aller plus souvent. J'ai jamais zappé une journée de cours. J'ai zappé des heures parfois, c'est vrai. Mais j'ai jamais fait l'école buissonnière. Et pourtant j'avais la possibilité, hein, j'étais tout seul, la personne qui vérifiait que j'y allais. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est arrivé en retard, Mickaël? Ah oui, ça c'est un autre problème. Oui, mais ça c'est les transports en commun qui sont de piètre qualité. Hein. Ah exactement, voilà c'est ça. C'est pas du tout rapport à mon réveil ou à des meufs que j'ai rencontrées dans le bus, enfin rien à voir quoi. Bon, Kalissa de Besançon, alors. Ah. Alors Kalissa, nous sommes tout ouïes puisque, comme je le disais, pour ceux qui ne écoutaient pas hier, déjà coup de pelle pour tout le monde. Voilà, pour ceux qui écoutent là maintenant et qui n'étaient pas là hier de 20h à minuit, ce n'est pas normal. Je vais même faire plus. Voilà. Donc tu nous avais appelé, on parlait de voyants, de dons, de tout ça là. Et on est tombé sur toi, t'es voyante. Et en grattant un petit peu chez Toff, bah tu t'es rendu compte qu'il allait être papa dans l'année. On lui a gratté le cul, hein. Non, pas enfin dans l'année prochaine, oui prochaine, oui, bon, non mais qu'il allait mettre la graine cette année, quoi. Oui, il y a une notion de parent, de père qui ressort, tout à fait. Attends, parce que moi aussi je suis voyant en misère perdue. Ah. Voyant escroc de père en fils. Ah bah oui, ah, surtout voilà, en fils. Suite. Ah ça fallait que ça vienne, ça. Hein. Surtout en fils. Eh, dis-moi un truc. En fait, dis qu'il y a un truc de parent, mais c'est-à-dire que ça peut être passé comme futur. Que ça peut être passé comme futur. Ah, alors, d'accord. Alors, attends. En général, dans la voyance, en tout cas avec le support avec lequel je travaille, le présent, 2 mois avant, 2 mois après, ça peut se mélanger. Là, maintenant, la notion de paternité, pour moi, elle ressort plutôt sur l'année 2015. On sent qu'il va vraiment s'investir. Et de sur quoi aussi, en même temps, dans la relation. Mais après, peut-être qu'il a déjà eu un enfant, ça c'est possible. Attends, mais là, c'est vraiment son avenir. Mais il va investir dans quoi? Dans une relation stable? Oui, dans une relation. La concrétisation, elle va passer par un enfant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ah d'accord. Pourquoi donc ça vous fait rire? Non, mais parce que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Tu veux pas d'enfant? Ah si, j'adore ça. Oh là là. Non. Mais, voilà. En fait, il faut que j'explique parce que je peux parler de mes traumatismes de ma jeunesse ou pas? Vas-y. Donc, si tu veux. Donc en fait, ma mère était directrice d'une école maternelle. Ça vient de ça? Ah bien sûr. Ma mère était directrice d'une école maternelle, donc les petits enfants, depuis que je suis tout petit, je trouve ça insupportable. Voilà. D'accord. Donc je ne vais pas me faire d'amis, tu vois, ah, mais les enfants c'est mignon. Et ben quand ils sont 25 dans la même pièce, non, c'est horrible. Non, mais quand ils sont 25, ça, évidemment. Toi, mais quand c'est le tien, c'est pas pareil. Voilà, non, mais Ah, il a dit voilà, donc on n'est pas à l'abri que quand même. Non, rien du tout. Non, ah, c'est pas non, tout à fait. Donc voilà, donc moi ça me fait peur. Voilà. Ça me fait peur. Oh là là. Il y a bien des gens, ils ont peur d'une araignée, un petit truc comme ça, on leur dit rien. Mais ça fait peur. Moi j'ai bien le droit d'avoir peur d'un truc qui court partout en criant. N'importe quoi. Bon alors Kalissa, bon, je veux en savoir plus là, je suis impatient, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai attendu toute la journée là, putain je me suis dit bon alors qu'est-ce qu'elle va dire. Moi, alors Mickaël était là dans le bureau, attends on l'appelle, on va lui demander de voir ce qu'elle va dire à l'antenne et tout. Moi je voulais de le retenir. Je voulais en savoir plus, vite, et bon et alors quoi? Alors quoi? Alors déjà je vais commencer par Mickaël. Ah bah si tu veux. Par rapport à ton chemin de vie, toi tu ressors en chemin 6. Donc en chemin quelqu'un suce. Si tu veux. En chemin quoi? Je peux devenir gay. Non, ou alors on va me sucer, bon ça après pourquoi pas, mais en chemin quoi? En chemin de vie 6, c'est la numérologie, on travaille avec des numéros. Je crois en chemin suce, je dis ça. D'accord. C'est comme donc quand t'es sur l'autoroute. Tu as un cycle de 9 années. Donc toi, tu es né en année numérologique si c'est ton chemin de vie. L'année 6, ça te décrit comme quelqu'un qui va un petit peu partout. Tu es quelqu'un assez hésitant et assez dans le doute, mais plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que tu vas chercher dans tes doutes et dans tes hésitations, dans tes réflexions, quel chemin est le mieux pour toi. D'accord ? Le problème, le petit bémol, si tu veux, c'est que vraiment, des fois, tu te mets un petit peu partout et tu finis pas les choses. D'accord ? D'accord. À partir du mois d'avril, tu vas être en année numérologique. Déjà. Comment ? Déjà, je serai plus vieux à partir du mois d'avril. Oui, déjà, tu seras plus vieux, mais surtout, tu vas rentrer en année numérologique 3, ce qui est une très très bonne année. Parfait ! Ben, je signe où ? Alors justement, tiens, c'est bizarre, tu es voyant, Mickaël. Non. Parce que justement, tu me parles des signatures, ouais. Et c'est exactement ce qui ressort dans ta voyance. Mon arrêt de mort. Sur le mois d'octobre. De quoi Une signature sur le mois d'octobre avec un déplacement. Alors attention, cette signature, ça a un rapport avec le... J'ai envie de dire le business, pas vraiment le professionnel, puisque le professionnel, c'est la radio. Pour moi, tu fais autre chose à côté. Tu vas démarrer un autre projet, là, ah bon, où il est déjà en cours. Ah non. Il va se concrétiser sur le mois d'octobre. Projet, où es-tu, projet? Projet, viens, petit. Allez, viens, minou. Un déplacement. Ah, bah écoute, très bien, j'adore. Parfait. C'est loin. Ah, loin. Bon, très bien, moi j'adore. Donc là, on va parler de l'étranger très clairement. Bon, bah c'est parfait. Donc l'année 3, c'est une année de mouvement, une année où tu vas t'amuser. Donc du coup, sur le plan sentimental, tu risques des fois de te sentir un petit peu seul. Et en tout cas, surtout les gens qui pensent à toi, et tu vas leur manquer beaucoup. Ah, voilà, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi et tu peux pas lui donner ce que tu veux. D'accord. C'est dont la personne a besoin. Non, mais je crois pas, c'est ouf, c'est jamais de la vie, ça va pas bien. Je pense à lui seul dans mes draps. Le plan sexuel, rassure-toi. Oh merde. Ah bah non, bah attends, mais même avec toi, jamais de la vie. Bah, quand bien même je serais gay, jamais je voilà, prends avec toi. Voilà, c'est ça, on va adopter un petit. Mais arrête, quelle horreur. Quelle horreur. Tout ce déplacement à l'étranger. Voilà. Quelle horreur. Oh putain, l'angoisse. D'accord, ok. Bon, bah, c'est noté, je te tiendrai au courant. Et pour Toff ? Ce sera avec plaisir. Alors, bah, pour Toff, on en a déjà parlé, on en parle déjà beaucoup, donc concrétisation pour lui. Et ce que j'avais vu hier, hein, la même chose, pas mal d'investissements financiers dans l'immobilier. Donc, c'est soit pour des travaux, soit pour un achat, j'hésite encore un petit peu. Ça aura un rapport avec la famille. Lui, son chemin de vie, c'est chemin de vie numéro 2. Ah, c'est le 2. C'est le 2, donc c'est quelqu'un qui est plus réfléchi que toi, Mickaël, qui va plus se poser vraiment avant d'agir. Et là, donc à partir de du mois d'octobre prochain, il va rentrer en année 4, qui représente l'empereur dans le tarot de Marseille, qui est donc l'empereur. L'empereur. Le père. Oh, il va se la ramener. Le père. Ah oui, c'est l'empereur, le père. Le père, voilà. Toff. Ah, pardon. Ah, mais ça n'a rien de professionnel, j'ai tout ça. J'ai l'impression que ça vous amuse beaucoup, cette histoire. Ah oui, grave, t'imagines pas. Mais professionnellement, dans tout ça, parce que... Eh bah rien, tu vas être papa au foyer. Professionnellement parlant, sincèrement, j'ai pas trop de grands changements pour toi, quoi. La vie, elle va continuer, elle va couler. La vie, voilà, elle va couler. Sincèrement, ton plan professionnel, en tout cas. Et au même salaire ou pas? Est-ce qu'il y a une augmentation? Ça c'est par sortie. Voilà. Donc ça, parfait. Vous y voyez directement avec son patron. Ah, d'accord. Oui, mais t'inquiète pas, il gagne trop, là. Faut que j'en parle. Voilà. Alors, on a souvent ce problème-là. Jérôme, on s'appelle. Si vous voulez. C'est que les gens, ils s'attendent souvent à ce qu'il leur arrive quelque chose. Voilà, bah non, parfois, dans la vie, ben, il faut qu'on continue sa vie. Ouais. Mais tu sais, après deux ans de galère, je préfère qu'il m'arrive rien. Voilà, non, mais il va être bien. Et puis bon, Polo, bah, il lui arrivera rien. Moi, je suis en année 1, je sais. Voilà, il démarre, lui. C'est en année 1. Ah bah écoute, l'année 1, c'est une très bonne année. Chemin de vie, hein. Comment ? En chemin de vie, je suis 1. En chemin de vie, tu es un. Donc ouais. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans le démarrage des choses, qui aime vraiment s'investir les embrouilles, dans le démarrage des embrouilles. Mais pour le long terme en général. D'accord, ok. Bon, bah très bien, alors parfait. Hein. Le démarrage donc, ça veut dire des conflits. L'année dernière, c'était un petit peu dur pour toi. Ah oui, c'est compliqué. Ah, il était très très dur l'année dernière. Je crois qu'il a confirmé. Ah bah non, mais ça par contre il est toujours perturbé, Polo, ça c'est clair. Bon, et bah merci beaucoup Kaïssa, hein. Bah y'a pas de quoi. Tiens. Est-ce que je peux juste me permettre de rappeler d'aller sur YouTube, regarder Esprit de Voyance, et puis donner mon site internet par la même occasion? Bah écoute, vas-y. Alors mon site internet c'est kalissa-voyance.com. Kalissa c'est avec un K et un Y. Très bien, voilà. Et bah merci Kalissa, gros bisous à toi, tu reviens quand tu veux. Et on t'avait dit hein, voyance qu'on m'appelle, hein. Et bah surtout déjà. Et puis on avait dit que tu passeras à la radio aussi, hein, passe quand tu veux, hein. Et moi je passe quand tu veux, y'a aucun souci. Je suis à Paris du 5 au 9 mars. Et bah voilà, bah tu gères ça avec Sandro. Y'a le salon de la voyance ou comment ça se passe? Ouais, y'a le salon, c'est quoi? Ah non, le salon c'était là au mois de février. Ah d'accord. Non, c'est bon, très bien. Parce que j'ai des consultations à Paris, je suis demandé à Paris. Eh bah voilà. Eh bah tu passes nous voir avec plaisir, Kalissa. Je te fais des bisous. Je te remercie. Merci salut, à toi. Salut. Ciao à toi, Kalissa. Retour avec Arnaud dans quelques minutes. Et puis toujours en direct, hein, c'est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va arriver dans quelques minutes. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour tous les mecs qui ont une petite bite. Ah. Et ouais, une étude très sérieuse du Journal of Sexual Medicine. Oh yeah. Et ouais, qui confirme ce que je n'arrête pas de dire. Hein, ce n'est pas la taille de la bite qui compte pour faire jouer une fille. Ah bon ? Eh non. Apparemment, c'est la taille du clitoris qui est importante. Ah, d'accord. Ouais, plus il serait gros et proche du vagin, plus les femmes auraient du plaisir. Ah. Eh oui, donc je on va penserai à demander la prochaine fois. Bon, bah, justement, tu as un gros clito ? Non, bah attends, bah, tu vas appeler des gens dans quelques minutes là pour voir si effectivement ils en ont un. Eh ben avec plaisir. Bah on fait ça dans quelques minutes. Si vous connaissez des gens, ah ouais. Si vous connaissez des gens, bah un petit peu nerveux, on va dire ça comme ça. Et puis debout à cette heure-ci, n'hésitez pas, bien entendu, à balancer tous les numéros de téléphone sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et vous pouvez nous joindre aussi au 01 42 48 5000 dans toute la France. C'est Klingan qu'on écoute maintenant et c'est Jubel. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros cadeau. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, bien sûr, sur Fun Radio. 23h31, on va faire les premiers appels avec Toph dans quelques minutes. Et on est toujours sur bah, le dossier. Hein. Je vous ai mis un post sur le Facebook et le Twitter. Qu'est-ce que vous avez déjà balancé comme connerie pour ne pas aller au bailli ou pour ne pas aller au taf ? Romain qui dit excuse de merde quand il y a un peu de neige, dire que le bus est pas arrivé pour te chercher. Il y a Easy Bang Bang qui dit j'ai fait croire que je me suis cassé la jambe et un prof m'a vu courir dehors. Ah oui, dommage, oui, ça c'est con. Hein. Antoine également qui dit excusez-moi monsieur, donc le professeur, je me suis fait mordre par un serpent cette nuit et franchement c'était horrible. Mais oui, bien sûr. Y a MPDJ. On a tous des serpents chez soi. Mais c'est ça. Ouais. Moi j'avais dit que je devais rester avec ma pote et sa mère qui avait un problème de dos. Ma mère a joué le jeu, c'est bon ça. Et Rakaz aussi, raté le bus alors que je le prends pas. Dédé qui dit une fois, un collègue à mon père a dit qu'il avait mal dormi et du coup il est pas venu au boulot. Et alors Abdou aussi, moi problème gastrique, j'ai vomi sur mon père, je faisais semblant, au final j'ai dû aller voir le docteur, résultat une gastro, pas mal, sinon vous pouvez faire comme mon cousin également, hein. Vous dites à votre boss écoute j'ai mal à la main, faut que j'aille voir un médecin, du coup le boss dit bah ok d'accord, et il revient plus de la semaine. Ah mais c'est énorme, c'est un ouf. C'est comme Karen hein, qui nous fait croire qu'il a la gastro toutes les voilà, 3 semaines. Tous les 15 jours, exactement. Et à Sophie aussi, Toph, papa, Mickaël qui voyage à l'étranger, Polo le roi de l'embrouille, mort de rire. Ah bah ouais, là je pense que l'année prochaine, elle on va être bien. Walk and wall. Il y a Nat de Gamer aussi. Pour moi, les excuses, c'est le réveil marche plus. Margot qui, je veux bien un bisou de Toph et un bisou de Polo. Ah non, Margot, va falloir choisir parce que le mix des deux, ça va être chaud à mon avis. Enfin, bon. Une joue chacun. Et Marc, il y est, c'est parti. 3 heures de folie, un petit message de bienvenue, j'en ai jamais eu. Ah bon, Marc, t'as jamais eu de message de bienvenue. Bah, je vais te remettre. De suite, tu vas voir, tiens, regarde, c'est pour toi. Va te faire enculer, salope. Voilà, Marc, j'espère que t'es content d'avoir attendu. Hein. Et enfin, n'est-ce pas qu'il y ait hello la team ? Eh bah, salut à toi. Et puis, merci à tous d'être tous les soirs là, de plus en plus nombreux. Vous balancez, continuez à balancer vos messages hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Pareil sur Twitter et sur Instagram, tapez mickaëlofficiel et on se retrouve comme ça, tranquillement. On se fait les appels de Toph maintenant hein. Mais allons-y. Ah. On s'est rendu compte encore une fois dans une grande revue qui n'est autre que le Journal of Sexual Medicine. Ouais. Un très très grand journal, réputé dans le domaine. Hein. Tout à fait. Qui dit que bah apparemment ce n'est pas le fait d'avoir une grande bite qui fait jouir une fille, mais bien qu'elle ait tout simplement un grand clitoris. Voilà, en gros. Proche du vagin. Ça, proche du vagin. Donc on va appeler des gens, on va leur demander. Bah oui, s'ils ont un gros clitoris. Bah oui, grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti. On appelle le premier. Continuez si vous en avez d'autres, hein, vous pouvez encore les envoyer, évidemment. Allez. Et retour avec Nassim juste après, là, bougez pas. Alors, ça décroche pas ? Ah si. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Oui, bah vous, connerie, vous la gardez pour vous. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Ah bah oui, mais il a mis le temps à raccrocher. Hein. Bon, on va le rappeler, hein ? Bah oui. Ça me paraît pas mal, c'est parti, retour chez monsieur. En même temps, il répondait non, c'était plié. Mais bon, comme d'habitude, quoi. Allez, c'est parti. Genre, il est à 15 km du téléphone. Moi, passe-moi. Oh, vive, bonsoir, fils de pute, comment tu vas? Bah, ça va bien, et vous, monsieur? Ah, mais très bien, très bien. Tu fais quoi? Bah, en fait, je voulais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Bah, je sais pas, la tienne, demande à la tienne, hein, je sais pas, hein. Bah, nique ta mère, sale fils de pute. Mais non, attends, il parle de femme, on demande à sa femme, et la tienne, elle est comment? Bah, je sais pas, j'ai pas de femme, moi, monsieur. Oh, non, mais ta femme, elle est avec moi, là, je suis en train de la baiser. Mais non, y a pas de femme, ce type, il se touche tout seul. Oh, c'est triste. Le pauvre, oh, c'est triste, hein. Oh là là. Oh, ouais, c'est triste. Oh, putain, c'est triste. Oh. Et... tu vis... attends, mais tu le vis comment, mon garçon? Tu le vis comment? Bah, moi, je le vis bien, et vous? Moi? Bah, moi, j'en ai rien à foutre, c'est ta vie, mon gars. Bah, voilà, donc du coup, vous pouvez me dire si elle a un gros clitoris ou pas? Bah, je sais pas, demande à ta grand-mère. D'accord. Ouais. Bah, écoute. Elle doit savoir à cette heure-ci. D'accord, mais parce que, en fait, moi, je veux vérifier, parce qu'il paraît que les gros clitoris, ça donne plus de plaisir. Bah, je sais pas, demande à ta grand-mère, elle doit savoir, elle. D'accord, ma grand-mère. Ta grand-mère, non? Pardon? Elle est connue pourtant, ta grand-mère. Ah bon? Je sais pas, demande-lui. Bah, je sais pas, moi. Bah, demande-lui, ta grand-mère. D'accord. Elle doit savoir, elle est rodée à cette heure-ci. D'accord, bah, je vais lui poser la question, alors. Je pense que tous tes demi-frères et demi-sœurs, ils sortent d'où? Demande-lui. D'accord, bah, je vais lui demander, alors. Bah, je t'en prie, écoute. D'accord. Voilà. D'accord. Et t'as rien d'autre à me dire? Non, moi je veux juste savoir pour le... T'as juste... pas marrant du genre clitoris encore, tu vois. Non, moi je veux juste savoir pour le gros clitoris, c'est tout, hein. Moi c'est tout ce que je veux savoir. Ah bah écoute, je sais pas, hein. Ta grand-mère elle doit savoir ou je sais pas. D'accord, bah je vais demander à ma grand-mère alors. Ouais bah je t'en prie, écoute, hein. Tu es au courant, hein. D'accord, avec plaisir. Vas-y, y'a pas de soucis. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Ah bah voilà. Écoute, demande-lui, hein. Bah je vais demander à ma grand-mère. Voilà, il est un peu tard, mais je vais l'appeler demain. Tu sais ce qu'il reste à faire, quoi. Bah oui. Bon, bah les autres, si vous avez les numéros de téléphone de gens encore debout, là, qu'on peut appeler pour leur poser cette grande question, donc, est-ce que leur copine ou femme a un gros clitoris? Oui. Elle leur donne plus pas, de plaisir. Tout à fait, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On va se remettre un petit coup de colle, là, tiens, avec notre ami Arnaud, là. Arnaud, t'es là? Ouais. Ouais. Bon, est-ce que ta femme a un gros clitoris, Arnaud? Ça va. Ça va. Bon, alors tant mieux, écoute, ça va. Enfin, elle arrive à jouir, quoi. Voilà. Bon, c'est le principal. C'est le principal. Arnaud, on va jouer ensemble maintenant pour gagner un casque Beats by Dre. Vas-y, fais péter la colle. Alors, on rentre par deux trous et on en sort par deux. Qui suis-je? On rentre par deux trous et on en sort par deux? Non, on rentre par un trou et l'on sort par deux. D'accord. On rentre par un trou et on en ressort par deux. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien entendu aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Hein, si vous voulez, je vous ai mis le post. Ça, vous allez pouvoir lire le post et puis y répondre également. Hein, et gratos. Facebook.com/M.I.K.L. officiel. Il y a Amandine qui proposait c'est pas l'air. Elle rentre par la bouche et elle sort par le nez. Ah, pas mal! Mais non, c'est pas ça. Mais en même temps, il faut respirer par le nez normalement. Oui. Bah, parce que les poils normalement font effet de filtre. Oui. Voilà, c'est pour ça. Mais bon. On proposait le slip pour Amandine encore. Non. Un labyrinthe. Non, du tout. Je vois pas en quoi un labyrinthe, tu rentres par un trou, tu ressors par deux. Bah, si tu te perds. Ah oui, bon, enfin, tu sors pas par deux, quoi qu'il arrive, hein. Normalement, non, en tout cas. Non, bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Bah, maniez-vous, hein. On donne le casque dans une grosse trentaine de minutes, là. Le casque qui vaut quand même 150 euros, c'est le casque Beats by Dre qu'on vous offre donc ce soir. Celui qui met plein de basses. Et au taquet de la basse. Quelqu'un en a ici ou pas? Non. Jamais? Oh, non, on est malheureux. Non, tu nous en as jamais offert, Mickaël. Ah ouais, bah ouais, bah ce sera pas pour tout de suite, hein. Ah. Bon, peut-être pour Arnaud, en tout cas, le casque Beats by Dre. Un rose, tu prendrais bien sûr, Arnaud. Non, moi, noir. Alors t'aurais pu dire ouais j'en prends un rose comme ça je le file à ma meuf et tout, non? Non, elle ça peut, hein. Ah non, ça pourrait, hein. Elle mérite pas. Ah c'est clair. Mais si elle le mérite. Bon alors si vous avez la bonne réponse, donc allez-y par SMS ou sur le Facebook, le casque Beats by Dre sera peut-être pour vous. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Arnaud, la réponse avant minuit 30, donc reste avec nous, on te reprendra encore quelques fois. Et puis Nassim qui est avec nous maintenant là. Nassim, bonsoir. Bonjour. Oui, rebonsoir Nassim. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi on parle avec toi? Ah bah en fait je voulais te dire que ta voix, bah voilà, je suis un peu gêné. Tu pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une voix plus aiguë que la mienne, c'est pour ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de machines à la radio. Mais oui, je sais, hein. Tu te Parce que en vrai, je parle comme ça, tu vois. Ah ouais, moi aussi. Voilà. Non mais t'abuses pas Nassim, parce que sinon ça va être pire. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Non, bah, Nassim? Une voix de bogus. Non, en vrai. Moi c'est comment dire. En fait, il y a une meuf, bah je la kiffe et tout, et puis comme t'as un beau gosse, je voulais. je voulais l'appeler tout lui dire là devant la France et tout. Non, bah pourquoi, ouais, pourquoi tu l'as jamais fait? Pourquoi tu l'as jamais fait en vrai? De quoi? Pourquoi tu l'as jamais fait en vrai? Oh, parce que, enfin voilà. T'as peur? Oui, j'ai pas que ça à foutre, hein. Oh, enfin, arrête ton cinéma, t'as peur de te taper un râteau, ouais. Mais... Hein? Mais non, arrête. T'as peur de te prendre un râteau? Mais c'est rien, et tu peux le dire, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est pas ça. Y'a aucun problème. T'as la radio et tout, tu vois. D'accord, ok. Bon, et quoi? Et tu vas l'appeler toi quand même? Nous, on est derrière, mais tu vas quand même l'appeler ouais. toi. Je vais appeler moi. Bon, parfait. Tu veux une petite musique de Lover ou pas? Ouais, je veux bien du Céline Dion. Ah ouais, le. Moi, je l'ai en plus, ça tombe bien. Oh ouais. Oh putain, on va être bon avec ça. J'ai compris tous les mots. Oh putain. Bon, eh ben écoute, on va y aller, mec. Alors, vas-y, elle s'appelle comment, elle? Elle s'appelle Chloé. Chloé, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance, Nassim, hein. Je te la remets au début, là, je sens de Céline Dion, là. Je veux pas rater le dos, là. Vas-y, attention, on y va. Dès qu'elle décroche, je mettrai le son et hop, on va être bon, on va être bien. Ça va... Ouais, posé. Ah. Allô? Oui. Allô, Chloé? Oui. C'est Nassim. Je te dérange pas? Bah là, je dormais, mais bon. Oh, ça va. Ah ouais, désolé. Putain, avec ses visions, il va se taper l'honte. Je voulais dire qu'au fait... Moi aussi, je parle souvent avec du Céline. Comment dire? Comment va-t-il se sortir de là? Bah au fait c'était pour dire que voilà quoi, enfin je t'aimais et j'aimerais bien qu'on soit en couple, qu'on se mette en couple pour les Facebook. Jours à venir. Et puis maintenant c'est à toi de pas, hein. C'est à toi de voir. Bah je suis pas voilà, là, je suis Chloé, t'as vu à quelle heure tu m'appelles? Oh mais elle pense à l'heure elle. Ouais. Mais justement ça fait une petite ambiance. Non. Ah si. Ah mais oui. Non, mais sérieusement, après, enfin, je respecte ton choix. Si, vas-y, Chloé, dis oui, allez, dis oui. Allez, dis oui. Allez, dis oui. T'es avec qui, là? On est des potes, là, dis oui. Dis oui, Chloé. Allez, dis oui. Avec mes deux papas. C'est quoi ce bordel, là? Non, enfin... On a même mis la musique et tout, regarde. Attends. Pour que tu me sois. Regarde, Chloé, on est top ou pas, là? Ah, yeah. Hein, sur Céline Dion. Moi, c'est quoi de bordel? Bon, Chloé, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, là. C'est quoi cette blague, là? Mais non, t'es en direct sur Fun Radio, et puis Nassim, il nous a appelé, il nous a dit « Ouais, bon, écoute, tu vois, je roule des mécaniques, mais j'aurais quand même appelé Chloé, là, en direct à l'antenne. » Et bon, bah, du coup, on l'a fait, quoi. Alors, attention, je voudrais que tu réfléchisses, Chloé. Attends, mais non, t'es en direct à la radio, justement. Je voudrais que tu réfléchisses, Chloé. Je vais te laisser... je vais te laisser 3 minutes pour réfléchir à une seule et même question qui est très très simple dans l'absolu, d'accord? Ouais. Est-ce que tu veux sortir avec Nassim? Tu donnes ta réponse dans 3 minutes, reste là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct, évidemment, dans toute la France, 01 42 48 5000. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des bons plans également, hein, les bons plans pour zapper une journée de bahut, pour zapper une journée de taf éventuellement, une excuse bien pourrie là, n'hésitez pas à les balancer, hein. 01 42 48 5000, appelez Sandro maintenant au standard. Il y en a plein qui sont arrivés là, des excuses de merde là, c'est quoi où est-ce qu'elles sont là, on me les a virées, voilà. Ah, Antoine qui dit j'ai une grand-mère à traverser la route, elle était vraiment très lente, voilà pourquoi je suis en retard. Jérémy Titi qui dit non, j'ai jamais rien inventé car j'adore mon boulot de pâtissier. Ouais, bah c'est bien aussi. Et alors The Débar qui dit Mickaël, j'ai bouffé des craies pour me faire vomir, mais visite chez le médecin, dommage. Grosse raclée. Ah oui, bah oui, c'est dommage. Bon, allez hop, dans un instant, la réponse avec Chloé et Nassim. On aura la colle avec Arnaud comme promis. On aura Marion avec vous également. Et puis, bah, on est toujours en direct. C'est parti pour la nuit sans pub également, hein, sur Fun Radio. On est à la cool, en mode nuit sans pub. Et on va s'écouter dans quelques minutes le son de Showtech avec We Like To Party. Écoutez ça. Le son de Showtech, We Like To Party, va débarquer dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Il y a le chéri, je peux te faire cocu également, qui va arriver. Et puis attention, mesdames et messieurs, le retour de Chloé et de Nassim. Ah. Eh oui, on les avait eus juste avant la pub. Alors, Nassim, Chloé. Oui. Ouais. Je t'avais posé une question, Chloé, juste avant la pub, puisque Nassim a fait sa grande déclaration d'amour sur Céline Dion. D'ailleurs, il y a plein de messages qui sont arrivés. Hein. Il est choupinou. C'est Kali qui a envoyé le message. Et elle l'envoie limite bouler le pauvre. Il y a Sarvazati qui dit une semaine par mois, je n'allais pas en cours à cause des règles douloureuses. J'étais vraiment plié en deux. Bah oui. Et Benji Spears qui dit péter de rire sur du Céline Dion. J'avoue que c'est peut-être pas la chanson que j'aurais choisie. Non, je te le confirme, ce n'est pas la chanson que j'aurais choisie. Et alors Sophie qui dit sérieux, si une femme t'aime, elle s'en fout de l'heure. Mais oui. Pas faux également. Bon, alors, dis-moi, Chloé. Quoi? Eh bah quoi, je t'ai posé une question, quelle est ta réponse? Mais exprès pour faire chier tout le monde là, vu que soi-disant je suis à la radio, je vais dire non. Bah évidemment que t'es à la radio, quand tu n'as pas écouté, tu crois pas que t'es à la radio? Si, si, non mais si hein. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Non mais faut pas dire pour faire chier les autres, t'en fous, tu fais pas ta vie avec les autres. C'est avec ta cible qu'il faut oui ou non. Alors j'ai une petite. Ah, Chloé. Chloé. Oui. Bon alors oui ou non. Prends un rendez-vous au moins, tu le testes. Un petit McDo. Ouais, voilà, un petit McDo payé par lui, évidemment. Putain, un queue grès, un queue grès, salade tomate oignon. Un queue grès, vous faites moite-moite. Ouais, c'est ça. Bon, alors. On a besoin d'une réponse, là. Ouais, mais non, c'est mort. C'est mort. Et on peut savoir pourquoi? Eh ben voilà. Pourquoi? Bah, je sais pas. Ah, tu sais pas. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, si tu sais pas. Bon, Nassim. Hein? Je pense que t'as pas perdu grand-chose. Hein. Parce que bon, une meuf qui dit je ne sors pas avec toi. Bah, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais, bah c'est comme ça quoi. Bah oui, écoute, c'est pas grave. Quoi. Bon, on t'en trouvera une meilleure, Nassim. Ouais. Bah oui. Bah de toute façon, on a pas le choix là pour le coup. Hein. On va te trouver une bien plus bonne. Bah, une grosse, oui. Je sais pas, mais en tout cas. Oui. Bien plus bonne. Attends, ça c'était Shrek. Ah bah oui, mais écoute, on va trouver, t'inquiète pas. Bon, Chloé, bah bonne nuit quand même. Hein. Retourne faire dodo. Hein. Ouais, t'en as besoin. Ouais, c'est mieux, ouais. Gros bisous, Chloé. Là. Bonne nuit, Chloé. Oh là là. Salut, Nassim. Allez, bonne bourre. Ouais, t'inquiète, attends, je peux demander un truc. Allez, bah vas-y, toujours. Ouais, s'il te plaît, tu peux me pistonner, là, animateur radio. J'aime bien la demande. Non, mais Nassim, il n'y a pas de piston. Comment tu veux que je fasse? Allez, je suis sûr que tu peux en placer un. En placer un, ouais, je peux en placer un. Ouais. Je peux même, give me five, je peux même en placer 5. Si tu veux, regarde. Mais bon, t'es pas plus avancé là. Non mais Nassim, mais passe nous voir un de ces quatre si tu veux avec plaisir. Mais là, okay. Je peux te filer le mail du sous-chef si tu veux. Ouais, c'est qui? Bah c'est Pedro. Alors c'est pedro@funradio.fr. Si vous voulez commencer la radio, vous lui envoyez un mail maintenant, vous lui envoyez des démos, tout ça, etc. Voilà. Mais ouais. Même si vous voulez faire autre chose, hein, maçonnerie, carrelage. C'est drôle ça. Ouais, mais attendez. Mais et si je suis stagiaire, vous pouvez m'éviter un petit peu, style... Parce que je t'entends dire ça quand il y avait Nathan, style, va me chercher un café, d'ailleurs. Ça va être vrai, parce que je connais pas Nathan. Nathan n'a pas été stagiaire chez nous de 1 et jamais je l'envoie un stagiaire chercher un café. C'est moi qui vais lui chercher le café. Tu avais dit ça à la fin de l'émission de Karel. Ah oui, mais c'est son stagiaire à lui, mais c'était une blague, Nassim. Mais t'inquiète pas, je note bien que si un jour on a un mec qui s'appelle Nassim, il ira chercher le café, lui, par contre. Il ne fera que ça. Tu peux préciser Nassim Bogos, comme ça, moi, tu sais. Ne t'emballe pas non plus, Nassim. Je pense qu'il y en a qui se la ramènent, Nassim. Non. Si. C'est un petit mot de code. Si. Bon, Nassim, allez, à bientôt peut-être. Allez, vas-y, je te fais des petits bisous. Salut à toi, ma gueule. Allez, ciao. Il y a Corentin avec nous maintenant dans le Nord, là. Salut, Corentin. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Ça va. Bon, bah, bienvenue. Eh bah, oui, très bien. Il y a un espace sur le Twitter qui dit « Et un râteau pour Nassim, et un, ça la fait rire en plus. » Bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais, il doit pas être trop en galère. Ouais, il a pas raté grand-chose. Il y a Kesha aussi qui dit « Pour zapper une journée au bahut, aller à l'infirmerie et dire qu'on a la gastro, imiter des bruits de vomissement dans les chiottes, par exemple, c'est pas mal. » Et Axel qui dit « J'ai sauvé un bébé dans un incendie. » C'est bien, Axel. Il y a Jessica aussi. « Salut les loups, je suis à Miami en voyage de noces. Même là, on vous écoute, même avec 6 heures en moins de décalage horaire, continue comme ça. Hey. Jessica, t'es en voyage de noces et tu nous écoutes, mais t'es pas sérieuse. Il devrait se faire bourrer. Elle, c'est tu sais, oui, pour le coup là. Mais on oui, mais on oui. On peut mais pas oui. les appeler pour Pourquoi? Bah pour le moment où il va la bourrer quoi. Ah on sait pas, on sait pas s'il va se passer. Bah attends, ils sont en lune de noces. Attends, et oui, mais alors quand tu vas en voyage de noces, tu passes pas ton temps à faire l'amour tout le temps. Hein. Non mais il y a bien un moment où il l'a des bah, il a des boîtes. Un moment, et encore tu sais pas, ça avec le décalage horaire, la fatigue, on sait jamais. Bon oui, Corentin. Et puis en même temps, oui. Elle est arrivée à Miami, elle a vu tous les mecs, les beaux gosses musclés, tout le bordel. Elle a peut-être zappé son mec, elle peut pas savoir. Ouais, mais c'est pas grave, tant qu'elle se fait déboîter. C'est vrai. Bon, Corentin, donc alors, toi tu nous appelais par contre pour parler des excuses que t'as pu donner pour pas aller au bahut. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors bah vas-y, on est tout ouïe. Alors c'est quoi ton excuse, la meilleure, attention. Donc, en fait, bah, mon excuse, c'est bah, par exemple un dimanche. Ouais. On prend beaucoup, enfin plusieurs douches froides. Et après, bon, on va dehors à bras nus et voilà quoi. Ouais, mais là, t'es vraiment malade. Donc, mais là, en fait, c'est pas une excuse. Voilà. Ouais, parce que là, t'es vraiment malade. Moi, je l'avais fait un jour. Je l'avais fait un jour, le coup de la maladie où j'étais vraiment tombé malade. J'avais vraiment pas envie d'y aller. C'était pas de la radio. Hein. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Je m'étais mis dans la voiture en t-shirt, mais c'était déjà plein hiver. Hein, il faisait déjà froid. T-shirt, clim à fond de balle. Ah, pendant. Ouais. 20 minutes, franchement, je claquais les dents, quoi. Je suis arrivé au taf, le nez coulé, tout le bordel. Le lendemain, hop, terminé. 3 jours d'arrêt. C'est ce que j'ai vu aussi, donc voilà, quoi. Non, mais voilà, mais après, le problème, c'est que là, t'es vraiment malade. Là, nous, on essaie de trouver des excuses pour pas aller au bahut. Il y a un truc qui paraît qui marche, c'est le bloc de savon sous l'oreiller. Quoi? En fait, il paraît que si tu mets un bloc de savon, moi j'ai jamais essayé, mais il paraît que si tu mets un bloc de savon sous ton oreiller, en fait, ça te. Tu vas genre avoir comme si t'avais de la fièvre. Donc quand ta mère elle vient, elle te sent le visage, elle va faire oh là là, oui, t'es chaud et tout, tu restes là, t'enlèves le savon et tout va bien. Ah, mais oui, c'est pipeau! Ah oui, c'était pas vraiment malade, ça cherche juste à. Je sais d'accord. Pas, ça chauffe, t'as l'impression que ton corps chauffe quoi. Oh ouais, tu vas se marrer, j'ai pas essayé. Bah, si vous avez des techniques pour pas se faire griller, n'hésitez pas à balancer les également. Hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ça marche aussi sur le Facebook. Venez nous rejoindre également de plus en plus nombreux. facebook.com/mikl officiel. Il y a Antoine qui dit c'est quoi l'adresse pour poser une colle. C'est le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. Antoine, là, t'es le bienvenu si tu veux aussi poser une colle, il n'y a aucun problème. Bon, eh ben merci Corentin. Sinon j'en ai encore une autre. Hein. Ah bah vas-y, nous on est friands là, vas-y. C'est le matin, tu vas voir tes parents. Tu dis, ouais, papa, j'ai mal aux dents. Ouais. Bon, tes parents, forcément, ils vont te croire. Hein. Mais bon, après, tu dis, est-ce que je peux rester là? Et puis ça marche à tous les coups. Quoi. Ouais, moi j'ai mon gosse, alors le jour où on a... Ouais, putain, ils vont en chier celui-là. Le jour où j'en ai un, il me dit, oui, j'ai mal aux dents. Pas de problème, mais pas de problème, mon fils. Viens, on va chez le dentiste. Ah, oui, ça va beaucoup mieux là. Hein? Moi je dis ça à mes parents ils me disent oh, vas-y, tu vas rester à la maison, va te recoucher. Ouais, t'as raison. Alors là, je peux te dire. Franchement, j'en ai fait tellement des enfumes comme ça que. on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Hein. Non. Ça, moi, j'avais la mère d'un pote, en fait, pendant tout un temps, chaque fois qu'il disait, tu sais, genre, je suis pas bien et tout. Bon, très bien, va chez le médecin, il va te faire une piqûre pour te soigner. Oh, non, ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Moi, j'avais un truc aussi comme ça, c'était. J'avais toujours mal au bide. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais. Je vais pas dire stressé, mais j'avais pas envie d'aller au bahut et donc en fait je devenais stressé parce que j'avais quand même une heure de transport pour aller jusqu'au bahut et j'avais peur d'avoir la chiasse, d'avoir mal au bide quand j'étais en plein milieu du transport et donc du coup je pouvais pas sortir et donc j'avais en fait tu sais quand t'as une angoisse t'as un peu mal au bide. Oui, et bah là, oui. Et ben bah là du coup en fait j'avais mal au bide d'avoir peur d'avoir mal au bide. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Et donc du coup je me retrouvais parfois, j'allais pas au bahut parce que j'avais tellement mal au ventre, mais vraiment des crampes et tout, je restais chez moi quoi. Enfin, je restais à la maison. Ma mère me disait, bah reste là, écoute, si t'es malade, t'es malade. Et dès qu'elle me disait, ok, reste là, je savais que j'allais plus devoir prendre les transports et donc plus risquer de ne pas avoir de toilette à disposition. Et du coup, hop, ça allait mieux. C'est dingue. Ouais, un jour, j'avais enfumé, enfin, je l'avais pas enfumé, j'étais vraiment comme ça, j'étais avec mon père, il me déposait jusqu'au bahut, hop, et j'avais mal au ventre. Donc, du coup, il me dit, bon, bah, je te ramène. Ma mère travaillait, mon père est parti bosser, puis ma mère dit, qu'est-ce qui commence que t'as pas été au bahut? Oh, j'avais mal au ventre toute la journée et tout, sauf que j'avais flingué tout ce qu'il y avait dans le frigo. Du coup, je me suis un peu fait griller à ce niveau-là. Mais bon, dans l'absolu, c'est vrai que avoir peur d'avoir peur, c'est quand même violent. C'est quand même chiant. Je crois que ça porte un nom, hein. Ouais, je la pense, phobie de la phobie. La phobie de la phobie, bah, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez une idée, dites-nous, hein, n'hésitez pas. Bah donc merci Corentin en tout cas pour les idées. Ouais, hein. Et Mickaël. Ouais. Est-ce que je peux avoir un pack s'il te plaît? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, là, je te repasse maintenant sans problème. Ok, merci. Salut à toi Corentin, salut. À bientôt. Et, on aura... et bisous à vous tous. Hein. Et bah bon, bisous à toi aussi Corentin. Enfin on va se serrer la main entre mecs. Hein. Hein, une bonne poignée de main entre mecs, t'inquiète. De là, c'est gentil Corentin. T'adore. Bon, et préviens tous tes potes, dans quel bahut t'es? Saint-Exupéry, je leur fais une grosse dédicace aussi. Et ben voilà, dans le Nord, à Saint-Exupéry, là, n'hésitez pas, hein, tous les soirs, 23h-2h. Mickaël No Limit, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun que ça se passe. Corentin l'a bien compris, merci à toi Corentin, tu reviens quand tu veux sur de Fun. Rien. Allez, à bientôt, ma gueule. Ciao, ciao, ciao. On aura Manon également, là. Bienvenue, Manon. Salut, Mickaël. Comment ça salut, va, ma belle Mickaël. Salut, maman. Ça va. T'es en forme? Ouais, ça va. Bon, cool. On parle de quoi dans quelques minutes avec toi, Manon? Alors, en fait, j'ai un mec sur Lyon et un mec sur Paris. Parce qu'en fait, avant, j'habitais à Paris et j'ai déménagé entre deux. Ah ouais. Et du coup, tu te fais un mec entre deux? Bah, en gros, j'ai mon mec à Lyon et ouais, j'ai ma meuf à Paris, quoi. Ah, parce qu'en plus, t'es recto verso. Ouais, c'est ça. D'accord, ah bah parfait, bah, alors reste énorme avec nous, Manon, on va en parler là, reste là. Il y aura Hicham et Samuel aussi pour parler des excuses. Et puis on aura la réponse à la colle avec Arnaud. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu. Tout ça, ça va arriver juste après le son de Showtech. Je vous en parle depuis tout à l'heure, là, minuit juste. C'est la nuit sans pub, bienvenue si vous débarquez. Showtech maintenant, c'est We Like To Party sur Fun Radio. No Limit Mickaël. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Oui, on est en direct sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub. Et on va parler de nos amis les teubés de la télé. Dans Enquête Exclusive, c'est un mec qui raconte ce qu'il a eu comme bizutage. Ça, c'était le soir du recrutement. Ouais. Tout le monde a été kidnappé et emmené, on ne sait où. On a dû boire beaucoup d'alcool. Là, c'est 6 bières à descendre le plus vite possible. La première personne qui vomit dans la poubelle perd. Le vainqueur gagne le droit de lui vomir sur la tête. Ah, et ben voilà, c'est génial comme cadeau, là, on est au top quand même avec ça. Hein, Manon? Ouais, bah ouais. Le vainqueur peut lui vomir sur la tête. Est-ce que tu veux jouer, Manon? Non, c'est bon. Ah, je suis déçu, là. Et toi, Samuel, tu veux jouer? Bonsoir à toi. Salut, Mika. Ça va bien, Samy? Ouais, ça va et toi? Bon, est-ce que tu veux jouer à ce magnifique jeu, là, pour qu'on puisse te vomir sur la tête? Non, ça va. Merde, aller, ça va oh, aller. Déception totale. Vous êtes pas rock'n'roll? C'est dommage. C'est dégueulasse aussi. Non, j'avoue aussi. Bon, et puis sinon, est-ce que vous regardez souvent D8 ou pas? Ouais, tout le temps, pratiquement. Ouais. De temps en temps. Bah, sur D8, il y avait Roselyne Bachelot qui se prend pour une rappeuse. Je rappelle qu'elle a quand même dirigé la France, hein, elle était ministre. Mais quand même, c'est fouini, babe. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur? Que tant de mères me séparent de vous. Que le Roselyne jour recommence Bachelot, fouini, babe, et que le jour flow finisse. Ça peut jamais Titus, puis se voir Bérénice. Ça peut de tous les jours, puis se voir Titus. Ah, c'est pas facile, hein. Ça ressemble à la section d'assaut. Ah ouais. C'est pas facile tous les jours. Et puis dans Capital, il y a un patron qui nous montre que son smartphone est bien meilleur que ceux de la concurrence. Enfin, un jour peut-être. Hein. Ce patron a le sens du spectacle. Ça, on devrait le faire, parce que là, il n'y a aucun risque. Même si parfois, cela lui joue des tours. Démonstration avec ce futur modèle, encore à l'essai. Le show va faire l'effet d'un pétard mouillé. Voilà. Il fonctionne encore? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez montrer la partie écran? Ouais, je suis pas sûr d'ailleurs. L'appareil ne s'allume plus. Je pense qu'il a pris le haut celui-là. Bon, après tout, il ne s'agit que d'un prototype. Il a un petit problème celui-ci. Allez, c'est con quand tu présentes un truc. Ah oui, ah bah écoutez, bah en fait, non, mais ça marche. C'est genre l'appareil. Sony avait fait ça, s'ils avaient fait un téléphone portable waterproof, donc qui reste sous l'eau. Mais dans la garantie, dans le mode d'emploi, il est marqué qu'en fait, ils ne garantissent pas si jamais il y a des problèmes dus à l'humidité ou à l'eau. En fait, il n'est pas garanti. Bah ouais, mais il va sous l'eau, il va pas sous l'eau. Bah non, ouais, mais d'accord. Et donc en fait, ils garantissent pas le truc, quoi. C'est comme fort. Mais c'est à la présentation de la Surface Microsoft aussi, où en fait, elle a planté. Ah oui, bah oui, mais en même temps, c'est Windows, hein, si tu veux. Bon, avant de parler avec Manon, là, Samuel, tu voulais balancer les excuses pour pas aller au bahut, pour pas aller au taf. C'est quoi, c'est bahut ou c'est taf, toi, Samuel? Non, c'est le taf. Ah, le taf. Alors, vas-y, raconte-nous. Ah, en fait, une fois, j'ai appelé mon patron pour lui dire que j'allais pas venir, comme j'avais fait un accident de voiture. Ouais, mais t'avais vraiment fait un accident de voiture? Voilà, en fait, 2 heures après, j'ai voulu bouger et puis j'ai vraiment fait un accident de voiture, la voiture pliée et tout. Merde. Ah, donc tu lui as à moitié menti, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, t'as vu l'avenir, quoi. Ouais, voilà, mais après, tu l'ouvres moi, quoi, tu fais moi le malin. Ah bah oui, là, c'est bah, je te confirme, ouais. Et ça va, t'as rien eu, quand même, juste la voiture? Non, j'ai rien eu, j'ai juste une petite bosse, quoi, tranquille. Tu vois, c'est méchant, parce qu'il fallait pas mentir. Ah oui. Ma mère, elle me l'a toujours dit, tu sais. Eh oui, bah, il faut écouter ta mère, faut toujours écouter sa mère. C'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec des béquilles, avec un fauteuil roulant, ouais, jamais se moquer parce que ça te revient dans ta gueule. Exactement, et jamais prendre la place pour handicaper également. Ouais, ça, moi, c'est qui m'énerve. Les béquilles, je suis habitué, les béquilles. Hein. Ouais, de comment ça t'es habitué? Quand t'en as souvent? Ouais, je me suis fait opérer deux fois, donc. Ah oui, merde, bah voilà, ouais, mais c'est ça. Peut-être que t'avais joué avec ça aussi. C'est comme les mecs, c'est qu'ils prennent la place pour handicapés quand ils vont dans la rue, n'importe où. Ça peut m'énerver. Alors je fais, vous avez un handicap? Ouais, non, mais c'est bon, c'est pour 10 minutes, pauvre con. Ouais. Je connaissais une meuf qui avait même volé un macaron handicapé, elle le mettait dans sa bagnole, et ça c'est scandaleux. Pire, heureusement que je l'ai pas croisé avec ça parce que je l'aurais mis une baffe dans sa gueule. Grave, je l'aurais arraché directement, c'est clair. Ouais. Bon, attends, il y a Pascal aussi de Perpignan qui est là. Salut Pascal. Bonjour Michael, tu vas bien? Ça va et toi? Ben moi, pas de problème, tout va bien. Eh bien, bienvenue à toi Pascal. Qu'est-ce que t'as comme une bonne excuse toi pour pas aller au bahut? Ou pour pas aller au travail? Je devais avoir une journée de merde, anglais, allemand, technologie, enfin tous les trucs qui servent à rien quoi. Ouais. Donc j'ai fait un mot de ma propre main, je l'ai porté moi-même à mon prof en lui disant que je serais pas là le lendemain parce que ça m'intéressait pas. C'est bon ça. Ah oui. Donc, t'es un bon toi. Là-dessus j'ai eu deux jours de colle. Les deux jours de colle je me suis pas présenté parce que ça m'intéressait pas non plus. Ouais, non, la colle ça intéresse pas grand monde en même temps. Ouais. Ils m'ont remis là-dessus deux jours de colle de nouveau et puis j'ai insisté en disant que j'avais pas de temps à perdre à aller à la colle et après j'étais mis 5 jours dehors. Non. Ben oui, promis juré hein. Oh bon. Mais ce qui est bien c'est qu'à l'école ils disent il faut pas mentir, il faut pas mentir, il faut vous affirmer. Quand mais tu dis ce que tu penses. Menti, j'ai pas menti moi. Mais je sais. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est que toi tu justement t'as pas menti, t'as dit ce que tu pensais et paf, tu te prends comme des gens de renvoi. Ouais mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Hein. Ah bon bah alors si t'as pas dérangé, tant mieux alors. Non parce que j'ai eu mes examens comme il fallait, bon j'ai couché avec ma prof de français pour avoir mon examen, mais voilà quoi. Oh mec, t'es sérieux? Je suis très sérieux. Putain. Oh, c'est pas mal. Et elle était bonne ou pas là? T'as eu l'examen C'était une bonasse, mais le problème c'est que son mari c'était mon prof de techno, donc j'ai eu des actes violents avec lui après. Ah ouais, tu cumules tous les problèmes. Toi. Tu t'attendais à quoi aussi? T'es sérieux là? Bravo, non, je te félicite. Je vais te mettre une bonne note en techno. Son mari, c'était mon prof de techno, et comme il ne m'aimait pas trop, parce qu'on avait quand même quelques atomes crochus tous les deux, ouais. Et quand en pleine classe, il m'a gavé, je lui ai dit, écoute, mon pote, t'es cocu, il a pas aimé. Ah bah oui. Sans déconner, tu croyais qu'il allait te dire, ah bon, mais bah bravo, me le dire. Allez, champagne. Non, tu m'étonnes. Alors il a mal pris, et puis devant 30 élèves, et puis le problème, c'est qu'il avait une grosse chevalière à la main, et quand il m'a mis la main dans la gueule, ben, je me suis rendu, quoi. Oui, c'est mieux, hein, Pascal. Et toi, t'étais bon, toi, à l'école, à mon avis. Hein. Je pense qu'on J'ai eu mon bac de français, poulet. Ça, bah oui, forcément, puisque t'as baisé avec la prof de français. Bah oui, ça aide pas mal, quand même. Hein. En plus, t'as tout gagné. T'as eu le bac, t'as eu l'examen de français. Et en plus, ça, t'as réussi à te taper la prof de français. Qui plus est, t'es bonasse. Quand t'es beau gosse et que t'as le bagou, il faut y aller. Alors, quoi, hein. Encore un qui se la ramène, comme Nassim tout à l'heure. Non, je ne me la ramène pas. Je vais proposer et on m'a dit oui. Voilà, bon, et ben, écoute, c'est le principal. Il a disposé. Exactement. Bon, attends, il y a Hicham aussi de Liège qui est avec nous. Salut Hicham. Salut Mika. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, oulala, t'as Hicham. Pas vu toi Hicham? Ah non, mais ça va venir, ça Hicham. Va venir. T'as du poil un peu ou pas? Non. Bon, ça va venir, ça va venir. Ça va arriver. Même au meilleur. Et quand on aura après, tu vas râler parce qu'il y en a, il faut raser et tout, c'est une galère. Bon, alors Hicham, bienvenue à toi. Tu avais une petite excuse, toi, enfin une petite idée d'excuse pour pas aller en bahut ou pas aller au taf? En fait, à l'école primaire, pour mon petit frère, on avait essayé avec lui. Vous allez pas me croire, mais j'avais vu ça sur internet. Quand tu mets des oignons sur la chaussette et que tu dors avec la couverture au-dessus de ta tête. Attends. C'est pas ça, il faut mettre des oignons sur les chaussettes? Non, dans ta chaussette. Dans la chaussette. Tu mets tes chaussettes. Est-ce que t'es le fils de comment il s'appelle? Merde, bah, j'ai rien dit. C'est parti, voilà, hop, dans ma gueule. Hop, allez. Voilà. Alors, donc Stéphane Bern. Tu mets n'importe quoi. Donc, tu mets les oignons dans la chaussette. Tu mets la chaussette. Hop, ok. Ouais, tu mets les chaussettes. Ouais. Tu dors avec la couverture sur ta tête. Donc, les pieds doivent bien rester. Et après, en fait, le lendemain, t'es mort parce que t'as plus d'air. Non, pas ça. Non, t'as pas de pieds. Ça peut être laissé, mais je vais dire la vérité, ça tient pas longtemps. Ça tient 2-3 heures. Mais qu'est-ce qui tient 2-3 heures? Bah la fièvre. T'as la fièvre. Ah oui, non, mais après, on s'en fout. D'accord, c'est une fausse fièvre. Ouais, le principe, c'est juste d'arriver à gruger les parents, hein. Pas d'être vraiment malade. Une fois qu'ils sont partis au boulot, c'est bon. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc ça marche. Bon, à essayer, hein. T'as vu ça sur internet, toi t'as essayé avec le frère et ça a fonctionné. Ouais. Ok, très bien. Et t'as vu, il prend pas de risque, hein, il essaye sur le frère d'abord. Ouais, mais il a raison. Bah, c'est clair, une fois. Attends, ça sert à ça, un frère, surtout un petit frère, c'est un laboratoire. T'essayes des trucs, tu checkes, tu vérifies. Non, mais c'est normal. Un truc qui marche aussi, mais ça, c'est pas pour trouver une excuse. Si tu veux faire une blague à un pote, si t'es sûr que ton pote, au lit, il bouge pas, et ça, eh ben, tu mets un verre, tu mets blé des glaçons, tu le mets... tu mets blé des glaçons dedans, tu lui mets sa main et il pisse au lit. Eh, c'est pas la machine Google, attends, là. En fait, c'est, tu écris, en fait, ça... Non, non. Mais donc, tu prends le verre de glaçons, tu mets où? Tu prends un bol de glaçons, tu un mets bol, des glaçons, hein, ouais, tu mets sa main, ouais, et il pisse au lit. Et il pisse au lit. On va essayer ça avec Toff, tiens. De la merde, ça marche pas, ça marche pas, Samuel. Non, c'est de la merde. Bah attends, on va essayer avec toi. De toute façon, on va au ski. On va au ski le 14 et 15 mars. Voilà, c'est à Orsières 1850, Orsières Merlette. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, si jamais vous êtes en vacances au même moment et que vous êtes à la même station que nous, on a besoin de vous parce qu'on va vous faire une expérience à la oui, neige. Une très grosse expérience. Une très grosse expérience. On a besoin d'au moins 10 personnes. Voilà, 10 personnes. Donc, si vous êtes sur place, eh bah tant mieux. Si jamais vous n'êtes pas, mais vous êtes pas loin, genre Grenoble, etc., etc., bah venez nous rejoindre pour le week-end. Allons, 14 et 15 mars, c'est vendredi et samedi. On sera donc à Orsières. On va faire un petit peu de snow, un petit peu de ski. On va se mettre bien et on a besoin de vous pour faire une petite expérience. Donc on compte sur vous. Bah merci Hicham, merci Samuel, merci Pascal d'être passé. Salut Mika, Mika, y'a pas de soucis. Salut Pascal, oui Samuel. Dis, tout à l'heure, j'ai Toff qui m'a appelé. Je l'ai reconnu directement à sa voix, comme j'écoute tous les soirs. Ah bah ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux après Attends. Donc je l'ai grillé tout de suite. Bah tu peux. Dis-lui que c'est un enculé. Ouais, t'es un enculé toi. Voilà. Merci, eh ben, ça voilà, me fait plaisir. Eh ben très bien Samuel. Ouais. Ben, merci à toi en tout cas. Vas-y, profite, ouais. Profite. Et une seule personne hein, Samuel, hein, choisis la bonne. Je passe une dédicace à tout mon taf, au Borac français, et puis bah mon pote Seb. Très bien, et eh ben le message est passé, heureusement que j'avais dit une personne, t'as de la chance que j'étais un peu déconcentré. Ouais bah oui Hicham. Je peux faire aussi une dédicace? Allez bah vas-y aussi, à une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à mon frère qui a eu la fièvre à cause de l'oignon. Et en parlant de ça, il y a Axel qui dit il faut éplucher l'oignon hein, apparemment. Bah en fait tu dois enlever la première peau comme si c'était épluché pour manger et tu dois couper en quatre, mais comme ça rentre pas dans une chaussette, c'est naturel, tu dois enlever vraiment comme si tu devais manger, mais sauf que tu manges pas. D'accord, ouais. Ok, bah comme ça. Une fois que t'as fini, tu fais une salade avec ou pas? Ouais, bah oui, oui. Et comme ça, t'as l'oignon, fromage, tout ça, tout est plié dedans, c'est parfait. Bah ouais. Merci Hicham d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ça fait une César avec les croutons. Exactement. Salut Hicham. À bientôt, merci d'être venu. Arnaud, dans quelques minutes, avec la réponse à la colle. Bah Arnaud, du coup, qui va la répéter, ça colle une dernière fois là, avant de donner la réponse. Arnaud, t'es toujours là? Ouais, toujours. Très bien. Donc, alors, vas-y pour la colle. Donc on rentre par un trou et l'on ressort par deux, qui suis-je? Alors, on rentre par un trou et l'on ressort par deux, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, je vous rappelle qu'il y a un casque Beats by Dre à gagner, ça vaut plus de 150€ et je vous l'offre ce soir. Il faut répondre à la colle en envoyant simplement M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique, et vous pouvez jouer aussi gratos cette fois sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Voilà. Il y a la petite colle qui est posée, hein, il suffit d'aller répondre. Et puis on appellera quelqu'un dans moins de 15 minutes, facebook.com/MIKL officiel. Bonne chance. Arnaud, je te souhaite bonne chance également. Merci Mickaël. Ciao, à tout de suite. Et je rappelle le principe pour ceux qui débarquent. Arnaud a donc posé une colle. Si personne ne trouve la bonne réponse, eh bien c'est lui qui gagne. Si quelqu'un d'autre trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, eh bien c'est cette personne-là qui gagnera. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Alors il y a des messages, il y a Amel qui dit: moi j'avais dit à mon patron que j'avais fait une crise d'asthme et le soir même j'ai fait une crise depuis, je rigole plus avec ça. Ah bah voilà Amel, c'est ce qu'on disait. Aurel 1901 qui dit: pour les excuses, je suis arrivé en retard en cours. Comme excuse, j'ai dit que je m'étais fait attaquer par des Pokémon, je me suis pris 3 heures. Sans bah déconner. Daniel également pour l'excuse, dire qu'il y a un colis piégé sur ta ligne de métro. Margot du 26, c'est juste trop fucking ouf, so sweet. Ah, c'était par rapport à la drague de tout à l'heure qui a mal fini. Keisha aussi pour le jeu de vomir sur la tête. Prenez Toff, ça pourrait un peu arranger sa face. Je pense pas sûr que ça l'arrange, hein, mais moi ça me fera un shampoing. C'est vrai. Stevie également, salut l'équipe. Moi, pour faire croire à ma mère que j'avais de la fièvre, j'ai collé mon front sur le radiateur. Sauf que j'avais pas prévu les grosses traces de radiateur sur le front. Regarde, je suis tout chaud. Il s'est brûlé ce con. Oh Stevie, pas mal. T'es un champion, toi. C'est la meilleure, là, celle de soir. Et Margot qui dit excuse bidon, qui a souvent marché pour ma part quand j'étais au lycée. Désolé, mon bus est tombé en panne. La meuf la moins chanceuse du monde, c'est-à-dire qu'elle prend tous les matins un bus qui tombe en panne, c'est quand même bad bol ça. Et alors Félicia qui dit coucou Mickaël, ma mère est super cool et le jour de la sortie de Final Fantasy, je lui ai dit que j'étais pas bien, elle a compris que je voulais jouer et elle m'a dit tu restes à la maison mais tu fais le ménage, et du coup j'ai pas été en cours. Oh c'est dégueulasse, c'est la mère qui échange une journée d'école obligatoire contre une journée de ménage. Ah, c'est bizarre. La honte sur la mer. Et Julien qui dit en Alsace, c'était à chier. C'est à chier, il n'y a pas fun. Ça m'a fait louper 2 heures d'émission. Bah ouais, je sais bien, mais oui, il n'y a pas d'émetteur en Alsace. Enfin, en tout cas, pas à Strasbourg. Plaignez-vous au CSA. Exactement. Envoyez des courriers. Tout à fait. Dites-leur que vous voulez écouter Fun Radio dans votre ville. Ce qui est effectivement la moindre des choses. Bon, Manon avec nous, de retour dans quelques minutes. Tu restes avec nous, Manon ? Ouais, ouais. Bon, on a juste le chéri, je peux te faire cocu avec Emma qu'on va faire dans quelques minutes. Donc on te reprend juste après, d'accord ? Ok. Bon, bouge pas de là, ma belle. On va revenir avec le son de Cache-Cache, ce sera Tech Me Home. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et ben voilà le son de Cache-Cache à l'instant, c'était Take Me Home. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et en direct, évidemment, jusqu'à 2h du mat. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Vous êtes nouveau, vous venez de débarquer. Eh ben, bienvenue, c'est Mickaël No Limit. On est là de 23h à 2h tous les soirs de la semaine. Et puis, également tous les dimanches, hein, de 20h à minuit. Si vous venez de débarquer, là, vous êtes bien tombé, puisqu'il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer dans quelques instants. Ce sera avec Emma. Et avant de la prendre, je vous annonce également qu'il y a la vidéo du bobsleigh qu'on a fait la semaine dernière, les Jeux Olympiques de Sochi. Avec une chute. Avec une putain de chute, effectivement. Ouais, donc si vous voulez la voir, je viens tout juste de vous la poster sur le Facebook et le Twitter. Voilà, ouais. facebook.com/MIKAELOfficiel ou alors sur le Twitter, tapez MIKAEL_officiel. Suivez-moi et je vous suivrai également avec plaisir. Un petit follow par l'arrière, bien entendu, pour vos mesdemoiselles. Ça marche aussi sur Instagram, bien entendu. Bon, allez, on va aller voir la vidéo dans quelques minutes. Et puis en attendant, eh ben, on va accueillir Emma qui est avec nous maintenant là pour le chéri. Je peux te faire cocu là. Bonsoir Emma. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah écoute, très très bien Emma. On va faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Ouais. Bon, très bien. Comment s'appelle monsieur? Madame. Comment s'appelle madame? C'est pareil. Stéphanie. Stéphanie, d'accord, ok. Bon, alors chéri, je peux te faire cocu? T'es avec elle depuis combien de temps? Un an et demi. Un an et demi, très bien. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Oui. C'est bien, je crois que c'est la première fois qu'on fait un chéri, je peux te faire cocu. Spécial brot minou. Ouais, spécial brot minou, effectivement. Ah, bah tant mieux. Bah, je te confirme, je te confirme. Bon. Je suis chaud. Et j'imagine, mais tu l'auras récupéré celle qui sera jetée. Attends deux secondes. Est-ce que, parce qu'on va voir si c'est Sandro qui joue ou si c'est moi, mais ça paraît crédible si t'essayes avec un mec, en l'occurrence moi? Ouais. Bon, alors c'est parfait, écoute, impeccable. T'as un petit boulot, non? Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Ouais, dans le magasin où je travaille. Parfait, et tu fais quoi comme magasin? Sœur. Très bien. Et elle est où là? Là, elle est chez nous. Moi, je suis chez ma sœur. D'accord, très bien. Bon, alors tu vas dire que t'es chez moi, bien entendu. Qu'on s'est rencontrés, tu bossais hier? Non. Avant-hier? Avant-hier, très bien. Donc on va dire qu'on s'est rencontrés au magasin où tu bosses, je suis passé à ta caisse, bon, bref, on a un peu discuté, etc. Bon, eh ben écoute, on va y aller, on l'appelle. Plus t'arrives à l'énerver, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, donc je te souhaite bonne chance, ok? D'accord. Merci. Allez, on y va, on l'appelle. Je me suis jamais fait insulter par une fille comme ça. Allô? Oui, mon amour? Ouais, bah dis donc, j'attendais de tes nouvelles. J'aurais quelque chose à te demander. Ouais. En fait, avant-hier, y a un client qui est passé à ma caisse et il était assez charmant et il m'a demandé mon numéro. Charmant. Ben, il m'a plu et il m'a demandé mon numéro et on a discuté. Non, un mais peu t'es lesbienne ou t'es une hétéro refoulée là déjà? À ma connaissance, déjà, t'aimes pas les zizi. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui ça? C'est Michel. Attends, mais t'es où là? T'es où? Ben, je suis chez Michel. Elle est d'accord ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'il a ce gros PV là à parler là? Qu'est-ce que tu fous? Et franchement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Bon bah qu'est-ce qu'elle dit? Non mais tu joues à quoi? Il va fermer sa gueule. Je voulais te demander. Il va fermer sa gueule. Tu sais quoi? Tu vas me dérouter, je vais débarquer. Je vais lui défoncer sa gueule. Et PD va. Ta gueule, PD va. Qui ferme sa gueule? C'est quoi? Tu peux aller te faire foutre. Allez vous faire foutre, va, bonne d'enculé. Ah merde, oh putain, ouais, alors effectivement. Elle est pas chaude, elle est super chaude. Hein. Oh la violence. Bon, je la rappelle, attends, bouge pas, Emma. Ouais, j'arrive même pas à en placer une. Ah mais non, effectivement, ouais. Bon, attends, on l'appelle. Ah oui, elle est chaude, je pense qu'on va devoir l'appeler 4 fois, là, à mon avis. Hein. Ça va durer. Alors, on est parti pour durer, ça va durer longtemps. Hein. Oublie pas de lui demander. Oublie pas de lui dire, est-ce que je peux te faire. Allô? Non, mais c'est plus la peine de m'appeler là. Bah attends, laisse-moi parler 2 minutes. Non, je veux plus rien savoir de toi. Tu sais quoi, t'es qu'une belle petite pute de merde. Allô? Ça va ? Et allô ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est Michel. Qu'est-ce qu'il y a, bâtard ? Je pense qu'on est parti du mauvais pied, là. Ouais, non, je pense pas. Non, quoi. Non, mais attends, mais. Laisse-moi t'expliquer. Moi, non, je y a veux pas d'explication à donner, j'en ai rien à prendre. C'est quoi ? Tu veux la baiser ? Bah, tu la baises. Mais non, mais je veux piquer la meuf de personne. Mais Liane, fous la paix, c'est tout. Écoute, j'en ai rien à prendre de tes explications. Déjà, elle est assez grande pour parler elle-même. Mais je sais, mais c'est une première chose. Et deuxièmement, j'ai pas à parler avec toi. On se connaît pas. J'ai pas à te parler, ok ? Non, mais elle est partie faire un café. Ouais, c'est ça. Allez, va te faire foutre. Mais non, c'est mais quoi, attends, tu me fous la paix. On est des adultes. Non, foutez-moi la paix. Mais quoi. Non, mais on est des adultes. C'est même pas avec toi que j'ai envie de parler, c'est avec elle. Alors, je vais te la repasser. Mais je vais te la repasser. C'est juste pour gueule, te dire qu'il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Non, j'en ai rien à branler. Moi, je l'ai quoi. Juste vu, on l'a vu, elle était à la caisse, là, et puis moi, je lui ai demandé son numéro. Moi, je sais pas qu'elle était casée. Ouais, c'est ça. Et allez, puis après, bon, je l'ai invité à boire un verre. Et puis après, en fait, je lui... C'est pas avec toi que j'ai envie de parler, tu vois. C'est pas mais avec non, toi, là. Bah ouais, mais tu lui as raccroché, elle m'a dit. C'est pas avec toi que tu vas avoir des explications. Mais non, mais d'accord, bah attends, je te la repasse. Bon, Emma, je te la repasse. Écoute, ça a l'air de bien se passer. Hein. On a un peu discuté ensemble. Et elle a l'air plus mais ouverte. Mais il est con, lui, ou quoi. Elle a l'air plus ouverte. Ouais, c'est ça. Ok, elle est vraiment trop con, quoi. En gros, elle m'a dit que c'était d'accord. Ouais, mais lol, quoi. Quel baraquis, quoi. Quel baraquis. Allô. C'est quoi, franchement, c'est une belle pute. C'est juste pour une soirée, une nuit. Non, j'en ai rien à branler, c'est une belle pute. C'est tout, point barre. Maintenant, va te faire broncher par le premier gars qui passe, bah c'est très bien. J'ai toujours su que t'étais une petite pute de merde. Ça te ferait ça, c'est tout. Mais franchement, tu me prends pour qui, là? Tu me prends pour qui? Tu sais quoi, j'ai tout quitté, là, pour ta gueule de merde. Et toi, tu fais ça, quoi? Pour changer j'ai tout quitté pour ta gueule et toi tu me fais ça. C'est quoi franchement cool. Toutes tes affaires, je vais les cramer. Je vais cramer toutes tes affaires. Je veux plus jamais avoir affaire avec toi. C'est qu'une belle petite conne, c'est tout. J'ai toujours dit que t'aimais les bites et t'avais qu'à assumer au lieu de t'engager avec quelqu'un. Non mais toi, ferme ta gueule, j'ai pas envie de te parler, salut. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est ouf cette meuf. Oh putain, Emma. On sent qu'il dirige la maison. Bon bah écoute, j'espère qu'on va réussir à la rappeler. Enfin, qu'elle va décrocher surtout. Bon, on la rappelle. C'est moi qui lui parle. Ouais, je pense qu'elle va m'insulter. Si toutefois elle décroche. Ce qui n'est pas gagné a priori. Franchement, tu me fous la paix ? Non, mais en fait, je voulais juste non, te dire un truc. Non, j'ai pas envie de parler avec toi déjà. Mais non, mais je sais. Non, mais deux secondes, parce qu'elle m'a dit que tu t'appelais Stéphanie. Donc enchanté, moi c'est Michel. Ouais, Michel, voilà. C'est ça. En fait, non, vous êtes parti aux toilettes là. J'en ai profité, j'ai fait quick bis sur le téléphone. Je m'en fous, j'ai pas envie de te parler. Non, mais j'ai compris. Tu peux le comprendre. Je sais, non, mais bien sûr, j'ai bien c'est compris. C'est même pas avec toi que j'ai à avoir des explications, c'est avec elle déjà. Non, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait, vu comment t'as parlé et tout, et en fait, ça m'a excité, donc je voulais savoir si c'est pas possible. Et t'es un vrai malade, toi. T'es un vrai malade. Franchement, c'est quoi? C'est quoi, fous-moi la paix. Déjà, moi, j'aime pas les gars, ça c'est une première chose. Non, mais juste pour moi, voir. Je suis claire avec moi-même. Non, mais contrairement à elle, moi je suis sûre avec moi-même. Ben, j'ai déjà essayé les gars, tu sais. Non, mais t'es peut-être tombé sur un mauvais, t'es peut-être pas tombé sur un mec bien comme moi. Non, un mec bien comme toi, écoute. Non mais tu sais pas. Non mais attends, ça vaut quand même la peine d'essayer. Moi je sais ce que je suis, Non, j'ai rien envie d'essayer avec toi. J'ai rien envie d'essayer avec toi. Mais de si, une, je suis sûr qu'au fond de toi, et envie. De deux, maintenant, tu peux la garder avec toi parce que je veux plus jamais entendre parler d'elle. Ah non, mais moi, je la veux pas, moi. Si je la vois, je la défonce. Moi, je veux pas la garder, moi. Non, mais je m'en branle, t'en feras ce que tu veux, mais moi, je veux plus la voir. Et maintenant, oh bah tu non, me fous la paix. J'ai même pas envie de parler avec j'en toi. J'en ai pas besoin. Oh, attends, je te la repasse. Ouais, c'est ça. Putain, c'est quoi ce bordel là? Emma? Franchement, c'est quoi ce truc? Bon, écoute, on a longuement discuté et. C'est quoi ça? Mais il est malade ce gars. C'est avec elle que je vais coucher, donc toi je suis désolé. Mais il est malade, putain, non, mais c'est un vrai malade, t'es tombé dans quoi encore? Mais t'es vraiment trop conne toi. Elle a l'air plutôt chaude. T'es vraiment trop conne. Le moindre gars qui te fait les 12 yeux, ça y est, tu pars avec, c'est un malade ce gars en plus. Il raconte n'importe quoi, c'est un gros mytho. T'es vraiment une belle connasse. Franchement, t'as même plus à passer parce que je vais te défoncer ta gueule. Bah, on fait pas ça avec Michel, les gens. Emma, oui. T'es bien chez Michel, et bah Emma, tu peux y rester. Tu peux y rester, franchement. Putain, mais c'est quoi ça? J'ai des flatulences. Mon Dieu, quoi, mais vous êtes. Franchement, je sais pas ce que c'est ce bordel, mais t'es vraiment une grosse malade. T'es aussi malade que lui. Vous êtes deux malades, quoi. Franchement, foutez-moi la paix, ok? Mais tu veux pas passer chez Michel? Mais t'es con ou quoi? Mais t'es vraiment. Bon, mais t'es vraiment trop conne. T'es vraiment trop conne. Non, foutez-moi la paix, putain. Non, Stéphanie. Franchement, foutez-moi la paix parce que j'ai tout défoncé, ok? J'ai une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, une bonne nouvelle, mais lol, quoi. Je voulais juste. Mais non, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mais je voudrais juste d'abord que tu t'excuses de toutes les grossièretés que tu m'as dites. Non, je m'excuserai pas, mais j'ai si, pas à m'excuser. Tu dis, je m'appelle Stéphanie, je m'excuse, mon bon Michel, c'est pas grave, serrons-nous la main. On se fait un petit bise, un petit cunis, c'est parfait. Non, bah, franchement, t'es un vrai malade, toi, mon gars. T'es un vrai malade, je te jure, t'as de la chance. Je t'annonce une bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre, je sais pas ce que tu vas pouvoir m'annoncer là comme bonne nouvelle, franchement. Ah, une très bonne nouvelle. Laisse tomber. Attends, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, mais d'abord, je vais te passer. Non, franchement, j'ai pas envie de jouer, j'ai d'autres choses à faire, tu vois. J'ai d'autres choses plus intéressantes à Stéphanie. Faire que de me pourrir mes soirées comme bien ça, sûr, tu vois. Bien sûr, je comprends. Mais combien mesures-tu, Stéphanie? Quel est le rapport? Mais il n'y a pas de rapport, enfin, en taille, quoi, le rapport en centimètres. 1m63. Voilà, combien pèses-tu? Ça, c'est en kilos, en fait, c'est un poids. 54. D'accord. Quel est, arrive. Quel est ton tour de poitrine? Donc ça, il faut un chiffre d'abord et puis une lettre. Ouais, non, mais franchement, tu crois que je vais te donner mes... Enfin, non, laisse tomber. Mais non, c'est juste entre nous, je te pose la question. Hé, hey, Emma, c'est combien son tour de poitrine? 90D, je crois. D'accord. Ah, D comme Denise. Ah oui, quand même, hein, y a moyen de bien se branler. Et la taille du dernier pantalon. Ça va aller, putain. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. D'accord. Ah ouais. Parce qu'elle est bonne. Ah, c'est vraiment dommage. Elle est bonne. Ah, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Vous voulez vraiment pas faire un plan à 3? Ah ouais, c'est con, c'est vraiment con. Bon, Stéphanie. Il y a combien de personnes là? Là, on va faire un gangbang, on est 4. Ouais. Et puis moi j'aime bien les. Vous êtes des vrais malades. J'aime bien les lesbiennes, moi. Fous-moi la paix, mon gars. Insulte-moi. Insulte-moi, Stéphanie. Fous-moi la paix, Stéphanie. Insulte-moi, Stéphanie, j'aime ça. Stéphanie. Ah mais putain, mais c'est des malades. Mais non, mais Stéphanie. Des gros malades. Mais non, t'inquiète pas, en plus on a ramené les animaux. Ah mon dieu, vous me dégoûtez. Vous savez quoi, franchement, je savais bien, les Français, c'est des vrais fous. Des vrais fous, des vrais malades. Mais ça tombe bien, tu parles à un Belge. Stéphanie, allô. Merde, des nouveaux partis, sérieuse là. L'autre, elle m'insulte, alors je lui dis allô. L'autre, il arrive derrière, il dit mais combien mesures-tu? Oui, alors je fais 1m60. Non, l'autre, elle répond à tout, elle est sérieuse là. Bon, on la rappelle. Elle vient d'où, Emma? De Charleroi, non? Namur. Namur, oui, d'accord, ok. Franchement, tu me fous la paix. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est moi. Non, mais Stéphanie. Tu vas m'appeler tout le temps, Stéphanie. En plus, je viens aussi de. Bon, pas de Namur, mais pas loin. Ouais, et comment tu sais d'où je viens déjà? Parce que je lui ai demandé. Je sais pas, elle t'a exposé ma vie ou quoi? Ouais, elle a dit que t'étais plutôt bonasse, une petite chienne au lit, tout ça, cool quoi. Foutez-moi la paix, sérieux. Non, mais Stéphanie. Foutez-moi la paix parce que je vais tout défoncer. Stéphanie. Quoi? T'as pas raccroché, Stéphanie? Non. Bon, c'est Mickaël, t'es sur France Radio. Non! Stéphanie? Oui. Ah voilà, t'es sur Fun Radio, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Mon dieu quoi. Ah oui, bah oui, mais enfin bon, alors, oh là là, quelle agressivité quand même. Alors on est pas ouvert sexuellement, c'est dingue. Non, ben il y a des choses, ouais, non. Bah non. Non, mais là j'ai honte, hein, j'ai honte. Ah oui, là tu peux, ouais. C'est pour ça que je t'avais demandé, bah, je dis excuse-toi avec toutes les crasses que tu m'as dites, tout ça, et enfin bon. T'as bon. Ouais, bah bon. Alors, est-ce que tu lui parles encore ou on la récupère? Non, je la garde. Ah bon, non, bah d'accord, ok, très bien. Comment vous êtes rencontrés, Emma de Reims et Stéphanie de Namur? Sur Paris. Ah, sur Paris, bah non, normal, tu sais, international. Ouais. Non, mais c'est bien de se rencontrer comme ça, parfait. Très bien. Et alors, qui tient la culotte à la maison, même si j'ai bien une idée là-dessus? C'est Stéphanie. Ouais, je pense, hein. Ah, Stéphanie, c'est toi qu'on appelle Roger, non? Non, hein? Pas vraiment, non, quand même. C'est toi qui as les couilles. C'est toi qui as les corones, comme on dit. Hein? Apparemment. Non, j'en ai pas. Ah, non. T'en as pas non plus. Bon. D'accord, ok, bon, très bien. En tout cas, c'est dommage de gâcher un 90D avec une autre fille. Mais bon, oui, bon, moi, moi, je veux bien faire un plan à 3 si c'est vraiment pour rendre service. Mais c'est bon, Bah, ouais. Eh, d'ailleurs, on sait toujours pas à quoi ressemble Emma, tiens. Oh. Mais bien sûr, alors Emma, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu, Emma? 40 kilos. Ah, il faut manger, Emma, maintenant. Quel est ton tour de poitrine? 85D. Et la tête du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Moi je prends les deux directs. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes! Quel gâchis, oh là là! Non mais ça dit n'importe quoi en fait. Elle n'a jamais été fourrée. Bah oui, oh, c'est poème, dommage. Poème. Ah, c'est gâché. Enfin, elle n'a bon. Jamais été fourrée. Bon, Emma et Stéphanie, on va quand même vous envoyer le haut-parleur Bluetooth. Là ça. Ouais, alors le Bluetooth ou alors smartphone, vous préférez quoi les filles? Smartphone. Bon, ouais, avec Android, ouais. Intérieur, ah, bah, très bien, on va te filer ça, il n'y a pas de problème. Gros bisous les filles. C'est parfait. Bisous, bisous, bisous. À bientôt, ciao. Au revoir. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Wouhou, et on va se faire dans quelques minutes le retour de Manon également. Il y aura Vincent pour les excuses bidons encore pour parler au bahut. Et puis on va se faire, comme promis, le son maintenant des Daft Punk sur Fun Radio. Instant Crush au cœur de la nuit sans pub. On va se refaire un autre chéri, je peux te faire cocu la semaine prochaine hein, si vous voulez participer. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, minuit 35. C'est Daft Punk qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bienvenue. L'excellent Daft Punk à l'instant sur Fun Radio, c'était Instant Crush. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, il y a eu des messages qui sont arrivés avec le hashtag Mickaël, notamment sur le Twitter ou sur le Facebook également. Stevie qui dit ah putain, il était parfait, ça faisait longtemps, trop bon. Clem également, il était trop top, le chéri, je peux te faire cocu. Keisha aussi qui dit le chéri, je peux te faire cocu de ce soir, c'était de la tuerie. Il y a Vipelière également, vous êtes des gros malades, juste énorme cet appel, je suis mort de rire. Et FLS34 aussi qui a bien kiffé. Il y a de la violence mais elle est chaude bouillante. Et Nathan aussi, il est épique le chéri, je peux te faire cocu. Encore Abdou, le meilleur chéri, je peux te faire cocu de l'histoire, c'est du très haut niveau. Ah ouais putain, moi j'aurais pas dit que c'était le meilleur de l'histoire. Mais il a un bon level. Ouais ouais, il a un bon level, très très bon. Ah, il a un très bon level. Il y a Laurine aussi, ce chéri, je peux te faire cocu, me fait mourir de rire. Canular Show pour Kizzy également. Alors caché aussi, trop débarque avec le chéri, je peux te faire cocu. Le premier de la semaine envoie du gros le gros lourd. Julien aussi, ta gueule PD venant d'une lesbienne, je trouve ça tellement énorme. C'est vrai, en plus elle m'a traité de PD quand même, alors c'est que vrai. La meuf aime les femmes qui aiment les femmes, c'est ça qui est beau. Et Nicolas, ma trottinette s'il te plaît, je la veux trop. Eh, bonne nouvelle, on aura des trottinettes aussi à vous offrir. Ah. On va commencer à en offrir demain, ça va être juste énormissime puisque l'on va faire également un petit. Bah on va faire un peu comme avec les JO, on va s'installer dans le couloir de Fun et puis on va essayer de faire des conneries. Avec la trottinette. On va faire de la trottinette freestyle. Bah on va surtout essayer de faire un freestyle. Attends. On va surtout essayer. Ah bah ouais, Polo il va refaire des montagnes, des trucs, des montées. Je vais faire une pente comme ça. Tu feras moi le malin, tu feras ton freestyle tête de. Voilà, coup, on fera ça demain et on va démarrer d'un côté du couloir. Et donc on va chronométrer pour voir combien de temps il faut pour arriver de l'autre côté. Avec et ou sans les escaliers? Avec les escaliers évidemment. Ah oui d'accord. Et donc on va voir lequel des quatre de l'émission, parce que Sandro va participer. Hein. Moi je mets un paquet de cacahuètes sur Sandro. Eh ben très bien, bah, vas-y alors. Il y a Tire Fall aussi, Mickaël le meilleur animateur, Radio, Toff le meilleur connard du monde et Polo le meilleur baratineur du monde. En termes de baratineur, ils se tiennent la main Polo et Toff. Mais non, Polo Toff est meilleur. Non, ça dépend. Moi, je suis baratineur dans la classe. Toff, ouais. C'est un peu merdique. Ouais. Et Polo me surclasse dans l'embrouille. C'est vrai. Ah oui, ça, c'est vrai. Il y a Léa aussi, la chute de Polo dans le bobsleigh, des barres de rire. Ouais, c'était les Jeux Olympiques qu'on a fait la semaine dernière. Il y a la vidéo que je viens de vous mettre maintenant, spécial bobsleigh. Et vous allez voir que la chute ne vient pas forcément du bobsleigh. Non. C'est ça. Le bobsleigh a eu mal aussi, mais la plus belle chute ne vient pas forcément de là. Bon, Manon est avec nous. On va faire les appels aussi avec Toff. On va donner la réponse à la colle. On va faire ça avec Arnaud. Arnaud, t'es là? Ouais, toujours. Parfait, très bien. Bon, alors Arnaud, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante qui repartira avec le casque Beats by Dre. On y va. Je te rappelle donc que si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la question que tu vas lui poser, c'est il ou elle qui gagne. Sinon, c'est toi, en toute simplicité. On y va. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Jordan, très bien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Jordan, il y a Arnaud qui a une collade posée. Vas-y Arnaud. On rentre par un trou et l'on ressort par deux. Qui suis-je? C'est un pantalon. C'est ça, tout à fait. Et voilà Jordan, bravo à toi, le casque cool. Beats by Dre, il est pour toi. Bon, malheureusement Arnaud, comment te dire C'est perdu. Ben voilà, je savais pas comment te le dire, mais au moins comme ça, au moins tu l'as deviné tout seul, c'est mieux. Bon, Arnaud, tu reviens quand tu veux quand même, hein. Ouais, y'a pas de soucis. Bon, ça marche. De toute façon, j'aurais déjà gagné un casque audio. Oh, ben voilà, alors y'a pas de problème, ben tant mieux, j'ai moins de peine. Le deuxième, ça aurait pu être pour ma copine quand même. Ça aurait pu, parce qu'enfoiré comme t'es, évidemment, le premier, tu l'as pas donné à ta copine. Bah au début j'étais pas avec elle donc Ah oui alors d'accord. Non alors ok très bien. Bon bah ce sera pour la prochaine fois Arnaud. Passe une bonne soirée. Voilà. À bientôt. Ciao. Et Jordan, mais félicitations, un casque Beats by Dre pour toi. Ah, tu vas gérer ça avec Sandro, on prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça, ok? Ça marche, c'est possible de faire une dédicace? Eh ben vas-y, y'a une seule personne, choisis la bonne. Ah bah je fais une grosse dédicace à mon frère qui m'écoute. D'accord, bah le message est passé, on l'embrasse. Comment il s'appelle ton frère? Il s'appelle Terence. Très bien, il écoute l'émission d'habitude aussi ou il écoute exceptionnellement parce que tu passes? Si, ouais, bah, il écoute aussi d'habitude. Bon, très bien alors. parfait. Je fais un gros bisou à Toff. Oh, moi aussi je l'embrasse. Ah génial. Avec la langue. Bon bah salut Jordan, à bientôt et continue à écouter Fun hein. Salut salut va, et les autres aussi là, et n'oubliez pas de faire la promo là pour ceux qui sont rentrés au bahut aujourd'hui là, pour ceux qui n'ont plus de vacances. Oh, les c'est pas pauvres. La zone A. Oh là là, pauvre et zone A. Et ben voilà, n'oubliez pas de faire passer le message hein. On est là tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h du mat et puis le dimanche soir de 20h à minuit. Prévenez vos potes qu'il se passe enfin un truc à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe. On va faire les appels avec Toff également avant de récupérer oui, Manon. Allez, je rappelle donc que eh bien apparemment d'après une grande étude qui a été faite dans un magazine très important, très bien sûr, sérieux, le Journal Sexual of Medicine. Bah voilà, je vais le dire mais puisque tu le dis avant moi, c'est très bien. Donc apparemment, le fait d'avoir une petite bite n'est pas grave. Le principal non. est d'avoir un gros clitoris. Voilà, donc malheureusement, toutes les filles qui ont un petit clitoris, désolé. Bah voilà, et toi Manon, t'as un gros ou un petit clitoris? Ça me regarde que moi. Bah non, justement, mais c'est l'enquête là, c'est l'enquête, c'est pour savoir. C'est pour vérifier. On va appeler des gens là pour savoir si. Bah non, tranquille. Tranquille, t'as un clitoris tranquille. Wesh, wesh en place, t'as vu? Non mais tranquille quoi. Enfin, il pèse ou quoi? Ouais non, non mais. Moi perso ça me va très bien. Oui non mais d'accord, mais c'est un gros ou un petit? On va pas les vérifier hein. En même temps on ne connaît non, pas Manon. Petit. Il est petit, c'est un petit clitoris. D'accord, ok. Bon bah écoute, alors si tu te maries avec un mec qui a une petite bite, par contre ça va poser un problème. Mais bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Bon Manon, avant de parler avec toi, on va d'abord demander aux auditeurs, enfin. On va d'abord demander aux gens, les auditeurs nous ont envoyé des numéros de téléphone, hein, les nouveaux amis Toff. On va vérifier si bah ils ont un petit clitoris. Ou un gros. Ou un gros clitoris. Bon, alors bouge pas, on te reprend dans 2 minutes, Manon, enfin à peu près. Hein. Ok. Ça dépend, on va voir si Toff raconte sa life ou pas, comme d'habitude. Hein. Eh bien, allez, vous faire foutre. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Eh, vous êtes marrant, vous, hein. Vous êtes un marrant. Bah, pourquoi vous me dites ça, monsieur? Bah, vous êtes un bouffon, en fait. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur? Que ça peut vous foutre, qu'elle a un gros clitoris ou pas? Bah parce qu'il paraît que les femmes qui ont un gros clitoris ont plus de plaisir que les autres, monsieur. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait chez vous, quoi. Ah, et moi je vais te demander, est-ce que toi t'as une grosse bite? Oui, mais je vois pas le rapport. Bah, moi, je sais pas, comme tu dois avoir des sérieux problèmes pour appeler les gens et demander des trucs comme ça, toi. Bah, non, monsieur, pourquoi vous voulez que j'ai des problèmes? Bah, t'as pas de cerveau, je sais pas, tu dois avoir des soucis dans ta vie, t'es pas heureux, je sais pas, t'es pas aimé, je sais pas, moi. Bah, si, monsieur, tout va bien, pourquoi vous dites ça? Bah, je sais pas, pour appeler les gens, alors que moi, je suis au travail, je suis tranquille, tu m'appelles, tu me demandes ça. Bon, bah, ma femme, elle t'emmerde. Bah, c'est pareil, moi, monsieur, j'étais tranquille, tout ça, et je vous appelle juste, voilà, pour savoir, quoi. Mais moi, ma femme, elle t'emmerde, voilà. Ah, oh, bah non, monsieur. Bah, voilà. Oh non, pas de ça entre nous. Ah si, il va y avoir de ça entre vous, là, attends, on va le rappeler. Bah oui, ça se fait pas. Note sa femme t'emmerde, hein. Bah, qu'est-ce qu'il en sait d'abord? Ah bah, il a peut-être demandé. Ah, je crois qu'il avait décroché. Allô? Oui, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une question, faut pas vous énerver. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis au boulot, tu me prends la tête. Mais pas du tout, je veux juste savoir si votre femme, elle a un gros clitoris, monsieur. Et toi, t'en as un? Bah non, moi j'en ai pas, monsieur. Ah ouais, mais bon, je sais pas, mais tu dois avoir des problèmes dans ta vie, en fait. Bah, pas du tout, pourquoi vous dites ça? Si, t'as un problème, je sais pas, ta mère elle t'a abandonné, elle t'a tapé contre le mur, je sais pas, moi. Bah non, est-ce pas du que tout. Tu as des hémorroïdes? Bah non, monsieur, je n'ai pas d'hémorroïdes, enfin pourquoi vous dites ça? Est-ce que ton père il a une grosse bite et ta mère, est-ce qu'elle a une gros clitoris? Bah je sais pas, faudrait lui demander. Bah appelle-la, tu me tiens au courant. Elle juste? Mais je vois pas le rapport, monsieur. Bah, je sais pas, tu m'appelles, tu me poses une question con comme ça, mais moi ma femme elle a rien à voir dans l'histoire déjà. Et puis, moi je vais te poser une autre question con, puis je t'appelle ta mère, tu demandes si elle a un gros clitoris et tu me rappelles derrière. Allô? Oui, allô? T'as une photo de ta femme à poil? Bah non, j'ai pas de femme moi monsieur. Bah t'en veux une? Ah bah oui, je veux bien. Ouais, bah attends, je vais t'envoyer ça tranquille et puis bah t'arrêteras peut-être de me faire chier. D'accord, et eh ben envoyez-moi quelques photos alors monsieur. D'accord, et puis bah à l'occasion tu passes le bonjour à Michael aussi, Michael de Limite, et puis tranquille et t'arrêtes de prendre la tête. D'accord, bah je lui dirai. Merci. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Oui, grillé donc voilà. Ça arrive même au meilleur. Hein. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux, non, c'est mais comme ce ça. Qui est connard de leur part, c'est qu'ils ont été jusqu'au bout et puis ouais. À la fin, Bon ben bonjour Mickaël, allez. Ouais, salut. C'est ça, mais oui, mais ils sont bien, ils sont bien. Bon, on en fera d'autres des appels tout à l'heure. Si vous connaissez des gens de Boisterci qui sont un peu vénères, ben n'hésitez pas hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Manon, on va enfin parler avec toi ma belle. Manon, 18 ans. Ma belle, combien mesures-tu Manon? On s'en fout, de toute façon, elle est déjà prise par deux fois. Bah et alors, comme ça sera trois fois alors. Combien mesures-tu Manon? 1m63. Combien pèses-tu? 80 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Je fais du 105 E. Ah oui, quand même. Wow. Ah ouais. Ah oui, E comme énorme. Ou comme enculé. Ah oh, pardon, ouais, excusez-moi. Comme enculé qui est off. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 44. Ah, il y a du volume. Hein. Mais mec, t'as vu ta gueule? Ouais peut-être mais il y a pas de volume. Non mais ça c'est, je le répète à chaque fois, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Mais c'est juste qu'il y a un moment le mec se permet des critiques. Alors encore c'est Brad Pitt. Le mec il arrive, il se pose, il dit toi t'es moche, toi t'es machin, toi t'es trop mince, toi t'es trop grosse. Bon c'est Brad Pitt tu vois, il a la gueule. Ouais. Mais quand t'as la gueule de merde de Tof, à quel moment tu peux dire attends. Eh bien moi je vais donner mon avis, moi je vais juger. Le mec il est quand même scandaleux. Bah attends, tu te permets bien de juger la cuisine, t'y connais rien. Moi je connais rien en meuf, j'ai le droit de juger les grosses et les mais mecs. Mais n'importe quoi, mais t'as vu ta gueule de con là. Oh là là, putain. Eh ben j'en mets une pour toi, tiens Manon, tiens rien. Voilà, je lui mets dans sa sale gueule, tiens. Voilà. Tu peux en mettre deux avec, avec un salme, elle m'arrache la tête. Hein. Avec plaisir. Bon Manon, alors ton histoire toi c'est que donc t'es une meuf à Lyon et t'as un mec à Paris. Non, une meuf à Paris et un mec à Lyon. Oui bon après on n'est pas dans le détail. Bon et donc du coup alors comment ça s'est passé? Donc t'habitais à Paris, t'avais une meuf, t'as déménagé à Lyon et t'as un mec. Donc c'est-à-dire que dans le train tu t'es dit tiens je vais devenir bi. Non même pas, je l'étais déjà en fait. Ah d'accord, ok. Avant de prendre le train. Bien avant de prendre le train. D'accord. Et alors, bah du coup, faut choisir, hein, ma grande. Et tu préfères quoi, la chatte ou la bite? J'aime les deux, en fait. Bah, prends les deux. Mais je suis sûr que ça leur plairait, en fait, de faire un ménage à trois. Bon, ça va savoir, hein. Moi, ma femme, si un jour elle me propose ça, je lui mets une baffe dans sa gueule. Ah, je plaisante. Non, mais en plus, le truc le pire, quoi, c'est que c'est tous les deux mes ex, en fait. Et que je repars. Attends, je comprends pas. Mais t'es avec. Tu sors avec ou tu sors pas avec? Si, je sors avec les deux, c'est deux de mes ex, mais je ressors avec. Bah oui, c'est normal. D'accord, donc t'es déjà sorti avec ces deux-là, et maintenant, bon après t'as fait autre chose, et là maintenant t'es de nouveau avec ces deux-là. Mais en ouais, même temps. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, et pourquoi t'en choisis pas un des deux en fait, tout simplement? Parce que j'aime les deux. Mais oui, mais on va choisir pour toi, on a une pièce. Mais non, mais t'as qu'à choisir celui qui est à Lyon, puisque t'es là. Ouais mais peut-être que je vais retourner à Paris et tout, enfin, c'est ça qui est compliqué en fait. Bah, en même temps ils ont déjà été ex. Ils ont déjà été ex une fois, ils peuvent être ex deux fois. Et puis trois fois, puis on dit. Non mais attends, ou alors comme tu dis que tu sais pas si tu vas revenir à Paris ou pas, bah laisse la situation comme telle, et le jour où tu sais si tu vas à gauche ou à droite, eh ben tu viens l'un des deux. Bah oui. C'est le plus simple. Bah. Et pour un mec, c'est moins grave de se faire tromper par une meuf, c'est vrai, par une double meuf que par un mec. Alors qu'un mec, ça peut bien le vivre. Ouais, un mec, ça le vit plutôt bien. Alors que je pense qu'une meuf qui se fait tromper par un autre mec, enfin tu vois, elle a son mec et son mec se barre chez un autre gars, elle va se dire ah putain, c'est ma faute, je l'ai rendu pédé. Ouais. Tu sais, genre, elle va se dire, elle va croire que c'est sa faute, tu vois, alors qu'en fait, c'est la faute de personne, c'est comme ça. Non, tu l'es ou tu l'es pas. Voilà, alors qu'un mec, si sa meuf se barre avec une autre meuf. C'est drôle. Bah, je sais pas si c'est drôle parce qu'au final, dans l'absolu, elle se barre. Non, mais en fait, c'est l'ego. Mais... L'ego est rassuré parce que l'ego est rassuré. C'est pas grave, elle va bouffer de la chatte. Ouais, c'est pas une même l'excité. Ouais, c'est pas une autre bite qui sera venue prendre sa place. Non, mais tu vois, c'est ça l'idée. C'est comme ça qu'on voit que les mecs sont quand même vachement plus barrés que les meufs. Hein. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas fini quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Bon, Manon, reste avec nous. On va essayer de trouver une solution, en tout cas d'avoir des avis. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec deux meufs ou deux mecs en même temps? Comment vous avez fait pour choisir, etc. Venez nous en parler maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique, c'est le numéro du standard de fun. Eh ben, je vous attends. Et puis, tiens, Manon, est-ce qu'il y a une série que t'aimes bien, toi, une série télé? Bah, Non, je regarde pas trop la télé, moi, en fait, j'aime pas ça. Bah, moi non plus, moi je regarde sur internet, mais bon, moi, absolu. Moi par exemple, je suis fan de Californication. Ah ouais, Californication, c'est pas mal. Il y a une nouvelle que si je peux me permettre, Banshee. C'est énorme. Ah, t'as vu, hein? C'est énorme. Là, j'ai, en fait, je regarde. C'est que du cul et de la, et du cul et de la violence. De la, et de la, et alors, ce qui est marrant, c'est que tu sais que l'épisode. Attends, balance pas trop d'eau. Balance de rien, toi. Non, je rebalance rien. Parce que Polo, il a pas démarré encore. Tu sais que l'épisode va être hardcore parce qu'en fait, normalement, la plupart des épisodes de la série sont à moins de 12. Ouais. Et t'as des épisodes qui sont à moins de 16. Et donc là, tu sais que ça va être. T'as déjà vu la prison? Ouais, moi j'ai vu toute la première saison. Et vous, je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais il y a une série que j'adore, je regarde souvent. Lucky Luke. Non, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Non, mais t'es sérieux? J'adore, moi. Non, mais tu te fous de ma gueule? Non, sérieux? Non, la Petite Maison dans la Prairie. D'ailleurs, il y a Monsieur Olson qui est mort il y a pas longtemps. Ah oui, paix à son âme. Ouais. Non, mais j'adore. Allez, pour Polo. C'est parce que Polo, ça lui rappelle la vraie vie de famille comme il la voit. Ah, oh, j'adore ça. Oh, oh putain, la honte. Mais tu sais que je la vois, enfin je la vois depuis des années, ce truc. Bah oui, mais sur M6 t'as pas le choix. Mais, de toute façon, ça fait 150 ans qu'ils diffusent les mêmes épisodes. Non mais c'est vrai, parce que c'était, je crois que c'était la troisième ou la quatrième fois qu'ils rediffusaient depuis le début. Mais oui, ouais. Mais c'est comme les vieilles séries comme Dallas et tout ce truc qui a déjà été diffusé 150 000 fois. Mais bon, c'est facile, c'est pas cher à diffuser. Ah bah oui ça. Bon, non, dites-nous, je vous posais la question en fait parce que il y a des séries qui se sont arrêtées, on râlait, etc. etc. Et ouais, donc du coup Fast Forward. Ouais putain, franchement la première saison de Fast Forward, ouais, elle était géniale, scandaleux. C'est ça, j'ai été con parce que quand j'ai commencé je savais que c'était fini, mais j'ai quand même commencé et donc forcément j'étais frustré à la fin de la première saison, enfin de la seule et unique, et après ils ont arrêté. Et donc je voulais savoir s'il y avait des saisons comme ça qui des séries qui s'étaient arrêtées, vous aimeriez bien que ça redémarre, donc comme Heroes qui va reprendre en 2015. Oh c'est bon ça. Ouais, Heroes va reprendre en 2015 avec Aiden Panettiere, c'est ça. Ouais, la cheerleader. Enfin, la pom-pom girls. J'ai pas compris pourquoi en France on avait dit pom-pom girls, parce qu'au final c'est toujours aussi anglais que. Oui, mais. Que, bon. Tu vois, c'est alors que la cheerleaders à la base, enfin bref. Donc dites-nous, quelle est votre série préférée et surtout, quelle série s'est arrêtée et vous aimeriez bien qu'elle reprenne. On va en parler dans quelques minutes. Il y avait Dirty Sexy Money, c'était énorme. Ouais, c'était bon, ils ont fait deux saisons malheureusement, ils se sont arrêtés là, c'est dommage, mais c'était plutôt pas mal, effectivement. Bon, reste avec nous Manon, j'ai aussi démarré la. Under the Dome. Non, The Following. Ah c'est quoi ça? C'est énorme aussi de Following, c'est et puis Under the Dome aussi, les démences. Bon, on va en parler sur les séries, je vais démarrer, vous allez voir. Et puis merde, on va écouter Damn aussi avec Nicki Minaj dans quelques instants et Dust sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je vous mets le post également sur le Facebook de l'émission et Twitter pour donner vos avis par rapport aux séries. Je vous mets ça maintenant sur Fun Radio, il est minuit 56. Bienvenue, c'est Mikael, no limit. Jusqu'à 2h. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. Si Mikael et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mikael No Limit. En 2014, ils sont en liberté. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, toujours en direct sur Fun minuit 59. Allez, venez débarquer sur Fun Radio. On est là tous les soirs de 23h à 2h. Et on parle des séries là. Quelle série vous kiffez le plus? Alors moi franchement, celle que si je dois en choisir une, putain, je sais pas. Franchement, il y en a tellement que j'adore. Là, je peux pas choisir une série en particulier. Alors moi j'avais adoré Jericho qui a stoppé vite fait. Ils ont fait une saison 2 pour faire une pseudo fin. Sinon il y a The Shield. Ah ouais, The Shield. Ah, je déteste The Shield. Ah, j'adorais moi The Shield. Bah c'est fini maintenant The Shield. Ah bah sinon évidemment il y a Homeland qui cartonne pas mal. C'est Andreas qui proposait ça, Mafiosa et Bracco. Les deux dernières saisons là, moi j'ai trouvé, enfin c'était de pire en pire quoi. Bah en même temps il y en a que deux pour l'instant. Non, il y a trois là. C'est en troisième? Là c'est la troisième, ouais. Ah oui, mais j'ai pas encore commencé la troisième. Pour nous c'est la troisième. J'ai pas encore commencé. Regarde Calin, c'est le début. C'est vrai. Il y a Fatima aussi qui dit Gossip Girl, Ugly Betty, j'ai pas vu. Desperate Housewives pour les gonzesses, j'ai pas vu. Et Homeland, ouais. Il y a Contaminated qui dit mes séries préférées, Game of Thrones et Breaking Bad. Alors Breaking Bad, évidemment, je pense que c'est une de mes préférées, Breaking Bad, clairement. Donc Jericho, j'avais déjà lu. Dexter également. Ah ouais, bien sûr. Dexter, j'ai adoré. Quoique un peu décevant la fin, mais bon, il fallait bien faire une fin, donc quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive, on allait être déçus de toute façon, puisqu'on t'attend à une fin de ouf, et puis au final, ben voilà, t'es emmerdé quoi. Jurus qui dit moi j'avais adoré Jericho, j'aurais bien aimé une suite à Veronica Mars également, jamais vu. En fait, c'est une bonne. Trop bien. Il y a Orgasmi qui dit ma série préférée, The Walking Dead. Grâce à ça, j'ai appris comment survivre en cas d'attaque de zombies. Ouais, tout le monde m'en parle de The Walking Dead et pourtant j'ai pas encore regardé parce que je sais pas, les trucs de zombies, je suis pas trop fan à la base. Ouais, vampire zombie, moi je suis pas fan non plus, hein. Vampire Diaries. Mais tout le monde m'en parle, tout le monde Il y avait quand même Buffy contre les vampires. Ouais, ouais, c'est pas pareil, là je me branlais en regardant Buffy. Ah. Bon. Elle a refait une autre série qui s'appelait The Ring qui était pas mal et c'est pareil, ça a été arrêté après la première saison. Il y a Anto qui dit ah oui, je veux une saison 2 de Under the Dome parce que M6 nous a laissé sur une fin what the fuck. Oui, mais alors Anto, c'est parce qu'en fait, ils attendent que la deuxième saison soit livrée. Hein. Ils n'ont pas décidé de te laisser sur ta fin juste comme ça. C'est juste qu'elle est encore en tournage la saison 2, donc du calme, ça va arriver. Pieces qui dit je suis à 1000% fan de la série Once Upon a Time. C'est quoi Once Upon a Time? C'est des contes. C'est comme des contes de Grimm. Ah ouais. Tu vois, c'est toutes les histoires. Si, il y a la belle, enfin, il y a plein de. Enfin, voilà. Ah ouais, d'accord, ok, bah merci. Grâce à ça, au moins, on en sait plus. Mais c'est plus pour les meufs, hein, ça. Ouais. Alors, il y a Karine qui dit NCIS ou alors House of Cards. House of Cards, j'ai regardé le début, moi, je trouvais ça chiant. Non, elle est énorme cette série. Et Following, alors ça, j'ai démarré Following, j'adore aussi, c'est énormissime. Johan qui dit la série Ringer, que je kiffe avec Ringer. Sarah Michelle Gellar. Mais la série s'est arrêtée au bout d'une saison, dommage. Lie to Me également, pour Serge, oui, j'ai bien aimé aussi ça. Fred S34, ma série préférée, Un gars, une fille, Friends, Sex and the City, How I Met Your Mother. Alors, How I Met Your Mother, je suis d'accord, même si ça attire un peu en longueur là, mais les autres, bof. The Following, ça déchire. Adam qui dit, c'est Doctor Who, ma série préférée, ça passe toujours et ça a commencé en 1963. Putain, ils ont dû changer mille fois les acteurs. Clair. Et alors Aurore qui dit ma série préférée actuelle, c'est Plus belle la vie. Et celle que j'aimerais revoir, c'est Prison Break. Oh putain, Prison Break, ça a mal vieilli, ça a mal fini. C'était une horreur. Sur la fin, au début, ça cartonnait. Alors Plus belle la vie, bon, je vais pas en parler. Moi, je déteste ça, mais je respecte ceux qui aiment. Et le prince Nadia qui dit moi, c'est Arnold et Willy. C'est très vieux. Attends, je vais voir si. Même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Ah, le générique est des coquilles. Attends, attends. Mais il chante pas? Ah, il y a pas la. Non, il y a pas la chanson. Ah merde, c'est les versions sans les paroles. Ah si. Ne marche pas. Et même si la terre est ronde. Quel souvenir. C'est là que tu vois que la série est vieille, hein. Le son là. Ah, parce que si on va... à l'époque en France, ils doublaient le. Enfin, ils faisaient des génériques pour la France. Ouais. C'était en français, tu vois. Ils ont refait avec Prison Break et Faflarage, ça. C'était pas terrible. Ouais. Après, ils ont dit qu'ils allaient arrêter. En même temps, c'est mieux. Ma série préférée actuelle, c'est. Oui, j'avais déjà vu autant pour moi pour Plus belle la vie. La nouvelle. Vivement la nouvelle saison de Under the Dome. Oh putain, elle va arriver en septembre seulement, une galère. Et Julie qui dit La petite maison dans la prairie. J'ai vu ce matin, ils refont sur M6. Bah oui, comme d'habitude. Alors, t'inquiète pas, dès qu'ils auront fini La petite maison dans la prairie, ils vont se faire. La magicienne. Comment elle s'appelle, celle avec son nez, là. Ma sorcière bien aimée. J'adore ma sorcière bien aimée. Putain, laisse tomber la sorcière bien aimée. J'en peux plus, là. Avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouais, elle l'appelle comme ça. La grand-mère. Ah, la grand-mère, oui. Elle exactement. L'appelle comme ça, il disparaît, j'adore. Complètement. Avec bon, Tabata et puis. Avec Tabata, c'est la petite, ouais. La petite, elle s'appelle. Ah, oh, j'adore. Ah, bah oui. Bon, alors Wilfried avec nous de Clermont, là, 30 ans. Salut Wilfried. Ouais, salut. Comment ça va? Salut Mickaël. En forme? Salut, ça va. Ouais, tranquille. Bon, alors ta série préférée, c'est quoi, toi? Ah, c'est 24, 24. Ah oui, ah, oui. C'est énorme. Et ça va revenir, là, 24, là. Ouais, mais ça sera plus en 24, ce sera en 12 épisodes. Ça sera en 12, ouais, la moitié, quoi, en fait. Ah, bah oui, mais c'est cher, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont faire deux heures dans une heure. Ah, ouais. Rapatrié en Europe, apparemment, je crois que ça va se passer à Londres. Enfin, oui, ouais. Apparemment, ouais. Ouais, mais j'ai peur que ce soit un peu chiant. Mais, enfin, c'est bizarre parce qu'au départ, ils voulaient en faire un film, et maintenant, ils en refont une série. Enfin, c'est ouais, ouais, ouais, bah, ils se sont rendu compte trop, que, ouais. que ça ramenait de l'argent, quoi, tu ouais, vois. Ouais, mais enfin, ils en ont quand même fait neuf, et je trouve qu'à la fin, c'était vraiment, tu vois, genre Jack Bauer, c'est le monde peut pas se passer de lui, quoi. Ouais, alors à la fin, c'était relou. Non, ça devenait vraiment trop lourd. Ouais, les premières saisons étaient vraiment bien. Au tout début. Parce que tu sais, c'était la première fois que t'avais vraiment genre une journée qui s'arrêtait pas et c'était bon bien. C'est juste qu'en Europe on se faisait un peu. Alors ceux qui téléchargeaient c'était encore pire parce que tu sais c'était soi-disant une journée de la une heure, enfin heure par heure, tu vois, 24 heures, c'était les 24 heures, c'était la journée complète de Jack Bauer. Sauf que bah il y a un moment, si t'es pas aux États-Unis et que tu te ramasses pas les 25 minutes de pub par épisode, après tu te dis attends, ils nous ont enfumé là, en fait ça fait 40 minutes. Bah oui, mais en fait c'est ça, ouais. Parce qu'en 40 plus, minutes à chaque fois. Canal, il faisait un truc qui était super bien, c'est qu'il diffusait en fait sur 22 heures en fait la série, tous les épisodes les uns derrière l'autre, les autres. Donc tu pouvais regarder. C'est difficile à dire. Ouais, c'était pas facile. Ouais, c'est la lecture. Mais donc du coup, tu pouvais regarder. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans, parce que je tombais une fois, genre en pleine nuit, et je me suis rendu compte qu'il était 7h du matin, j'étais toujours devant, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est clair, j'avais du mal à lâcher aussi. Sinon, il y avait 30 Walk aussi, ça c'était rigolo. Big Bang Theory, c'est rigolo aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Breaking Bad, on l'avait dit. Californication, pareil. Il y avait quoi aussi? Ah, une nouvelle série apparemment pour Gonzès que j'ai pas encore vue. Devious Maids, apparemment. Ah, mais ça commence là, ça veut dire. Ouais, ça commence. Ça commence là en France, mais elle vient d'être diffusée. Et c'est écrit par Eva Longoria. Ouais. C'est elle qui a écrit le truc. Alors Dexter, Elementary, j'aime bien aussi. Ah oui, avec Sherlock Holmes. Avec Sherlock Holmes, exactement. Entourage aussi, c'était énorme. Entourage, ouais. Avec quoi? Il y avait Fringe que j'ai bien aimé également. Il y avait Glades, Hawaii Five-O, ça démarre, ça continue sur M6. Homeland, on l'avait dit. I Met Your Mother, on l'avait dit. Scandal, j'ai adoré. Suits également. The Following, The Good Wife, j'ai bien aimé. Mentalist, Under the Dome et Weeds. Voilà. Scandal, là, c'est ils diffusent les deux derniers là cette semaine, je crois. Exactement, ouais. Donc je vais être dessus. Ne vous inquiétez pas. Wilfried, toi, une autre série préférée? Après c'est des trucs à la con parce que moi j'adore les soap opéra, donc comme quoi? Bah c'est les feux de l'amour, quoi. Oh, quel horreur! Oh là là! Mais non, mais oh, attendez, les feux de l'amour! Oh, le truc qui dure depuis 2000 ans! Putain, mais tu sais que les feux de l'amour, j'ai toujours un gros problème avec cette série, parce que je trouve ça dégueulasse. Déjà, deux choses. Déjà, entre le moment où c'est-à-dire que la personne qui a regardé les premiers épisodes ne sera plus là pour voir la fin. Non mais c'est vrai, le truc ça fait 30 ans que c'est là, tu vois, c'est ceux qui ont commencé, ouais, ils avaient 60 ans. Tu peux le transmettre à tes enfants. Mais non, ouais, mais justement, c'est-à-dire qu'ils arriveront pas, quoi, t'imagines, c'est une horreur. Juste petite pause, à combien d'épisodes pensez-vous qu'ils sont? Mais ils sont au 20 millième, je crois. Non, sérieusement, ils en sont à peu près au 30 millième et quelques. Non, vous exagérez un peu, ils sont au 10 224e. Non mais 10 000, la 41e saison. 41 ans, tu vois, j'avais dit 30. C'est qu'il y a des acteurs qui sont morts. Non mais c'est ça. T'es même tanné. Mais c'est clair. Non mais imagine. Alors pour ceux qui connaissent pas, ils ont en 73. Voilà. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, on va essayer de faire un petit rôle là. Vous allez voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Feux de l'amour, alors je vais essayer de trouver la musique. Je sais pas si on l'a les Feux de l'amour, malheureusement. Oui, tu l'as. Ah non, je l'ai pas, non. Ah c'est Amour, gloire et beauté. Alors, c'est pas pareil évidemment, mais. Enfin c'est le même délire. Ouais, hein, ça... Non mais ça se voit. Hein. Voilà. Mais le matin au petit déj, c'est très bien ça. L'horreur. Attends, on va jouer. Alors tu sais, dans la série là, ils font même plus les précédemment dans Amour, gloire et beauté, parce que sinon ils s'en sortent plus. C'est-à-dire que ça dure l'épisode complet pour écouter ce qui s'est passé juste avant. Voilà. Donc là, on arrive à la fin du générique. Et puis après, donc on arrive souvent dans un bureau. Hein. Salut Steward. Oui, Bruce. Comment ça va? Ça va, Bruce. Mais n'étais-tu pas là hier, Bruce? Si, mais je suis revenu. Et seras-tu encore là demain, Bruce? Très probablement. Écoute, Steward, il fallait qu'on se parle. Non, Bruce, je ne peux pas entendre ça. Pas bon, aujourd'hui. Et il y a un mec qui rentre, il dit... Comment elle s'appelle? Juste, comment, un nom américain? Brenda. Est-ce que vous avez appris que Brenda est enceinte? Steward, qui est ce monsieur? Je ne sais pas, Bruce. Monsieur, présentez-vous. Je suis Victor. Hello, Victor. Victor à la moustache, là. Ah, très bien. Nice moustache. Brenda est enceinte et je veux savoir qui est responsable de ça. Je ne suis absolument pas responsable. Donc là, il s'est marqué sur son front que c'est lui qui est le père. Hein. Je ne suis absolument pas responsable de ça, Victor. Mais je ne savais pas que Brenda avait déjà fait l'amour. Mais Brenda a fait l'amour, bien sûr qu'elle a fait l'amour. Et avec qui? Mais avec Gérard. Mon Dieu, mais que va dire le patron? Et qui? Que va dire Roger? Mais Roger, le grand patron de la firme de pétrole? Roger est mort dans un accident de voiture. Quoi? On soupçonne. Quoi? On a l'impression... C'est pas vrai. Steward, je suis sûr que Victor a tué Roger pour prendre sa place à tête de la compagnie. Mais je pense que c'est Steward qui a tué Roger. Oh l'enfoiré. Mais Bruce... Tu ne vas pas croire cet inconnu que nous ne connaissions pas il y a même pas 452 épisodes. Je suis Victor. Qui est là? Je ne sais pas. Allons voir à la porte. Non, attends. Parce que nous avons toujours un intrus dans le salon, que nous ne savons toujours pas qui c'est. C'est Victor, c'est le nouveau patron de la compagnie. Comme Roger est mort maintenant, il faut qu'on prépare son acte de décès. Bon alors là vous voyez, donc là l'épisode est passé complètement, hein, ça fait 45 minutes en vrai, hein, qu'on est là-dedans. Et que va-t-il se passer? Eh bien dans 300 épisodes, il y aura l'enterrement de Roger, ouais, le patron de la compagnie. Et peut-être que Brenda aura fait une fausse couche. Et l'angoisse totale, c'est saut, putain. Et 6000 épisodes après, Roger est en vie. Oui, on s'est rendu compte en fait qu'il s'est barré. Comme dans Dallas, où les mecs meurent, reviennent. Et reviennent et surreviennent. Oh, putain, et Dallas aussi, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est-à-dire que l'autre qui veut tuer tout le monde, là, au final, c'est lui qui est mort. Ah putain, oh là là, JR. Ça c'était mon angoisse quand j'étais petit. Ah ouais, c'est putain. Ça. Quand ma mère regardait ça. Oh là là là. C'est bon ça. Las, ton univers impitoyable. Oh, oh putain, là. Vous imaginez quand j'ai été au Texas un jour, j'ai été là, j'ai dû envoyer une photo à ma mère. Parce que sinon, elle allait me scandaliser, j'ai dû aller devant le ranch. Je passais pour un con, j'étais là, bon allez, je fais une photo, ça lui fera plaisir, je lui envoie. Ah, c'était génial. JR qui passait à boire son verre de Sky. Non, il était déjà mort, lui. Bon, donc toi, t'aimes bien les soupes. Alors d'accord, ok, pourquoi pas pour les soupes, hein. Faut prendre ça comme un anxiolytique, quoi. Tu vois, le soir, au lieu de boire une tisane pour t'endormir, ben. Ah ouais, non. Quoi. Comme ça. Bah alors, je préfère regarder Dallas pour m'endormir, hein, que moi, je l'aurais botté, là. Ça, c'était angoissant quand même, hein. Bon, il y a Laurine qui dit oh my god, je meurs, les feux de l'amour version Mickaël. Non, mais c'est tellement ça en plus. Hein. Doudou qui dit pitié Mickaël, enlève cette musique, ma mère regarde tout le temps, c'est horrible. Et Nespa qui dit ma série préférée, je pense que c'est Friends, c'est la seule que je peux revoir en boucle et qui me fait toujours rire. Alors oui, mais ça a quand même putain mal vieilli, hein, je trouve. Quand ouais, tu regardes un épisode aujourd'hui, tu dis oh putain, c'est haut, c'est chou quand même. Et Margot du 26 qui dit mort de rire, j'en ai mal au ventre à force de rire. Mais écoute, tant mieux. Bah merci Wilfried en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux, hein. Sans souci. Salut Wilfried, à bientôt. On aura Terry, Natacha, Dorian et Adam dans quelques minutes pour parler des séries. Vous êtes à tout le monde là, cette heure-ci ? Putain, c'est le grand vent quand même. Allô, il y a quelqu'un ? Oh putain, là, oui, on l'a bien senti. On l'a bien senti le vent passer là. Oui. Ah, Terry, Natacha, Dorian et Adam, vous êtes là ? Oui, on est là, oui. Eh ben voilà, vous voyez, deuxième fois ça marche mieux là, très bien. Bon, restez avec nous, on va parler des séries dans quelques minutes. On va récupérer Manon également, on a besoin de vous. On a besoin d'un coup de main pour Manon. Elle a une meuf à Paris, elle a un mec à Lyon et bah elle doit choisir l'un des deux. Et je voulais savoir si vous aviez déjà eu des relations extra-conjugale, comment vous avez fait pour choisir, venez nous filer un petit coup de main, enfin surtout à Manon. 01 42 48 5000 02 851 4x0 par téléphone. On attend tous vos messages évidemment, vous pouvez aussi nous joindre par SMS, hein. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Voilà pour nous joindre, n'hésitez pas sur le Facebook également et on écoute le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy. Bonne nuit tout le monde. It might seem crazy what I'm about to say. Clap along if you feel. Allez, bonne nuit sur Fun Radio, 1h16, Mickaël No Limit, et on est là jusqu'à 2h. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mais oui, venez. Et comptez les têtes de cons, et Dieu sait qu'elle a beaucoup à compter, hein. 1h17 sur Fun Radio, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique pour parler avec nous. On parle des séries télé également, là. Il y a John Le Rouge qui dit Walking Dead, Son of Anarchy, Homeland, Vikings, Spartacus, j'adore. C'est marrant parce qu'il s'appelle John Le Rouge, mais il a pas mis de Mentalist dans sa liste. Alors que c'est quand même le truc de Mentalist, John Le Rouge. Il y a Kesha qui dit c'est quand même cool que vous soyez là pendant les vacances, sinon on s'ennuierait. Bah merci Kesha, bah merci d'être là aussi vous, hein. Il y a BO ou Bog qui dit s'il y a une radio que je peux écouter H24 sans m'en passer, c'est bien fun et ça c'est grâce à Mickaël No Limit. Bah merci Bog, bah en même temps on est là 3h nous, mais c'est cool d'écouter Fun toute la journée. Et Wendy qui dit trop bon le remake d'Amour, Gloire et Beauté là, beaucoup plus prenant que l'original et moins casse-tête. Ouais, et plus court, t'as remarqué aussi, hein. Kesha aussi, ça fait 20 ans que ma grand-mère regarde cette série, elle la déteste mais elle reste à la regarder à 14h05 tous les midis. Ah ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça le concept, hein, c'est ça le concept, c'est clair. Julie aussi, mais j'ai une bonne nouvelle, ma sorcière bien-aimée passe sur Gulli vers 14h, Polo. Ah, d'accord. Ah ben, voilà, vous allez regarder Gulli maintenant. J'adore. Abdou qui dit, il y a une vieille série que je kiffe. Ah, j'ai détesté Agence Tourisme. Oh si, oh, c'était bien, ah, moi je déteste ça. Il fabriquait des trucs, Barracuda. Ah ouais, j'adorais ça avec des Kalachnikovs. Oh. Alors, j'adore. Et Jordan aussi sur le Facebook, il dit Stargate, les trois volets. Ah, ça non plus, j'aime pas. X-Files, j'ai jamais regardé non plus, j'aime pas. Game of Thrones, j'aime pas non plus. The Walking Dead, j'aime pas non plus. Bon, on n'a pas du tout les mêmes goûts, Jordan. Mais après, nos malaises. Hein. Bonsoir, Fun. Je suis nouvelle, c'est Rosa. Est-ce que j'ai droit à un message de bienvenue? Bah, évidemment, Rosa, avec grand plaisir. Alors attends. Je vais t'en mettre un directement et je vais t'en mettre un beau, tiens. Ça te plaît, cochon petit. Enculé, écoute-moi bien, petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltring, au baltring, petit. Ah, il était un peu énervé, effectivement, le monsieur, peu. Là, voilà, Rosa. Et Christophe également, bah, à la place de la petite maison de la prairie, ils vont mettre Dr. Queen. Oui, c'est ça, en fait. Ah, oui, et Dr. ça va tourner, ça va tourner. Il y avait Terrefall aussi, trop bien, ma sorcière bien aimée. Et Nicolas qui dit Hawaii Five Zero, donc pour les séries préférées. J'ai bien aimé, bon, ça va, c'est une série sympa, tu vois. Tu te prends pas la tête non plus, tu regardes et puis t'es à la cool. On va prendre, où est-ce qu'il est, Thierry avec nous maintenant, là, de Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise. Salut Thierry. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Bon, alors, c'est quoi, toi, ta série préférée? Pour l'instant, je suis en mode The Walking Dead, là. Ah, Walking Dead. Alors, essaye de me vendre le truc, parce que on m'en a parlé, j'ai jamais encore regardé ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est bien dedans, là? Pourquoi est-ce que je devrais regarder, tu vois? J'ai un peu de mal, le coup des zombies, tout ça. Je suis pas trop zombie, pas trop science-fiction, à la base. À part Fringe, que j'ai bien aimé, mais pour le reste, bof. Tout est bien, en fait. Le suspense, il est présent, et tu vois les gens essayent de survivre. Ça donne vraiment envie de suivre, en fait. Ouais. Je sais pas, ils en sont en quelle saison là? Walking Dead? Je crois que c'est la troisième. Quatrième, ouais. D'accord, ok, bon, très bien. Et je vais regarder. Quatrième saison, Walking Dead. D'accord, bah je vais commencer à regarder et puis je verrai, tu vois, au pire c'est nul et puis après j'arrête, hein. Mais c'est juste que j'ai un peu de mal, mais peut-être que je vais tomber dedans, hein. Fringe aussi, c'est science-fiction, c'est complètement barré. Et pourtant j'ai bien aimé, alors pourtant c'est complètement barré avec un monde parallèle, tout le bordel, enfin c'est n'importe quoi. Mais finalement j'ai bien aimé aussi, donc why not. Et toi, Natacha, de Ronchamp dans Haute-Saône, salut Natacha. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, c'est quoi ta série préférée, toi, Nat? Physique ou chimie. Physique ou chimie, c'est quoi ça? Oui, et Skins. C'est quoi? En fait, physique ou chimie, c'est une série espagnole qui parle un peu de cul, en fait. Ouais, ça. Physique ou chimie. Ça ils appellent turc. Ça comment en espagnol? Non, ils parlent de cul. Français. Non, ça parle de cul, elle dit. Oui, ça parle français. Et en espagnol, c'est quoi la version, le nom original? Bah, physique ou chimie, moi aussi. Que la claro, que la parto. Ah, la verdad. La verdad. Si, hola, que tal. C'est quoi ce que si dit, non? Que rico. Que rico. Hola, que tal. Hola, que tal. Está bien. Muchas gracias. Voilà. Bon, bref, on a fait notre dose. Notre, c'est tout ce qu'on connaît en espagnol. Bah, c'est en tout même ce temps qu'on connaît. Il y a Fun Radio Espagne qui nous a demandé d'aller faire l'émission là-bas, mais bon, on est un peu limité, ouais, en termes de. En termes de vocabulaire. Bon, donc toi t'aimes bien ça. Alors je n'avais jamais entendu parler de cette série, Natacha. Ça passe où? Sur June. Ah oui, bah y a peut-être une raison alors. Peut-être pour ça que j'avais pas entendu parler. Mais non, mais c'est vraiment bien. Ben ouais, c'est des adolescents qui sont dans un lycée, puis bah, en fait c'est juste parce que. Et puis alors ils doivent choisir entre physique ou chimie, quoi, c'est ça? Ben, en fait, ouais, je sais pas, parce que ça se passe dans un lycée peut-être. Ah ouais, d'accord, ok. Mais à quel moment ils choisissent entre l'un ou l'autre? Je sais pas. Ah d'accord. Bah, je pense que physique c'est parce qu'ils font souvent l'amour, puis chimie, bah je sais pas. Ah ouais, bien. Est-ce bien. Putain, ça doit être chelou comme série. Ça doit être chiant comme série. Non mais après. Et il pourrait pas plus, mettre ou français aussi. Ouais, et en plus, et vu comment tu nous l'as vendu là, je peux te dire que. Ah non, on est déjà en train de la télécharger là. Ah bah, oh là, ah bah il va regarder direct la physique ou chimie. Ils en sont à quelle saison? Ah bah la 63ème. Ah merde, putain, d'accord. Et nous on aime quand il y a de la baise, quand ça tue du lézard, quoi. Bon bah regardez Banshee si vous aimez le cul et la violence. Là. Regardez Banshee, mais attention, pas si vous avez moins de. Allez, on va dire 12 ça ans. Ça dépend des épisodes. En fait, ça dépend des épisodes, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes, si t'as 15 ans, tu peux pas les regarder. Ouais, ouais. Alors, il y a une demoiselle dedans qui est très charmante. Il s'appelle Rebecca. Ouais, il y a Rebecca qui est charmante. Il y a Carrie aussi qui est pas mal. Ouais, je suis pas fan. Hein. Ah, ouais, je suis. Ah, non, je suis pas fan de Carrie, moi. Bon, si vous avez regardé, vous savez de quoi on parle. Sinon, allez-y, allez regarder. Hein. Et même la flic, canal, moi, je trouve, elle est sympa. Ouais, la flic est sympa, en effet. Bon, enfin, bref, on en dit pas plus. Bon, attends, il y a Dorian aussi qui est avec nous. Salut, Dorian. Oui, salut l'équipe. Comment ça va? T'es une fille? Bien. Bah oui, elle s'appelle Dorian et c'est une fille. Dorian, c'est quoi ta série préférée, toi? C'est Skins. Skins? C'est quoi? Ah oui, Skins? Si, c'est sur les ados anglais qui. Enfin, c'est. C'est quoi? C'est juste où c'est surréaliste. Ah ouais? C'est-à-dire, enfin, je veux dire, c'est beuverie, drogue, sexe en permanence, quoi. Ah oui, bah voilà, ah c'est les anglais, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de. Il tue pas de vampires là-dedans. Non, oh, non, bah, non j'aime là-dedans, pas. Non. Et alors, pourquoi t'aimes bien Dorian, toi? Bah je sais pas, les histoires, enfin je sais pas, je trouve ça bien. Ouais, non, mais d'accord, mais, essaye de me convaincre de la regarder. Imaginons que je n'ai jamais vu, parce que c'est le cas d'ailleurs. Et pour le coup, dis-moi que c'est top et qu'il faut que je la regarde. Pourquoi il faut que je la regarde? D'accord, ok, bah, je vais regarder. Mais tu m'as convaincu là. Ce que j'ai pas aimé dans Skins, c'est que c'est une série anglaise et que, comme toutes les séries anglaises, t'as plein de moments de latence où il se passe rien. Et puis, d'un coup, comme ça, tu sais pas pourquoi ça s'emballe, t'as des scènes de ouf où il picole ou machin, où c'est. Il se passe un truc dingue. Et puis après, de nouveau, c'est de nouveau tout lent, il se passe rien, tu les vois dans la rue. C'est bizarre la façon dont ils font leur série. Ouais, c'est bizarre. Sinon, il y en avait une que j'avais bien aimée, moi, c'était ça. Alors, est-ce que quelqu'un va trouver le nom de la série? House? Non. Ah ouais, House, j'avais bien aimé aussi, ouais. Ça vous parle ou pas, là, Natacha? Une idée? Pas du tout. Non? C'est pas avec une pomme, là, le générique? Une pomme? Y a pas une pomme dans le générique? Oh, je sais plus, c'est pas Desperate Housewives. Non, c'est pas Desperate. Et c'est avec Dexter. Enfin, c'est avec l'acteur... Ah, Six Under. Ouais, exactement, ouais. Michael, je sais plus comment il s'appelle. J'ai détesté cette série. Oh là là, c'était énorme, j'ai adoré. C'est des croque-morts. C'est rigolo. Oh, moi, j'ai bien aimé, ouais. Oh, ils sont complètement barrés. Bon, après, c'est un peu long, hein, je l'admets. Ouais, faut dire ce qui est, c'est vrai que c'est pas le truc le plus rapide du monde. Il y en a une qu'on aimait bien aussi avec Toff, c'est Nip Tuck. Ah oui, Nip Tuck, ouais. Oh là là. Ouais, il y avait Nip Tuck, ouais. Si vous voulez vous faire une idée de la série, regardez le premier épisode, première saison, quand Christian Troy, il se fait. Putain, l'anglais pourri, ouais. Christian Troy. Ouais. Et il rencontre pour la première fois Kimberley qui va rester pendant toutes les saisons quasiment. Et donc la première scène, c'est il lui dessine tout ce qu'elle a en trop sur le corps et lui dit ouais, si tu veux, moi je vais te faire un corps de ouf. Et il prend un feutre et il lui fait tout le corps et il lui dessine tout ce qui va pas. Tu devrais aller le voir. Mais j'y pensais. Et derrière, forcément, il la baise et il se fait des rails de coke sur son cul. Mais c'est. Oh là là, cette scène là là est juste là mémorable. Bon, et sinon, il y a Nespa sur Twitter qui dit physique ou chimie, c'est super pourri. Une série sur des profs et des lycéens bien bidons. c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nespa, c'est pas moi. Hein. Bah, merci Thierry, Natacha et Dorian d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Pas de problème. Salut à vous, bye bye. Et on aura aussi dans quelques minutes, enfin dans une demi-heure hein, maintenant, Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. Exactement. Et on va récupérer Manon là qui a toujours son dilemme. Elle a un mec sur Lyon, une nana sur Paris. Elle habite à Lyon pour l'instant. Elle ne sait pas du tout lequel ou laquelle choisir. Il y a Cricri également qui dit fais pas ci, fais pas ça. Clem, Once Upon a Time. Ou encore Under the Dome. Ça j'adore, Under the Dome. Ariel qui dit personne n'a cité MacGyver. C'était quand même. Moi, j'adore. Série ultime. Richard Dean Anderson, tu peux pas test. Ah non, et, clairement non. Ouais, Eric aussi qui dit j'ai adoré la série V, l'ancienne série des années 80, pas la plus récente. Et alors DJ Enzeo qui dit Dr House, j'adore son cynisme, le mec est énorme. J'avoue que j'ai bien aimé également aussi. Et Axel qui dit plus belle la vie, c'est une série de fils de pute. Quoi Axel? Notez l'argument. Et alors Sarasvati qui dit les contes sont revisités. Tu as Pinocchio, Blanche-Neige dans Once Upon a Time. Ah d'accord, ok, bah je savais série pas très bien. Fils de pute, j'adore. Complètement ridicule. Bon, retour avec Dominique dans quelques minutes. Adam, Octave, Marion, vous toutes et vous tous en direct, bien sûr. Les appels de Toff qui vont débarquer sur Fun Radio. Ce sera juste après ça. Fun Radio. Nickel, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Eh ben juste après Britney Spears. I'm blind from the tears that fall like rain. So it's not Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et toujours en direct, évidemment, hein, on est là, il est 1h31, on est là en mode tranquille, en mode pépère, et on parle toujours de séries télé, notamment. Quelle série? C'est vrai qu'on était parti sur la série qui s'est arrêtée et qui vous aimeriez bien qu'elle recommence, sur les séries préférées, au final. Mais bon, tout ça parce qu'il y a Heroes qui va reprendre, là, en 2015. Donc, bonne nouvelle pour les fans, justement, de la série, et on va continuer à parler de série dans quelques minutes avec Dominique qui est là de Metz là. Salut Dominique. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Dis-moi. Ouais, ça va tranquille. Avant de parler de série là, est-ce que t'es avec une meuf actuellement? Moi oui. Ah, elle a un gros clitoris ou pas? Ça peut aller. Ça peut aller. Non, en fait on dit ça parce que est-ce que t'as une petite bite ou une grosse bite ou une moyenne? Une moyenne, on va dire. Une moyenne. Quelqu'un d'honnête, bravo. Oui, non, mais c'est bien, bravo. Apparemment, donc, c'est pas le fait d'avoir une grosse bite ou d'avoir une petite bite qui pose un problème avec les filles si on en a une petite. C'est surtout le fait qu'elle ait un gros clitoris, la fille. qui peut la faire pour jouer. Pour avoir un maximum de sensations. Pour avoir un maximum de sensations. Donc depuis le début de l'émission, on appelle des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@finradio.fr, de manière à voir si la personne avec qui il habite est, a un gros clitoris ou un petit clitoris. Et si on tombe sur une fille, on demande directement si il ou elle a un gros clitoris. Moi j'aurais dit cohabite, mais enfin... Cohabite, exactement. Bon, on y va, on appelle ? Allons-y. Allez. Bouge pas, hein, Dominique. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait un gros clitoris, monsieur. Comment ? Est-ce que votre femme a un gros clitoris, monsieur ? Pourquoi ? Bah, pour savoir, monsieur. Pour savoir, ça m'en regarde pas, moi. Bah, non, c'est moi qui vous pose la question, monsieur. Eh, hey, pauvre connard, bah, on l'avait mal entendu, mais il est bien placé, lui. Hein. Connard, ouais, on va le rappeler, le monsieur, là. Allez, 1h33, c'est parti. Allô ? Oui, excusez-moi, madame, on a été coupé. Ouais, t'as un problème ? Bah non, pas du tout, je voulais juste savoir si vous aviez un gros clitoris, madame. Ouais, et t'as un problème, bah tu vas demander à ta femme si elle en a un gros clitoris, espèce de bâtard, bah. Mais je vois pas le rapport, madame. Allô ? Oh non, parti aussi, oh. Espèce de bâtard. Ah bah voilà, on restera sur cette bonne parole, tiens. On écoutera Avicii aussi dans quelques minutes. Avec Addicted to You. Ça va débarquer, donc restez bien sur Fun Radio, évidemment. Et 1h33, bah, récupération de Dominique qui est avec nous de Metz pour parler des séries télé, là. Dominique. Ouais, voilà, bon. Moi j'aimais bien à l'époque, c'était K2000. Ah ouais, avec K2000. Kit et Michael. Kit et, enfin Michael en fait, en l'occurrence. Il y avait Chips aussi à la même période. Oh, il y avait, non, mais bon, d'accord, mais Chips c'était violent. Arriver dans un monde exceptionnel. Enfin, je sais plus ce qu'il disait exactement. Mais... Bah, moi, je sais pas si on aura la voix, attends. C'est la coupe de David Hasselhoff qui m'a toujours marqué, moi. Merde, on n'a pas la voix. Parce qu'à un moment, t'as la voix off qui parle dessus. Tan tan nan. Ah, c'était ringard, hein, quand même, quand tu vois aujourd'hui, ça a quand même mal vieilli. Hein. Et quoi d'autre, Dominique ? Non, bah moi, ouais, K2000 c'était pas mal, et puis ouais, MacGyver, c'était bien. Ah ouais, toi t'aimes bien les vieilles séries alors ? Ah ouais, c'était pas mal, c'était marrant à l'époque. Ah bah attends, parce qu'il y a Roms qui dit aussi une série que j'aimais bien, c'était Malcolm, Columbo, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Les Envahisseurs, de vieux trucs, c'est Yvan. Ah non, bah ouais. Chapeau Melon et Bottes de Cuir, faut lui laisser avec la petite combi de, je sais plus comment elle s'appelait, Emma Peel, elle était plutôt, ouais, elle était plutôt bonne dedans. Ouais. Il y a une série qui était hyper glauque, c'était le Number 6. Ah, tu viens pas, je ne suis pas un numéro, il se faisait poursuivre par des grosses boules. Tu viens pas de ça ? Ah non. Oh là, c'était horrible. Le prisonnier. Ah ouais, mais ça c'est du old school, hein. Bah ouais, mais moi je regarde tout. Ah bah ouais, non, j'ai vu, ouais. Il y a Alexis du 85 qui dit: je me suis perdu dans Paris en SMI. Heureusement que t'es là pour me donner courage. Ah bah putain, mec, bah bonne chance, Alexis, hein. C'était paumé dans Paris en SMI remorque, mec. Bah bonne chance. À part sur les champs, tu passes nulle part, en fait, au final. Hervé qui dit: coucou, Mickaël, je kiffe Shameless, une famille de ouf. Sexe, alcool et drogue. Ouais, mais c'est pareil, c'est une série anglaise et il y a des moments où c'est très lent et ça ne sert à rien. Ouais, voilà, il y a, n'est-ce pas, aussi une autre série que je kiffais grave, Le Prince de Bel-Air, c'était la base. Ah oui, ouais. Bah oui, il y avait Le Prince de Bel-Air, évidemment. Je sais pas si je l'ai, celui-là. Avec Will Smith. C'est ça. And this is a story. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town on Bel-Air. Oncle Phil est mort aussi, personne. Ah ouais, ouais, ouais, c'est vrai. C'est là que tu sens que c'est des vieilles séries. Bah ouais, c'est clair. Et quand j'avais été à Bel Air, hein, putain, je suis arrivé, en fait, j'étais déçu. En fait, il se passait rien. Bah non, c'est normal, c'est une ville de Bourges, quoi. C'est une ville de Bourges, il y a que dalle, en fait, tout simplement. Bah Neuilly, il se passe rien non plus. Oui, oui, bah c'est ça, ouais. Eh, tiens, Dominique. Oui. Est-ce que t'as déjà eu deux meufs en même temps ou un autre mec et l'autre meuf en même temps ? Non, ça m'est jamais arrivé. Ah merde, parce qu'il y a Manon, là, elle cherche une solution, là. Elle a un mec sur Lyon, une meuf sur Paris. Qu'est-ce qu'elle. Je sais pas quoi lui dire, genre. Bah, je sais pas, après. Ça, on lui a proposé déjà de choisir l'un ou l'autre, de choisir en l'occurrence la meuf, puisqu'elle habite sur Lyon et elle aussi, mais comme elle repart après sur Paris, elle savait pas trop, donc voilà. Bah, c'est à son cœur de décider, hein. Ah oui, Manon, ton cœur doit décider. Bon, son cul peut aider un peu. Peut-être éventuellement, ouais, aussi. Ah oui, c'est vrai. Bon, Dominique, merci beaucoup d'être passé. Bah, de rien, puis à une prochaine. Bah, avec plaisir, tu reviens quand tu veux surtout. Salut, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao à toi, Dominique. Dorian également avec nous, là. Dorian, t'as déjà eu, non ? Oui. Bah oui, il me semblait bien qu'on t'avait déjà eu, autant pour moi. Encore un truc à ajouter, ma belle ? Non. Très bien. Bon, en vacances, là, Dorian ? Oui. Ah, très bien. Ça finit quand les vacances? La semaine prochaine. Encore une semaine là, tranquille. Bon, à la cool. Très bien, Dorian. Oublie pas de prévenir tous tes potes hein, qu'on est sur Fun Radio tous les soirs, là, 23h-2h et le dimanche de 20h à minuit, Dorian, au bahut. T'es dans quel bahut, toi? Jacques Daguerre. Lequel? Jacques Daguerre. Jacques Daguerre, très bien. Bon, bah voilà, bah tu préviens tous tes potes dès lundi quand tu rentres au bahut, d'accord? Ouais. Bon, ça roule. Salut tu Dorian. Diras à Jacques qui doit écouter. Salut. Voilà. Salut Dorian, à bientôt et gros bisous. Attends, il y a Adam également qui est avec nous là de Auxonne. Salut Adam. On dit Auxonne ou Auxonne? Auxonne. Auxonne. D'accord, ok. Salut Adam. Bon, alors toi, t'as quel âge toi? 30 ans là, non? Plus ou moins? 14 ans. À 14, j'étais pas loin, putain. Pourtant, t'as une voix bien grave, hein, Adam. Eh, Adam, je sais qu'on l'a déjà faite, mais tu nous as foutu dans la merde avec Eve et tout ça. Hein. Oh putain. Oh j'adore. Il fallait que je la place. Merci Adam. Ah bah voilà, bah comme ça c'est fait. Tiens. Bon alors Adam, c'est quoi ta série préférée toi? Doctor Who. Doctor Who? Ah putain, j'ai jamais vu ça, Doctor Who. Chinois? Mais non, c'est pas chinois, Doctor Who. Ah bon? Non, je sais pas. C'est britannique. Ah. C'est anglais. Ah, j'ai pas vu Doctor Who, mais c'est vieux ça, non? Ouais, mais ça a bien évolué quand même depuis. Ah ouais, jamais vu Doctor Who. Toi, t'as vu toi, Doctor Who? Non, jamais. Jamais, bon bah très bien. Ça fait partie de série que j'ai jamais kiffé. Enfin, ouais, j'ai jamais accroché en fait. Ouais, ouais, ouais, d'accord, ok. Non, moi non plus pour le... Il se passe quoi dans Doctor Who? Oh bah, il y a de l'action, c'est de la science-fiction, c'est... Il s'appelle le Docteur, c'est un... Il voyage dans une boîte qui s'appelle le TARDIS, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur? Ouais, c'est... Ouais, puis ils peuvent voyager dans l'espace aussi. Ah, ils envoient dans l'espace. Ah ouais, ok, d'accord. Bah pourquoi pas. Écoute, là comme ça, je t'avoue que c'est peut-être pas la première série que je vais aller regarder. Hein, note, hein, je sais pas. À voir, en tout cas, je sais pas. Mais bon. Attends, il y a Octave aussi qui est avec nous là. Salut Octave. Salut. Ça va Octave? Ça va, ça va. Très bien. Bon, t'appelles de Boulogne-Billancourt, toi, Octave. Pas loin de, ouais. Bah, juste à côté de Paris, quoi. Dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et quelle est ta série préférée, toi, Octave? Alors moi, c'est un vieux classique, c'est H. Ah, ah ouais, ouais. Bah non. Ah ouais, si, moi j'aime encore des séries françaises. Ah, ouais, y a eu pas trop fan. Très drôle dans H. Oui, ouais, oui, non, bah après je dis pas. Mais... Avec, attends, comment il s'appelle? Il y a Aimé Césaire, l'autre Sabri. C'est ah, Sabri Saïd. Ouais, c'est Eric Ramsey, ça. Ouais. Ouais, non, ouais, si, non, après, non, après il a eu des bonnes, il a eu des bonnes, c'est pas ça. Il y a Alexandra qui dit Happy Days avec Fonzie, j'aime bien. Oh, oh là là. C'est bien, bien vieux. Ariel qui dit, moi je regardais Sabrina l'apprenti sorcière uniquement parce que j'adorais le chat qui parle. Ah ouais, mais c'était pas Sabrina qui s'appelait avec le chat, le chat il s'appelait un chat qui parle. Non merde. Avec des sorciers, non, c'est des non, sorcières. Non, c'est pas ça. Chat qui parle. Et le chat qui s'appelait, putain, ça va me tuer ma nuit ça. Le chat, le ça va me tuer ma nuit. Ouais, parce que oh, je déteste. Non, je déteste rester sur un truc. Alors, je connais le nom et la réponse. C'est des sorcières de mère en fille. Non. Chat qui parle. Salem. Ah oui, c'est ça, et Sandro m'a dit Salem. Putain, il fallait pas me le dire, je déteste quand on me donne la réponse. Je veux trouver par moi-même. Eh, ça m'a J'ai perdu une heure et quart de mon week-end parce que je cherchais le nom d'un truc et j'arrivais plus et c'est revenu heureusement. Mais si, c'est des sorcières. Salem. Mais non. Mais si. Mais non. Alors je confonds avec une histoire avec une meuf, deux mecs de fans d'informatique qui ont créé une bonasse. Ah non, ça, ça a rien à voir. Deux séries différentes. Ça, c'est le. Quoi? Ouais, c'est deux séries différentes. Ouais, oui. Là, c'est deux avec séries. Le chat, Sabrina avec le chat. Ça, c'est. Putain, comment elle s'appelle cette série? Bah, elle ouais. Est super code, bonne. Quand... Code Lisa. Ah ouais. Code Lisa, exactement. Code Lisa, il y avait Code Cantou également qu'est-ce à l'époque. Qu'est-ce là. Oh, qu'est-ce que je me suis branlé sur bonne. Lisa. Oh là là. Putain, alors. Grave. Oh là là là là là là là là. C'était énorme. C'est et dommage. Code Cantou. C'est génial, en fait, le mec qui va dans plein d'époques. Dans le futur, voilà, dans le passé, dans tout bordel. Parce qu'il peut pas revenir. Ouais, exactement. Ouais. Mais on sait. Enfin, à la fin, elle est chier, quoi. J'ai pas vu la fin, en fait. Ça, j'ai arrêté là, mais bon. Bon, ouais, donc voilà. Donc c'était avec Salem, exactement, le chat noir. Octave et Adam, encore un truc à ajouter, les enfants? Ouais, moi, je voulais savoir si je pouvais gratter quelque chose. Ton dos, Octave? Ah, ça, c'est marrant, ça. T'es un bon toi Octave. Et Octave, bah, écoute, change de prénom. On va te filer, on va te filer un pack fun de toute façon. Adam aussi, vous allez gérer ça avec Sandro tous les deux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Salut tous les deux. Hey, vous avez fait la promo dans votre bahut aussi. Vous êtes en vacances ou pas là? Ouais, on est en vacances. Bon, bah tous les deux. Bah quand vous allez rentrer dans votre bahut, faites la promo d'émission. Je compte sur vous. Hein. Ça marche, pas de problème. Bon, très bien. Sinon, pas de pack. C'est clair. C'est le mec qui fait du chantage, l'enculé. Je vais faire de la pub alors, je préfère. Ah bah ça va alors. Bon bah salut Octave, salut Adam, à bientôt. Salut, bonne soirée. Salut à merci. Vous, ciao. Il y a Vivien également avec nous là de l'Essonne dans le 91. Salut Vivien. Ouais, salut Mickaël, salut tout le monde. Ouais, ça va. Ouais, bah ouais. Fin et merde, et ça continue, j'ai 8% de batterie. Bah qu'est-ce qui t'arrive Vivien? Ah, bah Bah écoute, c'est une longue histoire là, hein, parce que ça fait 3 mois que ça dure. 3 mois où tu sais, j'essaie de gratter une meuf vite fait par internet, t'as vu, bon voilà. Là je vais la rencontrer ce soir, parce qu'en plus j'ai donné un plan à l'autre fille, hein, j'ai donné un plan. Je vais la voir ce soir et puis bon bah voilà, c'est pas. Attends, t'as donné un plan, t'as mis un plan ou t'as donné un plan de papier, un plan de Paris? Ouais, j'ai bah, les deux. Hein, ah d'accord. J'ai donné une fausse adresse, donc on peut dire les deux. Mais, Ah mais donne-lui mon adresse, moi je m'en occupe. Hein. Ah ouais, tu donnes l'adresse de Toff, lui après il récupère, hein. Il a toujours été habitué. C'est quoi, j'étais. Franchement, j'étais motivé pour aller vous voir ce soir et tout ça, et puis je me suis dit non, on va favoriser un peu la rencontre. Et puis bah, finalement, catastrophe quoi. Je veux dire, je suis arrivé, j'ai ouvert la porte, j'ai dit ah ouais, d'accord. Bon. Bah vas-y, donne l'adresse, moi j'y retourne. Ouais, c'est ça, ouais, il va y aller derrière. Bah, tu y vas, c'est Champs-sur-Marne, mais c'est pas très loin de Paris. Hein. Mais voilà, j'ai ouvert la porte, j'ai dit bon, ok, c'est pas ça. Après, elle me raconte toutes ses misères. Elle a passé la soirée à me raconter toutes ses misères. La totale quoi, je veux dire, j'ai fait le. Mais est-ce que tu lui as fait la misère à un moment? Elle s'appelle comment cette fille? Ah, elle s'appelle Diana. Diana, d'accord. Ah ouais. Bon bah voilà, si on jamais vous tombez sur une Diana ce soir, méfiez-vous, on sait jamais. Quoi qu'elle a déjà balancé tout son sac avec toi, donc finalement le prochain il va être cool. Il va fourrer le prochain. Ah, le prochain il va être pas mal. Ah oui, non, enfin je suis pas en chien, mais bon, je me suis dit bon allez, on va faire le lover, on va faire le. Tu sais, pour une fois que je prends mon temps, je me dis bon, je discute, ça fait 3 mois, elle me fait des photos, moi bon, super un bon profil hein, par contre, voilà, quand elle prend des photos, je sais pas comment je démerde, mais Mais en vrai c'est pas ça. Ah bah en vrai non, c'est pas ça du tout. Ah ouais, mais bon, à la limite, je pouvais faire attraction, tu vois. Bon, je voulais bien passer un peu de temps avec elle, bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce soir, tu vois, 1h43, et là, je suis en train de rentrer. Donc, bon, voilà, quoi, il s'est rien passé, il se passera rien. Ouais, soirée de merde. Ouais, c'est pas grave, tu te branles en regardant un bon porno. Ouais, oui. Ouais, bon, ouais, il y a des bons sites, il y a des bons machins, ouais. Bah oui. Bah voilà. Bah attends, je suis sur le bloc de Toff, je suis toutes les adresses. Hein. Donc, bah voilà, tu peux faire ça, ouais. T'inquiète. Bon bah ça va couper. Eh, hey, t'as pas un conseil à filer à Manon tant que t'es là toi justement, tiens Manon qui a un mec sur Lyon, une meuf sur Paris, elle sait pas laquelle choisir. Enfin lequel. Bah si non, bah qu'elle prenne un mec sur Paris, moi je suis là, dans ton pire. Ah mais bah, voilà, elle en a déjà un Vivien là, pour prendre deux. Manon. Ouais, Manon. Ouais. À moins que tu veuilles éventuellement avoir un troisième, comme ça t'es tranquille. Ça va aller, j'en ai assez comme ça là. Ah oui, bah oui, c'est ça, on en a deux. Au bout d'un moment, faire un choix, Manon. Tu décides. Ouais, c'est sûr, mais c'est compliqué après, tu vois. Qu'est-ce que c'est quoi le dilemme? Bah, le dilemme déjà, c'est qu'elle a un mec et une meuf, donc déjà, si tu veux, c'est compliqué. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est quoi le. Enfin, qu'est-ce qui fait le pour, qu'est-ce qui fait le contre? Bah, ils ont pas du tout les mêmes caractères en fait, donc du coup, je peux vraiment pas faire pour et contre en fait. Et ils ont même pas le même sexe. Ouais, mais toi t'as un caractère, je veux dire, c'est quoi, t'as tiré vers quel caractère? C'est plus attiré vers le caractère de la fille ou. C'est après la distance, ça c'est rien, ça ronge. Bah ouais, plus vers la fille quoi. Eh ben voilà, l'affaire est pliée voilà. Alors. Eh ben voilà, c'est tout. J'allais faire un piloufage, j'avais même préparé la pièce. Eh ben c'est pif. Ouais, c'était une putain de pièce. Hein. Ah ouais, non, c'est. C'est une putain de pièce de compète, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon. Ah ouais, on a réglé un problème, moi j'ai réglé un problème, je suis content. Eh ben voilà, ah, Vivien, tu vois, finalement, pas venu pour rien. Ta soirée n'était pas si merdique que ça au final. Hein, ça me fait vraiment plaisir. Tu avec vois, bah... grand plaisir. Bah merci de te passer surtout, Vivien. Bah tu reviens quand tu veux, Vivien. Ouais, bah tu peux me passer Sandro pour un pas de fun. Oui, bien sûr, je suis dans la repasse tout de suite, y'a pas de problème. J'allais dire pour avoir un plan cul, mais non ça. Ouais, bah, tu peux essayer. Deux, hein. Bon, tu peux essayer aussi, on sait jamais. Elle est en chien aussi, donc tu peux tenter ta chance, c'est ton jamais. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Salut Vivien. Allez, ciao, puis. Ciao Vivien. Bon, bah Manon, bah choisis la fille alors. Ouais. Bon, c'est fait, on a choisi, tu gardes la fille, tu vires le mec, basta, c'est plié, c'est terminé. D'accord. Ok, je peux passer une Daisy. Eh ben vas-y. Je fais une dédié à mon ours, Michael, que je t'aime très très très fort, et puis à Kéril et Jérémy. D'accord, ok. Bah le message est passé, y a pas de problème alors. Salut okay, à toi. Ouais. Allez, salut. Allez, au revoir Manon, à bientôt. Il y avait Thierry qui avait un truc à dire, on sait jamais, hein Thierry. Ouais. Ça va Thierry? Ouais, salut Michael. Ça va bien? Dis-moi, toi t'avais un conseil à filer à Manon? Merde, elle vient de se barrer, attends une seconde. C'était quoi le conseil Thierry? Parce que c'est pour le dire, choisis le mec, on t'a pas attendu. On t'a pas attendu, hein. Non, j'aurais dû prendre la fille de toute façon. Ah, tu voulais lui dire de prendre la fille? Ben oui. Bah oui, mais voilà. Non, mais lui dis pas, alors elle rappelle pas. Sinon, non, mais c'est bon, elle prend la fille, là. Ah, elle prend la fille? Ah bah oui, bah non. Oui. Il y a justement Thierry qui vient d'arriver, là. Thierry qui dit qu'effectivement, il faut que tu prennes la fille, donc tu vois, hop, encore un avis supplémentaire. Ah, ok. Voilà, hop, c'est la fille à l'unanimité. Ah bah voilà. Bah voilà. Voilà, tu vois, t'as un besoin, on est là. Tu nous tiens au courant, Manon? Ok. Parfait. parfait. Si vous êtes des filles sur Paris, bah, y a un mec qui va être célibataire, hein, celui qu'elle va larguer ce soir. Donc hop là. Et si vous êtes des filles sur Paris, je ne sais pas avec qui dormir ce soir. Eh bah, ben, seul. Ah merde. Très probablement, ouais. Bah, oui. Salut Manon, salut Thierry, merci d'être passé. Vous revenez quand vous voulez tous les deux. Ok, y'a pas de problème. A bientôt, ciao à vous, bye bye. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, on va se faire le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio. Dernière ligne droite, c'est Addicted to You. I don't know just how it happened. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, dernière ligne droite avec Polo Against the Rest of the World. Yep. Dans quelques minutes. Si vous voulez parler à quelqu'un qui est un petit peu votre confident tous les soirs. C'est ça. Si vous voulez parler à quelqu'un qui est un petit peu votre psychologue les soirs. Votre ami. Votre ami, votre mari, votre amant, votre maîtresse. N'hésitez pas. Polo contre le reste du monde, c'est dans quelques minutes. 01 42 48 5000 pour nous appeler. 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va faire le top Twittos également. Je rappelle qu'il y a un sextoy à gagner dans le top Twittos. Et il y a également, enfin, où il y a également, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, les t-shirts comme un air de rock offerts par passagedudésir.fr. Non, ah non, bah non, non, les t-shirts non. Ah pardon, comme un air de rock. Voilà. C'est ça. Et le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Et oui, allez vous faire foutre, cher ami. Voilà. Je mélange. Bon, eh ben, je remarque ça effectivement. On a Amel avec nous maintenant, 24 ans de Bruxelles. Bonsoir Amel. Bonsoir Mickaël. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bienvenue Amel. Alors, c'est quoi ta série préférée toi? Moi, j'aime bien regarder Alf quand j'étais petite. Alf! Ah mon dieu! Alf! Il est où le chat? Qu'est-ce que c'était nul! Un chat! Oh putain! Je détestais cette espèce de bestiole dégueulasse et il passait son temps à manger des chats. Ouais. Non, il les mangeait pas, il voulait le bouffer à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est nul ça? Ah, ça te rappelle des souvenirs ça? Amel! Oh, c'est vieux générique. Ah ouais, putain. Il était violent quand même le générique. Hein. Il venait de la planète Belmac. Moi j'aime bien. Non mais oui, quand j'étais petit j'aimais bien aussi. Mais bon là maintenant c'est un peu dépassé quoi. Ouais. C'est comme Madame est servie avec Tony Danza. Ça aussi oh c'était là dur. Là ça aussi c'était dur. Hein. Il y avait aussi il y avait un message aussi d'un auditeur. Où est-ce qu'il est putain? Je l'avais noté tout à l'heure et je l'ai zappé évidemment là. Ah oui, Gérald qui dit, quand j'étais petit en vacances chez mes grands-parents, j'angoissais car je devais me taper Santa Barbara tous les soirs. Oh le pauvre. Ah et ça c'était dur. Il y avait Côte Ouest aussi qui était dur. Là, là, ah ouais. Charlie qui dit, mort de rire, vous me tuez, je suis en train de regarder Banshee sur l'iPad. Putain, ça nique bien. Ah bah mec, quand on te disait que c'était du cul et de la violence, c'est du cul et de la violence, moi je te le dis. Hein. Il y avait Sherlock pour Camille avec un K, Tirefall aussi qui dit, meilleure série de Walking Dead. Et alors Abdou qui dit, super série, South Park de Game of Thrones et Castle, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Mais Castle c'est pas mal, c'est aussi pareil, c'est comme Highway 5-0, c'est des séries que tu regardes comme ça un épisode de temps en temps quoi. Bon et Mickaël aussi ça fait ah non c'est Jules qui dit ça fait depuis 3 mois que je vous écoute, j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue s'il te plaît Mickaël. Alors ben, je vais t'en mettre un message de bienvenue avec grand plaisir puisque c'est demandé si gentiment, même si tu as écrit mon nom comme une fille hein, Mickaël avec deux L E. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Espèce d'enculé. Voilà, tu vois, je t'en veux pas, mec, y a pas de problème. Fred S34, il dit, la relation de Manon a l'air compliquée. Oui, elle avait l'air un peu complexe, je le confirme, en effet. Bon, et donc toi, y a que Alf, Amel, que tu kiffes? Non, pour le moment, non. J'aime bien regarder Hawaii 5-0, ouais. Castle, y avait quoi d'autre? Mentaliste. De Mentaliste, ouais, voilà. J'aime bien aussi de Mentaliste, ouais. Qu'est-ce que... Ah non, c'est pas le... Qu'est-ce que... Oui, quoi tu sais le mentaliste dire. C'est pas quand on dit que les gens mentent là? Non, c'est Lie to Me ça. Ah, c'est Lie to Me. Qu'est-ce que c'est de la merde ça? Le mentaliste c'est un peu le mec voyant ah, mais qui oui, n'est pas vraiment. Oui, c'est nul. Enfin ouais. Voilà, c'est bah, qui est mentaliste en fait ouais. Tout simplement. Ah moi j'aime bien, c'est sympa, mais ça aussi ça passe comme ça, tu vois. C'est ouais. Comme ouais, les Mentari aussi, c'est le même principe quoi. Ouais ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Alors que Banshee faut être dedans. Hein. Ouais ouais, si tu rates un épisode, tu rates la moitié des infos. Si tu rates un épisode, t'es dans la merde complète là. Je suis déjà à la saison 2, épisode 5 là. Il y en a encore 4 qui sont dispo. De quoi? Ah ben non, je viens de regarder, j'ai acheté, ils sont sur mon ordinateur, je sais pas comment ils sont arrivés là. Ouais. Putain, par hasard, je me suis connecté à un truc et paf! Ils sont arrivés. Ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent ceci. Ouais. Je rejette le truc. Ah mais bien sûr, moi j'ai dit voulez-vous accepter ? J'ai dit non, penses-tu ? J'ai dit non, le truc est arrivé, oui, j'ai dit non, j'ai continué à dire non et puis ouais, à un moment j'ai continué à faire à dire non, le truc est arrivé quand c'est même. C'est un pop-up. Voilà, c'était un pop-up qui est arrivé comme ça, il y avait un truc de cul et puis il y avait Banshee et bah j'ai regardé la série quoi. Ouais, il t'en manque 3. Elle est arrivée. Ah bon ? Ouais, il t'en manque 3. Ah putain, alors c'est le truc en fait qui m'a envoyé que les... il m'a pas envoyé tous les bons trucs alors, c'est ça. Ouais, c'est ça qui m'a foiré le dos. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Eh ben, j'espère qu'ils sortiront bientôt, que je puisse les acheter. Oui, évidemment, très rapidement. Amel, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ça va, merci. Salut à toi, Amel, à bientôt, ciao. Et Agathe pour terminer également de Bergerac en Dordogne. Salut Agathe. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, bienvenue à toi, Agathe. Elle a une voix douce, Agathe. Elle a une voix toute douce, Agathe. C'est quoi ta série préférée, toi ? Alors, moi, quand j'étais petite, je regardais Xena la guerrière. Oh, jamais pas ça, Xena la guerrière. Elle était bonne, hein. Oh, elle était bonne. Bon cul, hein. Non, mais peut-être qu'elle était bonne, mais putain, jamais pas non plus, hein. Il y a Fange 2008 sur mon mail qui me dit il y avait aussi le magicien et Supercopter. Ah ouais, Supercopter, le magicien. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, le magicien, c'était un nain. Ouais. Et il avait un sac et c'était un spécialiste des effets, pas des effets spéciaux, mais tu sais, il fabriquait des trucs et c'est vrai que c'était sympa. Ouais, bof, j'étais pas trop fan. Et donc, Agathe, tu disais, il y avait quoi toi ? Xena, bon, il y a Game of Thrones et ce que j'aime bien aussi, c'est Enquêteur malgré lui. C'est quoi ? Enquêteur malgré lui ? Ouais. C'est quoi ? C'est un gars qui a des pouvoirs psychiques, mais en fait, non, c'est bizarre. Ah, c'est le mec, en fait, il a des pouvoirs, mais en fait, non. Et Toff, voilà. Il adorait Louis la Brocante. Ah, je déteste ça. Et puis, Louis la Brocante, Camping Mimati, Paradis. Je déteste aussi la Mimati, c'est quoi, Ange Gardien. Oh là Julie là. Lescaut. T'adores, arrête, Toff, tu te fais des kiffs. Ah, mais ouais. Non, ouais. Une série qui est honteuse d'aimer, c'était Nestor Burma. Avec Guy Marchand. C'est honteux, mais j'adorais cette série. Voilà, que j'ai même bien regardé. Nestor, il y avait Derek aussi. Oh mais qu'est-ce que c'était naze. Ouais. Il arrivait avec la BM. C'est-à-dire que dans le genre l'image était jaune. Ah ouais, elle était jaune. Et le mec il restait pendant 10 minutes, il regardait comme ça. Et puis il disait yes, ich freind une freind du schnout. Non, parce qu'il avait la voix française. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Non mais c'était horrible, il était laid. Tout était laid. Paix à son âme d'ailleurs, lui aussi. Nous ouais, c'est vrai. Ouais. Mais depuis, ils sont améliorés quand même, les Allemands. Ils ont fait comment ça s'appelle, Opération Cobra ou je sais pas quoi. Cobra, ouais, avec l'hélicoptère. Ah non, Cobra, c'est les mecs de police Cobra. De la route. Alerte Cobra. Et après, ouais. T'as opération je sais pas quoi là pour. De toute façon, dès que tu vois une plaque allemande, tu zappes. Hein. avec leur hélicoptère là pour aller sauver des gens. Ils avaient une série de merde aussi, c'était le clown. C'était un mec qui se déguisait en clown. Ah pour oui, sauver. Oui, oui. C'était horrible. T'avais des trucs Polizei là en vert. Vert et blanc. Avec la vieille BM dégueulasse. Ça m'a traumatisé. De toute façon, pour voir les trucs allemands, c'est que sur France 2 ou France 3. Hein, je sais pas ailleurs. Hein. Mais il y a que dans les séries allemandes où c'est les flics qui ont les voitures les plus puissantes. Hein. Oui, en Porsche et en BM. Ouais, bah c'est normal, c'est de l'allemand hein, si tu m'étonnes. Bon, bah Agathe, merci en tout cas à toi. Hein. Tu kiffes une autre série ou pas spécialement ? Bah après il y a tout ce qui est Elementary, Fringe, ouais. Game of Thrones, tout ça quoi. Ouais, Fringe j'ai bien aimé, hein. Bah, c'est fini maintenant, mais si vous avez l'occasion de regarder, je trouvais ça sympa Fringe. Voilà, après une question de goût évidemment. Bah merci de passer Agathe, je te fais des gros bisous. Au revoir. Salut, à bientôt. Ah. Et Vincent le dernier là qui voulait passer, mais ça c'était pour les excuses. On va quand même lui demander. Vincent ! Salut Mickaël ! Ça va Vincent ? Nickel et toi ? Nickel. Est-ce que t'as une série préférée toi ? Oula, j'en ai plusieurs, Esprit Criminel, Spartacus, Rome. Ouais, Spartacus, Rome c'était énorme aussi. Ouais, j'ai pas vu ça. Mais c'est, enfin, faut aimer les séries, historiques quoi. Ouais. D'accord. Ouais, Esprit Criminel c'est vraiment pas mal aussi, ouais. Si, dans les séries historiques où il y a du cul, de la baston et tout, c'était les Tudors. Les deux premières saisons, c'est-à-dire que, enfin, le mec, c'est-à-dire, il se tape des meufs, il en a marre, il les fait décapiter, quoi. Ah, sympa. Ah, putain, il y en a une, on en a pas parlé. Lost. Ah oui. Ah, j'ai adoré Lost. Alors la fin, par contre, bon, maintenant il y a péremption, je peux le dire. La fin, elle est scandaleuse. Mais tu vois que contrairement à Breaking Bad, par exemple, Breaking Bad, toutes les saisons ont été écrites avant. la diffusion. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, que la série cartonne ou cartonne pas du tout, tout était déjà écrit. Alors que Lost, ils ont fait la première, ils ont vu que ça a cartonné, ils ont fait une seconde, ouais, une troisième, et puis ils ont essayé de récupérer les trucs parce que t'as plein d'incohérences dedans. C'est-à-dire que tu pètes un plomb hein, quand tu regardes Lost. Il y a un moment où tu te dis, ils reviennent, ils repartent, ils sont repartis, ils reviennent. Parce que ouais, ça, au départ, c'était trois saisons, et en fait, ça cartonnait tellement qu'ils leur ont demandé d'en écrire deux de plus. Ouais, ils ont fini à sept, je crois, six ou sept, mais. Mais à la fin, ça veut plus rien dire pour le coup. Mais voilà, après à regarder aussi, c'était sympa quand même. Bon, Vincent, toi, tu voulais réagir par rapport aux excuses bidon pour pas aller en cours ou pour pas aller au taf. Ouais, alors j'ai un ami à moi, il a trouvé une sacrée excuse. Ouais, on a compris, l'ami à toi. Ouais. Regarde le clin d'œil que je te fais. Cling. Hein? C'est un ami qui. Hein? On s'est compris. Il est arrivé une heure en retard au bahut et la tienne lui a dit pourquoi. Il a dit je me suis fait contrôler dans le bus et j'ai pas ma carte. Et j'ai essayé de convaincre le contrôleur de pas me mettre le PV. Ouais, il arrivait une heure en retard. Ah oui, ça c'est pour gratter une heure de retard, ça. Oui, oui, ça c'est pas mal. Bon, faut pas le faire à chaque fois, mais c'est pas mal. Ouais, le contrôle ça passe toujours bien. Ouais, un petit contrôle ça passe bien. Bien sûr. Une heure dix en retard, donc. Ouais, ou tu vois, ici à Paris, à la RATP, le truc qui marche bien aussi, c'est ouais, il y a un mec qui s'est suicidé, bon bah voilà, et ils arrêtent la rame. Ouais. Bah enfin, mais après quand t'habites Aurillac par exemple, c'est difficile de dire qu'il y a un mec qui s'est suicidé dans le métro. Ça, dans c'est le métro, c'est compliqué, tu vois, c'est plutôt compliqué. Parce qu'en même temps, dans les petits villages, le problème c'est que dès qu'il se passe un truc, tout le monde est au courant. Ouais. Donc si tu racontes à Pipo, c'est compliqué. Et s'il se passe rien, tout le monde le sait aussi. Et bah vas-y, oui, bah s'il se passe rien, effectivement, oui. Bah merci beaucoup en tout cas Vincent d'être passé. Michael, tu peux avoir un pack fun ? Oui, bien sûr, je te repasse le standard, tu vas gérer ça sans problème. Salut à toi et à bientôt. Allez, merci Vincent, à bientôt, tu reviens quand tu veux. Bon, tous les autres, vous êtes les bienvenus hein, tous les soirs, on est en direct sur Fun Radio. On va se mettre le son de Martin Garrix maintenant, on l'avait demandé en début d'émission, j'avais qu'une parole, je le mets maintenant, Martin Garrix avec Wizard. Et puis juste après, Polo against the rest of the world. Il y aura également le tirage au sort sur le top Twittos, là avec le hashtag Michael. Continuez d'ailleurs à en mettre un maximum pour gagner les sextoys ou les t-shirts Common Air de Rock. On fait ça après Martin Garrix maintenant sur Fun Radio, bonne nuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Michael, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct évidemment, le top Twittos dans quelques minutes, ça va débarquer. On va pouvoir récompenser le deuxième auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag MIKL comme chaque soir. Mais avant cela, vous en avez pris l'habitude également, hein, Polo against the rest of the world. Effectivement, musique de Polo against the rest of the world. Allez hop, c'est parti. Et oui, c'est devenu une addiction, je sais. J'ai revêtu mon slip de cuir, je me suis huilé le corps, mon pénis a été poudré par le stagiaire comme il se doit. Bien sûr, l'érection est là. Quand je fais de la radio, je bande. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. On commence aujourd'hui avec Kevin, on t'écoute, Kevin, pardon. Amour, gloire et beauté. Merci Kevin, et je cherche Arnold, s'il est là, ça serait cool. Sébastien. Oui, Polo, t'es une grosse merde. C'est vrai. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Bon, ben merci Sébastien. Alf, dans le Polo Show. Salut Polo. Salut. Cherche un chat. Qu'est-ce que... Oui, je d'accord. Je viens de la planète Belma, qui ne mange que des chats. D'accord, et tu le veux comment ton chat ? Je voudrais un gros matou. Un gros matou bien gras. Oui, exactement. Bon, écoute, on lance la demande. Si quelqu'un a ça pour Alf, n'hésitez pas. Quentin dans le Polo contre le reste du monde. Ouais, j'ai une plus grosse que vous. T'as quoi? Une plus grosse que tête. Qui? Rien. Un quoi? Non, laisse. C'est quoi une quéquette? Bah, c'est ce que tout le monde a. Non, tout le monde l'a pas, Quentin. Ah, bah, et 50%. Qui? Quentin ? Ouais. Psycho ! Oui. Bienvenue. Bonsoir, Polo. Bienvenue. Voilà, je t'appelle, je voulais te parler de mon addiction. C'est quoi ton addiction ? J'aime sentir des petites culottes. Ah bah bravo. Kevin, le retour. Polo. Hop là, Sébastien. Oui, moi j'avais oublié de dire, énergie, ils sont beaucoup. Ah c'est super, merci. Alf. Allô ? Ouais. J'ai toujours pas reçu mon chat. Ton chat ? Il n'y a pas de chat ici. Putain, trouve-moi un chat, ça. Je peux pas. Quentin, le retour. Ouais, alors je voulais dire tout le monde d'aller sur énergie. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que je te dis, espèce d'idiot, bah. Vas-y, si ça te plaît. Psycho. Oui, Voilà, l'autre jour, j'étais dans le bureau, il y avait mes collègues, et là, je vois une culotte passer. D'accord. Et je n'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai prise, je l'ai sentie, je l'ai regardée. Et, allô ? Ouais. Voilà, non, parce que j'avais l'impression que tu ne m'écoutais pas. Si, si, je t'écoute, je fais que ça, Psycho. Voilà, et donc je... Alors, en fait, j'ai pas envie de t'écouter. Retour de Kevin. Ta tronche les fait bander. Merci, Kevin. Alf, on t'a peut-être trouvé un chat. Ah, cool. Bon, on l'envoie où ? Sur la planète Belmac. Ok, d'accord. Merci, Alf. Dis-moi. Je t'écoute. Est-ce que tu trouves que je suis un bon imitateur de Alf ? Je pense que t'es le meilleur imitateur de Alf. Super, merci beaucoup pour allez, moi. Allez, ciao. Et pour terminer, Kevin. Les femmes vont toutes mouiller et toffes les excités. Merci Kevin, quel talent. Merci, bravo. Merci, ciao. Psycho pour terminer. Oui, et donc je sentais cette culotte devant mes collègues de travail. Ouais. Et j'ai été pris sur le vif, je ne savais pas comment réagir. Non, là. Et alors ? Bah, je voulais des conseils, Polo. C'est vrai que tu es là pour nous écouter, nous conseiller. Ouais, et bah écoute, je sais ton pas. Slip de cuir. Je n'arrive pas à comprendre. Ton slip de cuir. Est-ce que tu me laisseras sentir ton slip de cuir ? Je n'arrive pas à comprendre ton problème en fait. Mais je ne sais pas, je peux pas m'empêcher de sentir des culottes. Et bah sans. C'est vrai ? Ouais. Tu m'enverras ton slip de cuir. Avec. Mais non, j'en ai besoin. Au revoir le psycho. Ah bon ? Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Merci d'y avoir participé. Voilà. Ah, quelle grande émission. Quelle grande émission. Totalement, totalement. Ah ouais. Oh là, magnifique. J'en borde encore. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, on va se faire le top tweetos maintenant sur Fun Radio. On va donc savoir enfin quel est le deuxième meilleur contributeur du hashtag Mickaël, évidemment, hein, sur le Twitter de l'émission. Hashtag Mickaël comme chaque soir. Et ce gagnant ou cette gagnante repartira soit avec un sextoy offert par... PassageDuDésir.fr. Ou un t-shirt comme un air de rock offert par... Comme un air de rock par là. Bah pareil du tout, c'est sur Facebook. Bon, alors, on y va donc en numéro 5. Il y a qui ? Alors, en numéro 5, il y a... 1, 2, 3, 4, 5, il y a Olifun. Il s'est compté, bravo Toff. Numéro 4. Paul PC28. Numéro 3. Christian. Numéro 1. Fred S34. Et enfin, le numéro 2, qui est donc le ou la gagnante, sauf si il ou elle a déjà gagné. Et à ce moment-là, on prendra le numéro 3, 4, 5, ainsi de suite. Numéro 2. Margot du 26. Et qui n'a pas encore gagné, me semble-t-il. Non, non, il ne me semble pas. Il me semble voilà. Pas. Et bien, Margot... Je vais immédiatement cliquer pour voir sa photo. Et bien, Margot du 26. Tu repars donc avec soit le sextoy offert par PassageDuDésir.fr. Ah ouais, non, on est pas mal. Eh ben voilà, ou alors le t-shirt comme un air de rock au choix. Hein. Tous les t-shirts comme un air de rock sont sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez les voir évidemment facebook.com/mikaelofficiel. Les deux voilà, iront voilà. Très bien. Eh bien tant mieux, voilà, on choisira, enfin elle choisira ce qu'elle veut en l'occurrence sans aucun problème. Bon, on va se faire le générique de fin là. Ouais, est-ce que Polo est prêt ? Va-t-il se vautrer une fois de plus ? À mon avis, oui, comme d'habitude. Écoute. On verra. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger. Quand t'en cuis ton oncle toute la journée. Petit fils d'enculé, voilà, fils de putain même. Tellement que je vais te violer, après je vais te chier à la gueule. Tu dois y aimer les bons casques militaires dans ton cul, toi. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre la bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Ils sont canadiens. Ah oui, ils sont canadiens, c'est ça le problème. T'as vraiment une voix de tafiole, hein, quand même. Hein. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. Non, toi enculé, toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Juste ma bite. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. Nous on se retrouve demain sur Fun Radio à partir de 23h. Comme tous les soirs, on sera en direct comme d'habitude. Je compte sur vous, hein, si vous êtes en vacances, bah, profitez bien des vacances, hein, tranquille, pépère. Si vous êtes dans la zone A, eh ben pas de bol. Hein, enfin, en même temps, vous avez déjà bien ouais, et profité, hein. Ils ont profité 2 semaines là. Voilà, c'est ça. Il faut quand même pas non plus déconner. On se retrouve donc demain 23h. Faites la promo hein, de l'émission hein, demain si vous reprenez les cours ou le travail. Demain 23h, 2h, on sera en direct comme tous les soirs de la semaine, y compris le dimanche. Mais là, c'est de 20h à minuit. Merci à vous en tout cas d'être là de plus en plus nombreux tous les soirs à écouter l'émission. Rencard demain 23h. La bonne soirée à Sandro, qui s'est déjà barré. Elle a déjà remplacé son casque. Oui, mais non, c'est fermé fini, déjà. C'est on fini. Ferme la boutique complètement là. N'importe quoi. Bah si, arrête. T'es déjà, ouais, t'es déjà à la porte là, t'es déjà à la porte. Oh là là, bon bah bonne soirée à Toff qui va baiser ce soir ou pas? Bah non, puisque personne ne m'a appelé. Ah ouais, bah Alexandro peut-être non? Je sais pas, tu veux? Bon bah elle a dit non. Non, elle a dit non. Polo, bonne soirée aussi. Merci, tu vas faire quoi? Il va aller dormir puisqu'il est mort en fait. Ah oh, oui, c'est vrai, il a fait les Jeux Olympiques, alors du coup il est presque décédé mais, là. Mais regardez les chutes! Oh là là! J'ai chuté de rien du tout là. C'est ça, moi j'ai un bleu sur l'avant-bras là depuis 3 jours. Bon, ouais, demain tu auras une magnifique compilation de toutes tes chutes. Ah, waouh, cool. Et merci également à tous ceux qui étaient connectés ce soir, vous avez été nombreux ce soir et des nouveaux aussi sur le Twitter de l'émission. Antoine, il y avait Abdou évidemment, on a habitué, Sarasvati, Matina ou également qui dit je vous adore, merci, bah avec plaisir, merci à toi d'être là également. Tirefall, il y avait Fabien, il y avait également Anto, il y avait Devers 45, El Chico qui est là également, Give it all to me, qui a fait un petit retweet également, Thomas qui était là, etc. etc. Merci à tous les nouveaux que je vais follower maintenant. Hein, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, @mikel_officiel sur le Twitter de l'émission. Bonne nuit, rencard demain 23h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux. Alors, que Mikel nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mikael m'offrira le reste. Oh my god! Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio.